soirée sur Fun Radio. Bonne fin de dimanche. Pour la zone A, bah demain c'est pas court puisque c'est lundi de Pâques. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Week-end de 3 jours, ça fait plutôt plaisir. Belle semaine à vous, bon courage et vous bossez. Pour ceux qui sont en vacances, pour la zone B, pour la zone C, éclatez-vous bien. C'était l'Eurodance 25 depuis 18h. Et le numéro 1, ça ne change pas depuis la semaine dernière. Toujours David Guetta avec Shut Me Down, Klingon en 2, Avicii en 3 avec A Brother, Bryce 4 pour le Free Fall Anthem. Et 5ème, Fallen Wadad avec le son de Changes. Eurodance 25. Sur Fun Radio. Retour de l'Eurodance 25, ça sera évidemment dimanche prochain. En replay, ça s'écoute également sur playfun.fr et sur funradio.fr. Rubrique Eurodance 25. Allez, belle soirée tout le monde. Direction la Belgique. Et avec oui. Mickaël qui est en pleine forme. Bah, en pleine forme, exactement. Alors, on n'a pas encore mangé, on n'a pas encore goûté. Alors, Toff est en train de vérifier seulement comment ça se passe. Moi, je suis quand même allé voir. Je suis quand même allé voir en cuisine comment ça se passait pour faire sauter les frites et tout. Mais donc, c'était pas mal. D'accord. Bon, bah, en tout cas, il est préparé. Je vous entends pas bien, les jeunes. Non, c'est vrai, et là tu nous entends mieux ? Il y a de la friture sur la ligne. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et là tu nous entends mieux là ou pas ? Non, mais c'était une vanne, ok, super. Ah, d'accord, ok, c'est drôle. Oh putain, l'autre il nous met la pression là dès le début, là je pensais qu'il y avait un problème. Mais vous avez la frite, vous êtes en pleine forme, allez. Eh oui, bah tu vas la voir aussi. Ah bah on a trouvé le nouveau JB alors, c'est très bien, parfait. Mais tu ne crois pas si bien dire puisque c'est lui qui remplace JB. Ah bah génial, on va bien se marrer, tiens, pour les vacances. Oui, parce qu'il y aura un party fun tous les soirs après vous. Exactement, ouais. Bon, parfait, bah Mico Rancard donc dans party fun. Et puis dimanche prochain à 18h, 20h avec l'Eurodance 25. Nouvelle punition donc. Ah ben ça marche. Allez Victor, pousse sur le bouton. Ouais. On y va, salut. Ciao. Mickaël, ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. Voilà, il y a Polo qui fait toujours le chauffeur de salle, évidemment, il adore. D'ailleurs, il ne vient que pour ça. Hein. Ah, il se déplace uniquement pour ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça va tout le monde à Charleroi qui est venu nous voir. Bon, la friterie est blindée. Hein. Alors, j'espère que vous avez tous commandé un petit truc, hein, histoire de faire d'affaires quand même pour. Là, il va faire son chiffre de l'année. Hein. Ah, bah, j'espère bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, on est donc à la friterie Alba. C'est au 34 rue. Caillaudry, exactement. Pourtant, je l'ai répété à plein de monde tout le temps. Donc, 34 rue Caillaudry. C'est à Charleroi, à ne pas confondre avec Ransa, parce qu'à Charleroi, ils ont décidé d'appeler à 3 km de différence deux rues du même nom. Ah oui, c'était plus facile. Voilà, non, ce qui est très pratique. Normal, hein. Donc, c'est Charleroi Nord si vous voulez venir nous rejoindre. Bon, on va trouver encore un peu de place. Au pire, on bougera un peu le frigo, etc. On va se démerder, quoi. On va pousser les murs, enfin, on fera un truc. Bah oui, on va essayer de faire quelque chose, et c'est pas un problème. Bon, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez parler avec nous, ben, on est là comme tous les soirs. On est là jusqu'à minuit. D'ailleurs, toute cette semaine, on sera également là en direct de 20h à minuit sur Fun Radio. Et comme on l'a dit dans le jingle, donc toi va s'installer pour faire la bouffe. Oui, bah ça va, j'ai commencé déjà, j'ai déjà fait une mitraillette. Ah ouais, je me suis fait beaucoup aider, hein, mais... D'accord. Non, en même temps, c'est pas compliqué une mitraillette. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la mitraillette, c'est un pain sandwich avec des frites, avec de la viande, avec de la sauce, avec de la salade. Avec tout ce qu'on trouve. Ouais. Voilà, en plus, non, là c'était un super simple, c'était sauce, hamburger et frites. Hein. Oh bah c'est parfait, alors non, c'est encore plus simple. J'ai fait mes débuts. Hein. Bon, bah, Polo également va prendre les commandes et puis va servir. Bah, hein. S'il y a des commandes, mais bien sûr, il y a des commandes ou pas ? Ouais. Ah bah voilà, très bien, ça va lui faire un peu de travail. C'est pas gratos les gars, vous payez. Oui, parce que c'est moi qui m'occupe de la caisse ce soir, donc je peux vous dire que ça va être énorme. Il faut qu'on gagne notre vie, hein, ce soir. Bah c'est ça, exactement. Bon, en tout cas, quand qu'il arrive cette semaine, donc pendant que tout le monde est parti en vacances, ben, on sera là de 20h à minuit. On a Johan avec nous d'ailleurs dans les rôles, dans le 34. Salut Johan, comment tu vas? Bien. Ah, t'es un doux toi Johan? Ah ouais. Ouais. Oh bah t'es un bon doux toi, t'es un doux de quel âge? 12 ans. 12 ans. Oh là là. Oh, il est parfait. Et tu nous appelles pourquoi Johan? T'as passé un bon week-end déjà? Oui. T'as fait quoi? J'ai joué à Play. T'as joué à la Play, bah très bien. Oublie pas de couper ta radio derrière toi, Johan. Hein. Bon ouais. Johan, et tu nous appelles pourquoi du coup? Pour rentrer dans l'armée des doux. Bah alors attends, parce qu'il faut que je te passe notre ami Polo. Il est pour là. Ça. Bah, oui. Hop là, c'est parti, rentrons. Je suis devenu sourd. Rentrons dans l'armée des doux. Non, je sais pas, on est pas en train de faire la fête. Arrêtez. Attention. C'est sérieux, c'est une cérémonie sérieuse. Pour ceux qui débarquent dans l'émission, je rappelle que les doux sont une armée et que chaque auditeur qui n'a pas encore mué est considéré comme un doux. Voilà. Et afin de rentrer dans cette armée très fermée qui est l'armée des doux orchestrée et gérée plutôt de main d'acier, de main de fer par Polo. Alors pour ça évidemment, il y a un petit test que Johan va tenter de réussir. Johan, est-ce que tu m'entends? Ah non, il m'entend pas. Il a eu peur. Johan, t'es là? Ah non, il a eu peur, il s'est barré. Oh bah c'est vrai. Tu ne mérites pas d'être. Ah bah attends, il y a un deuxième qui est là, il y a Jason. Jason, t'es là? Oui. Ah oh. Voilà, bah du coup Jason t'as pris la place de Johan. Alors je te présente Polo pour rentrer dans l'armée des loups. Salut Jason. Salut Mika. Ouais, là c'est Polo, mais c'est bon, je c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors, Jason, je te repasse Polo, là, pour te faire rentrer officiellement dans l'armée des loups. Bon, Jason. Oui. Quel âge as-tu? 12 ans. Est-ce que tu es doux? Oui. Tu es sûr? Ah oui, ah, oui. Là, il peut pas lutter. Hein. Ah bah là, bon, il peut pas lutter. Afin oui. d'entrer dans l'armée des doux, tu dois t'insulter copieusement, mais correctement, dans la correction, d'accord? Allez, vas-y, insulte-toi. Je suis un enculé, c'est un gros PD. C'est un connard. Calme-toi, il y a bon, des gens bon. Ce soir, on n'est pas tout seul. C'est bon, c'est bon, wow, wow. Ça ira, ça ira. Bon, est-ce que tu as ton téléphone dans la main? Bah oui. Oui. Non, mais tu veux qu'il l'ait dans son. Mais il l'a peut-être posé, il a peut-être un. Ah, le kit main libre. Kit main libre. Non, oh, parce Sandra que sinon, lui a dit. Sandro lui aurait tapé sur les doigts. Donc, bon. Tape-le-toi sur la tête. Allez, encore. Non, je crois que ça a raccroché. Ah, il est mort. Non, non, il est toujours là. Jason? Oui. Bon, encore une fois. Encore. C'est bon, Jason, tu es officiellement un doux. Tu es bienvenue dans l'armée des doux. Eh ben voilà. Allez, on l'applaudit. Bravo, Jason. Bienvenue dans la confrérie des doux. Exactement. Jason. Bon, ben bravo, Jason. Ben voilà, maintenant t'es doux, officiellement. C'est bon. Tu vas pouvoir te la ramener auprès de tes potes. Ça va être génial. Jason. Oui. Bon, tu as le droit en tant que doux officiel de passer deux dédicaces à la place de une. Si tu en veux, tu n'y dis pas. Première dédicace, je souhaite bon anniversaire à mon parrain. D'accord, et moi je pue, hein, donc ok. Oui, complètement. Et bonne soirée à vous, fun. Eh ben d'accord, ben finalement il a fait de cul. C'est bien, Jason, au moins tu n'as pas fait ça pour avoir le deuxième bonjour gratuit. Très bien. Salut, Jason, à bientôt dans les roues. À bientôt. Salut, ciao à toi, bye bye. C'est drôle ça. Ouais, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Ça. T'as de la chance que j'ai pas la musique du coin ici. Ah c'est dommage. Ouais, tu vas pouvoir faire toutes les conneries. Pas être puni ce soir. Ah ouais, ce soir tu peux pas être puni, mais ouais, t'inquiète pas, t'iras à la cuisine pour être puni là. Bon, pour venir délirer avec nous à l'antenne, en tout cas comme d'habitude, les numéros fonctionnent 01 42 48 5000 où que vous soyez en France, et pour la Belgique le 02 851 4x0. Vous venez avec nous, on parle de ce que vous voulez. Sandro qui est resté à Paris évidemment pour répondre à vos appels. T'as passé un bon week-end, Sandro? Ouais, ah, je suis débordé. Mon Dieu, je suis débordé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais oh là là. Pas du tout. Joyeux ah bon. Anniversaire, Mickaël. Oh, je te remercie. Ah, suce-boule, va. Tout ça pour avoir une augmentation, hein. C'est ça? Pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je te remercie, écoute, c'est gentil. Si ça vient du cœur. Mais bien sûr que ça vient du cœur, sinon je t'aurais pas dit. Mais oui, mais oui, mais oui. Donc, Sandro, en termes de régime, comment ça s'est passé? Écoute, j'ai mangé une salade. Ouais. J'ai surtout commencé l'aquagym. Ouais. Ah, ah non, commencé... pas alors, tout le week-end, aujourd'hui. Pour ceux qui n'est, parce que oh, d'habitude, on passe de 23h à 2h. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'écouter si tard, Sandro donc, a commencé l'aquagym donc, ce week-end, alors qu'elle vient de terminer une année complète où elle a payé. D'abonnement où elle s'est rendu compte seulement il y a quelques jours, elle s'est dit tiens, c'est marrant, on débite 50 euros tous les mois, je ne sais pas ce que c'est, mais il fallait bien s'en rendre compte un an après le début. Hein. Ouais, c'est bien. Ça, j'étais bien énervée. Ouais, c'est bizarre quand t'as un truc qui s'appelle Aquafit de te poser la question. Ouais. C'est ça. Bon, donc si vous voulez parler à Sandro, bah, ce soir appelez-la 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4 x 0. Très bien. Bon, Sandro, tu n'hésites pas, t'interviens quand tu veux. Hein. Eh ben, c'est cool. Tu veux qu'on t'envoie quelques bien... frites par mail? J'avoue que la mitraillette me fait très envie. Mais on t'en rapportera une demain. Bon, elle sera pas fraîche, mais on t'en ramènera une demain, sans problème. Mais elle sera bonne, elle sera Elle sera très très avec bonne, exactement. De bon, Toff, prêt pour la cuisine également? Mais évidemment, j'ai été faire mes petits cours, là, j'ai appris. Ah, magnifique. Ouais, la quantité de frites qu'il fallait mettre dans la mitraillette. Parfait. Comment couper l'hamburger, bah, manger. Évidemment, évidemment. Et vu que ce soir, on aura l'occasion de rencontrer tes nouveaux amis pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine. Ah oui. Avec un florilège que nous avons eu cette semaine d'enculé, de va te faire foutre, oui, de tout sympas. Et n'importe quoi, des gens très sympathiques effectivement. Et Polo qui est venu donc avec l'armée des loups, on a déjà bien commencé tout à l'heure avec notre ami Johan. Et puis on a également Morad avec nous maintenant, 35 ans en bas de Bruxelles justement. Salut Morad. Oui. Ça va Morad? Oui. Bon, très bien, Morad. Bah oui, ça a l'air. Je rappelle également que ce soir, on a 200 euros à vous offrir sur le Facebook de l'émission. Donc, si vous voulez les gagner, eh bien, rencard sur facebook.com/mikaelofficiel dès maintenant. Et puis, bah, faites le like et le partage du post que j'ai mis tout à l'heure. Et puis, tout à l'heure, avant minuit, on fera un tirage au sort. Et puis, celui qui sera tiré au sort repartira avec 200 boules gratos. On peut les avoir avec Toff, on va aller rue d'Arscott. Les 200 euros, non. Merde, t'as qu'à les voir. T'as qu'à voir dans le portefeuille de Toff, c'est très bien. Charleroi, on va où au pute? Bah, je sais pas. On posera la question tout à l'heure à la friterie Alba. Bon, Morad, toi tu vas jouer pour un appareil photo numérique. Morad? Non, il veut pas. Morad? On a perdu Morad. Morad? Reviens Morad. Morad? Oui. Bah, il est parti. Ah, très bien. Bah, il faut pas partir comme ça, Morad, là, tu nous fais des frayeurs. Ah bah oui, mais c'est pareil. Bon, Morad, appareil photo numérique pour toi ce soir, si tu arrives évidemment à coller les auditeurs de Fun. Et pour ça, il faut que tu passes péter la colle. Vas-y, Morad. J'ai un chapeau, mais pas de tête. Je vis dans le bois, vous m'aimez toutes. On vous met sûr de moi, qui suis-je? Très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900, ou alors pour la Belgique au 63 22. Je répète, j'ai un chapeau mais pas de tête, je vis dans les bois, vous m'aimez tout en vous méfiant de moi. Si vous avez la bonne réponse, eh bien allez-y, Morad, on te récupère avant 22h et on offrira donc eh bien soit l'appareil photo numérique à toi, soit celui qui aura éventuellement trouvé la bonne réponse. Morad, on te récupère tout à l'heure, d'accord? Je crois que Polo il a la réponse. Ah, vas-y, Polo. Écoute, je sais pas, est-ce que c'est la bite? Non. Morad, alors, c'est pas verge, ça. Une verge à pénis. C'est ça ou pas, Morad? Allô? Morad, il faut rester oui, avec oui. nous. Ah oui, mais il faut rester avec nous, Morad. Hein, hein ouais, ouais. Oui, parce que si t'écoutes avec la radio, vu le décalage qu'il y a, à mon avis. Ouais, on n'est pas l'abri que t'écoutes l'émission d'avant-hier. Bon, Morad, bon, reste avec nous. On va donc donner. Bon, c'est pas la bite, hein, Polo, je te confirme, comme ça au moins c'est fait. Non, mais. Non, avec le chapeau, ça marchait bien. Ouais, avec le chapeau, ça aurait pu fonctionner, mais en effet, c'est pas ça pourtant. Bon, donc si vous voulez, si vous avez envie de gagner, repartir avec cet appareil photo numérique, eh bien, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Je répète donc l'énigme de Morad. J'ai un chapeau, mais pas de tête. Je vis dans les bois, vous m'aimez tout en vous méfiant de moi. Qui suis-je? Allez-y et bonne chance tout le monde. J'allais poser la question à Morad, savoir s'il a envie d'écouter un son, mais je pense qu'on va, on va pas insister là-dessus. Quoi qu'il en soit, dans quelques minutes, j'aurai le son de Major Lazer à vous faire écouter. Major Lazer avec Shanna Paul, ça sera Come To Me. Je vous passerai également le son de Route 94. On va chiller pendant que Toff ira chier. Évidemment. Les chiottes sont pas loin, ils sont sympas. Eh bah tant mieux. Et puis Katy Perry aussi avec Burley. Et si vous avez envie d'écouter un son, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à un hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, sur le Facebook également, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Surtout, vous n'hésitez pas. Et puis il y a un truc dont je voulais vous parler. Il y a un mec aux États-Unis qui voulait pisser discrètement. Jusque là, tout rien d'exceptionnel. Normal, ça arrive à tout le monde. T'as envie de pisser discrètement, tu y vas donc. Donc il trouve un coin tranquille où personne peut le voir. Il est au bord d'un petit étang et donc il pisse dedans. Bah normal. Bon déjà pas au niveau de l'étang, c'est moyen, il aurait pu pisser à côté, tu vois. Ah bah non, bah truc, si. Le truc qui est marrant c'est que tu te mets au bord et t'essaies d'aller le plus loin possible. Non, génial, c'est super drôle, donc toi tu te marres. Bah écoute, ça fait marrer des gens. Ouais, ça fait marrer des gens, c'est vrai, enfin quel bon. Mec, sauf que bah, ce qu'il pensait être un étang, c'était en fait le réservoir d'eau potable de Portland aux États-Unis. Résultat, 143 millions de litres d'eau potable jetés à la poubelle. Ah c'est bon. Voilà, et ça le fait toujours marrer, il est content. Ouais, bah ouais. Voilà, donc je voulais savoir ça, j'aurais pu le faire. Ouais, oui, bah ça m'étonne pas. Ouais. Donc je voulais savoir si vous aussi vous aviez peut-être déjà fait une connerie petite ou grosse et qui est devenue dramatique. J'imagine que Toff en a fait une déjà. Ouais, bah moi en fait je me suis trompé entre le diesel et l'essence. T'sais, ah en ouais. fait, je veux faire plaisir, je vais faire pour faire le plein de la voiture et donc je mets, mon père avait toujours une voiture essence et ouais. donc là qu'est-ce que je fais? Bah je mets de l'essence. D'accord. En fait, il venait d'acheter une diesel. Ah, dommage. Et il ne peut pas être très content. Eh oui, bah tu m'étonnes. Parce que jusqu'à la maison, elle a roulé la voiture. Ah oui, oui, oui, bah, j'en doute pas. Hein. C'est après que j'ai dû lui dire: ouais, papa, je t'ai fait plaisir, j'ai fait le plein. Ouais, c'est mais ça. T'as mis quoi dans la voiture? Eh bah, de l'essence, voilà. Et Polo, t'en as fait une ou pas toi? Bah oui, j'avais raconté, quand j'étais petit, j'avais fabriqué un petit moteur. Ouais. Et en fait, c'était un moteur de je sais plus de quoi, et en fait, ça ne prend pas le 220. Ouais. Et en fait, j'ai coupé un câble électrique, j'ai branché tout ça, et puis ça a fait sauter les plombs. Et non, c'est étonnant, sûr. Tiens. De quoi? Non, mais sinon, je me dis, c'est étonnant. Tout est fait sauter. Je ne suis pas un scientifique. Ah oui, ça je confirme. Bon, bah dites-nous les autres, rappelez-nous, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme connerie sans le savoir à la base, hein? C'est un truc totalement basique, comme le mec là qui pissait. Sauf qu'en fait il a niqué 143 millions de litres d'eau potable. Mais j'en ai fait une pareille que Polo aussi. Ah ouais? Ouais, en fait je voulais voir ce que ça faisait quand tu prenais tel 220, tu mets la prise et quand tu fais toucher les deux. Ouais. Et bah j'ai appris que ça faisait sauter les plombs. Ah ouais, ouais, aussi, ouais, aussi, ouais. Tu devrais même essayer de le mettre sur ta peau pour voir ce que ça fait. Et bah ça brûle un peu. Hein. Tu crois pas si bien dire, mais je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Dans ton cul, bon, c'est aussi. Allez, restez sur Fun Radio. Ça m'étonne pas. Elle s'est dit putain, génial. Ça y est, j'en suis débarrassé. Bon, restez là dans quelques minutes, je vous cale le son de Sean Paul sur Fun Radio. Voilà, Shanna Paul dans quelques minutes sur Fun Radio avec Major Lazer. Et ce sera Come To Me. Allez, bougez pas, c'est Mickaël No Limit. On est en direct de Charleroi. Venez nous rejoindre si vous voulez. On est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Ce soir, toute l'équipe de Mickaël No Limit sont en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël, ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël. En direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio de la friterie Alba, on est à Charleroi en Belgique. Donc si vous voulez nous rejoindre, évidemment vous êtes bien sûr les bienvenus, hein. Il suffit simplement de venir. Voilà, c'est 34 rue Caillaudière. Caillaudière, c'est ça ? Caillaudry, ah putain, à chaque fois, putain, alors que je l'ai bien dit tout à l'heure. Bon voilà, 34 rue Caillaudry, si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est à Charleroi. Si vous êtes de tout près de la frontière franco-belge, bah, vous pouvez venir, hein, c'est à 45 minutes de route, donc tranquille. Et puis bah Tof qui va pas tarder à aller direction la cuisine. Ah hein ? Il va nous faire vomir. Non, j'ai poussé le mauvais, voilà. Non, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est bon, non, ouais, c'est Tof qui était mauvais, alors très bien. Très mauvais. Bon voilà, voilà, c'est parfait. Donc tu vas aller dans la cuisine ? Bah, je vais à la cuisine, mais d'abord on a notre joli dessin aussi sur le mur qui est en train de se faire. Exactement, on est en train de faire un petit tag. Bah parfait, bah écoute, va faire un tour dehors et pendant ce temps-là on va se mettre le son de Sean Paul maintenant sur Fun Radio, je l'ai promis, Sean Paul maintenant avec Major Lazer, c'est Come to Me sur Fun Radio, Mickaël No Limit, on est toujours en direct évidemment depuis Charleroi et on est là jusqu'à minuit. Mickaël, ce soir, Tof fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Eh oui, on est en direct sur Fun Radio, en direct de Charleroi, en Belgique, de la friterie Alba qui est blindée. Rentrez, il y a de la place encore, ouais, là. Oh là là, il n'y a pas de problème. Il y a encore du monde dehors. Mais oui, il y a du monde dehors qui est très bien. Bah, Tof qui est dehors justement, oui. Tiens, t'es là ? Oui, je suis dehors, je suis ici en direct de la rue, hein, donc à des milliers oui, de kilomètres de la rue. Bah, il y a 3 mètres. Hein. Allez, grosso modo, allez, on va dire 6 pour pas abuser non plus. Ouais, c'est vrai. Bon, alors je rappelle que donc on avait proposé à la friterie Alba donc de faire un petit de taguer le logo de l'émission sur la façade. Voilà. Et donc on est en train là. Bah on est en train et c'est plutôt pas mal, hein, c'est-à-dire. Ah ouais, ouais. Ouais, non, on pourrait presque croire que c'est le vrai. Non. Ah si, je te jure. Tu m'iras, en même temps, c'est facile, le logo de l'émission, c'est une tache, oui, de peinture. Non, mais donc. Après les lettres et tout. Non, c'est pas mal foutu. Bon, c'est encore en construction, mais ça commence à être pas mal. Non, c'est vrai que c'est beau. Mais on te ramène des photos pour que tu puisses voir aussi. Bon, bah parfait, on va les mettre comme ça sur le Facebook pour voir aussi l'évolution au fur et à mesure. Donc bah voilà, pour les autres, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Est-ce que on peut voir sur la façade ça commence, mais il fait encore un peu clair dehors, donc d'accord, ça commence à se voir. Voilà. Ah oui, je vois effectivement, on la met sur le Facebook, je vois qu'effectivement le logo est plutôt pas mal, hein. Voilà, il est plutôt bien réussi. Pourtant, quand j'ai vu la tête du mec qui allait le peindre, j'ai pas cru trop, hein. Moi non plus. Bah, nous non plus, mais bon, ça va. C'est très surtout bien. Ses mains qui sont un peu grosses, bah, c'est ça, c'est ça. Bon bah très bien, bah écoute, bah tout à l'heure Tof. Bah tout à l'heure. Bah il va aller tu vas aller dans la cuisine là. Je vais passer à la cuisine là. Je bon vais, très bien. Je vais faire un tour à la cuisine. Bon alors attends, parce qu'en attendant on va prendre Xavier avec nous là. Salut Xavier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Salut. Bonsoir Charleroi. Comment ça va ? Attends, tout le monde. Oh, eh oui, Xavier d'Auxerre qui salue Charleroi dans Lyon. Enfin c'est Auxerre qui est dans Lyon, pas Charleroi. Bon ça va Xavier, 33 ans. Oui, ça va. Joyeux anniversaire, Mickaël. Bah merci, Xavier, c'est gentil. Eh ben, tu sais quoi, je vais mettre la musique d'anniversaire. Après tout, je la mets pour tout le monde et pas pour moi, même si c'est trop tard, mais bon, quand même. Voilà, je me souhaite donc un bon anniversaire. Voilà. C'est bien cette musique, en fait, quand tu la prends pour toi-même. J'adore. Je la mettrai pour Polo l'année prochaine. Ah, avec plaisir. Voilà. Allez, et hop, on termine. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui me l'ont souhaité ce week-end. Bah, c'était samedi soir, sur le Facebook, sur le Twitter. J'ai répondu à un maximum de monde, pas encore à tout le monde, mais je le ferai au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup, Xavier. De rien. Et ben voilà, t'as passé une bonne journée, un bon week-end. Ouais, ça a été. Bon, là, ça n'a pas l'air, hein, Xavier. C'est pas là, la comme joie ça, de vivre, en, hein. Là, en t'entendant, là, comme ça, on n'a pas l'impression que t'aies passé un putain de week-end. Hein. C'est ma façon de parler. Ah, c'est ta façon de parler, d'accord, ok, très bien. Bon, eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas Xavier pour l'anniversaire. Et puis tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. A bientôt Xav. D'accord. Salut, à bientôt. Oula. Ciao. Bon, alors dites-nous aussi si vous avez peut-être déjà eu fait des conneries plutôt, hein, genre comme le mec là aux États-Unis à Portland qui a décidé de pisser comme ça à la base au bord de la route, sauf qu'il a pissé dans un petit étang. Okay. Sauf que c'était la réserve d'eau 143 millions de litres qui ont été foutus à la poubelle. Et donc je voulais savoir justement si vous aviez déjà fait des conneries. Et donc il y a quelqu'un qui dit, il y a Olivier qui dit, moi j'ai monté la batterie d'une voiture à l'envers, ça a fait pouf. Oui bah oui forcément. Oui, c'est normal, j'ai envie de dire. Ça explose. Bah ouais, il y a Jamaïque aussi. Oh non, tu t'appelles Jamaïque ? Si. Jamaïque de Nîmes, merde ! Jarastafari avec ou quoi ? D-J-A-M-A-I-K. Jamaïque, putain, c'est bon ça. Est-ce que Jamaïque. T'as les... Ah, Jamaïque. Ça vient d'où? Bah, ça vient de Jamaïque. Non. Ça vient de Guadeloupe. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah, Jamaïque, t'appelles de Nîmes, donc, dans le Gard, et toi, t'as déjà fait une connerie, toi, c'est ça? À la base, j'étais parti sur une vanne. C'est quoi? Et puis, c'est que c'est une collègue de boulot. Ouais. Il y a un autre bureau qui l'appelle. Ouais. Et puis on me demande pour ma collègue. D'accord. Et là je leur dis, elle est en train de me faire une fellation. Ah ouais, carrément, toi t'as, ça va, ouais, tranquille, et puis. Et puis à la base, c'était une vanne, c'était le 1er avril. D'accord. Et puis et le mari t'a pété la gueule. Non, c'est pas ça, c'est que ça aurait pu mal se terminer. Ça aurait pu mal se terminer. Bah oui, oui, forcément, oui. En même temps, c'est normal, Jamaïque. Là. Enfin, Jamaïque plutôt, effectivement. Ça tombe sous le sens que ça aurait pu mal se terminer, hein, Jamaïque. Tu t'attendais à quoi? Bah, à la base, c'était une vanne. Oui, non, mais j'ai compris qu'à la base. Mais sûr, ça aurait pu mal se terminer. C'est quoi, la fellation ou le quelqu'un, le mari est intervenu? Non, c'est parce que moi, je faisais comme si qu'elle me faisait une fellation en fin de compte. Ah, ok. Ok, ça, et possible. Puis, ouais. En même temps, elle est arrivée en même temps. Ouais. Et puis là, elle a répondu que j'étais livré sur elle et elle a mal pris. D'accord, ok, vu comme ça, donc t'as failli prendre cher, quoi. Ah ouais, t'as failli aller loin et puis parce qu'à la base, on avait l'habitude de déconner ensemble. Sur des d'accord, ouais, ben depuis, vaut mieux plus déconner, Jamaïque, hein, faut arrêter ouais, ses conneries. Ouais, hein. Voilà, et puis... voilà, mais après, t'as toujours le 1er avril pour te défendre, mais bon, il est quand même déjà passé maintenant. Bah merci, Jamaïque, en tout cas, d'avoir appelé. Y'a pas de soucis. Ça roule, à bientôt, Jamaïque. À plus. Salut à toi, ciao. On aura Alexandre aussi dans un instant pour parler des conneries. Il y aura le retour de la colle avec Morad dans quelques instants, pareil. Et puis nous aurons aussi les appels de Toff ce soir. Les appels de Toff qu'on a eu l'occasion de faire la semaine dernière, évidemment, entre 23h et 2h du mat. Toff, oui. Est-ce que tu oui. te souviens du premier que nous allons faire ce soir? Pas du tout. Gendarme, mais... ça te parle? Non, mais normalement, comme ça dans l'absolu, ça ne me dit rien. Eh ben, tu vas voir, ça va être d'accord. Une petite surprise dans quelques instants. Donc reste bien là. Bah, bon, ça y est, t'es à la cuisine là? Là, je suis à la cuisine, c'est bon. Là, je suis en plein rush. Alors tu crois pas si bien dire, c'est-à-dire qu'il y a la file jusque dehors là. Ah bah oui, bah forcément. Et là, pour ta gueule. Je surveille les frites là. D'accord, ok. Bon, alors au niveau de la cuisson, en termes de degrés, combien? La cuisson, attends, c'est combien? Oula, 160. 160, c'est un peu peu là, non? Bah c'est oui. Patrice, on me dit que c'est un peu peu la 160. J'ai l'impression, hein. Et Toff. Non, c'est bien, parce que après c'est rouge, donc non, c'est que ça. Ah d'accord, ok, tu bon, sais, très bien. Pour tester le. Ouais, faut savoir mon doigt dedans. Attends, non, mets ta bite dans le. Très bien, et après ce sera offert à tout le monde, hein, vous inquiétez pas. La bite, hein, un peu. Bien sûr, free, voilà, bien sûr. Les frites sont très bonnes. Hein. Bon, quelle est ta première commande, Toff? Je sais pas quelle est ma première commande. Alors, bon, allez. Attends, t'entends mal, parle dans le micro. Non, mais je suis en train de manger des frites, je peux pas tout faire. Oh là là, bah oui, mais mange pas de frites. Je suis en train de bouffer des frites, je peux pas tout faire. Bah oui, forcément, ouais. Bon, alors je suis censé prendre une commande. Bon, première commande, c'est laquelle? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il allez hop, on sert quoi là, première? Un petit paquet maillot, bah faut le temps que les frites elles cuisent. Oh bah très bien, un petit paquet maillot, c'est facile. Ouais, c'est bon, ça. Les autres, venez nous rejoindre hein, si vous voulez, n'hésitez pas, on va délirer ensemble jusqu'à minuit ce soir avec une GoPro à gagner tout à l'heure. On fera un petit défi avec les auditeurs et auditrices de Fun qui sont passés ce soir à la friterie, dans le snack où on se trouve, hein, restaurant quoi. Jusqu'à minuit, donc passez le message autour de vous si vous êtes dans le coin, si vous êtes sur Charleroi et même dans le coin, même sur vers Bruxelles, il y a jamais que 30 minutes, si vous êtes sur Valenciennes, sur Douchy-les-Mines, il y a à peu près 3 quarts d'heure, donc vous pouvez venir nous rejoindre également, Charleville-Mézières c'est possible aussi, vous prenez l'autoroute, vous arrivez, de toute façon on est là jusqu'à minuit, donc vous êtes plutôt tranquille. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire le son de Road 94, ça me paraît pas mal. Ah cool, on va chiller pendant que Toff ira à la cuisine. Oui, non, à la cuisine. Ah oui, ouais, il va à la cuisine. Je peux chier dans l'huile si tu veux. C'est vrai, c'est une idée, mais je préfère qu'on écoute le son de Route 94 maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est en direct de Charleroi avec tout le monde sur Fun Radio jusqu'à minuit. Mickaël, ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël No Limit. En direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct toujours de la friterie Alba, on est à Charleroi. On est en train de terminer le tag de l'émission sur la façade c'est de magnifique. La friterie et ouais. il a l'air d'être plutôt pas mal ouais. non, le c'est, tag. C'est plutôt bien foutu hein, ce qu'il a fait. Ça a l'air d'être plutôt bien foutu en effet. Ouais. On est bien. Bah, ouais. On aura Laura dans quelques minutes là, qui voulait nous souhaiter bon anniversaire. C'est cool Laura, merci à toi. Il y aura Pascal, il y aura Alexandre dans quelques instants, il y aura Gilef et puis bah vous si vous voulez discuter avec nous. On est là jusqu'à minuit ce soir pour nous appeler, c'est facile. 01 42 48 5000 partout en France et pour la Belgique le 02 851 4x0. Bon, pendant que toi fais toujours la cuisine, ouais. et bien nous allons faire les appels de Toff, bien entendu. Et donc c'est la question que nous avions posée cette semaine. Là, je suis en train de sortir les frites. Ah bah tant mieux, parfait. Oui. Il secoue, les, secoue. Voilà, c'est ouais. ça. Enlève l'huile. Bon, est-ce que vous êtes des obsédés? Donc la question qu'on ne pose pas à Toff, bien entendu. Bah pas du tout. Moi je ne suis absolument pas un obsédé. Bon attends, on va poser la question au public qui est venu. Est-ce que vous êtes des obsédés, le public? Oui. Ouais, genre comme par hasard, personne répond là. Les deux là, c'est des gros pervers. Ouais. Si ça se voit là, ça se voit. Bon, est-ce qu'il y en a qui sont pas obsédés? Ouais, il y en a trois quoi. Y a d'accord, ok. Quand même. Ouais, il y en a trois. Ouais. C'est bizarre. Bon, donc du coup, on avait fait les appels. Oui. Et tu avais demandé ces charmants auditeurs, enfin, qui sont pas vraiment des auditeurs, puisque ce sont des auditeurs qui nous ont envoyé leur numéro de téléphone. Ce sont plus que ça. Ce sont des amis personnels que j'appelle. Tout à fait. Pour leur poser la question. Exactement. Donc, on va faire le premier appel maintenant. C'est parti pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière entre 23h et 2h. Voilà comment ça se passe. Allô. Oui. Bonsoir, madame. Oui, qu'est-ce que c'est? Ben, je voulais savoir si vous étiez obsédée, madame. Pardon? Non, je voulais savoir si vous étiez obsédée. Voilà, donc là on a fait le premier appel, autant pour moi, je pensais que le deuxième allait enchaîner, autant pour moi. Bon Toff. Oui. Bon, premier appel, c'était un échec total. Cuisant. On avait fait le deuxième maintenant, donc c'est parti, on y va, et vous allez voir que là, crescendo, ça va partir, hein, vous allez voir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. J'étais en communication avec votre femme, et en fait je voulais lui demander si elle était obsédée. Si elle était quoi, obsédée? Oui, c'est ça. Pourquoi? Bah pour savoir monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bah c'est une question monsieur, je comprends pas. Ah ben non, mais là j'ai pas à vous répondre sur une question aussi stupide. Pourquoi ma femme est obsédée? Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait? Bah elle m'a rien fait, mais c'est parce qu'il paraît que les femmes seraient plus obsédées que les hommes, mais qu'elles le cacheraient bien. Et du coup je voulais vérifier avec votre femme. Bon alors écoutez, vous commencez à me... Hein, je veux être correct, hein. Et puis bon, Oui, j'ai pas tout compris monsieur. Et puis bon, et il avait coupé justement, donc on avait évidemment décidé de le rappeler encore une fois, normal, donc on avait remis le couvert et on l'avait rappelé, c'est parti. Oui, allô. Oui, non, je m'excuse monsieur, mais j'ai pas tout compris à ce que vous avez essayé de me dire. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire là? D'abord, vous allez me donner votre numéro de téléphone et votre nom pour commencer. Oui, alors moi je m'appelle Toff monsieur. Comment? Non, je m'appelle Toff. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais c'est pas une connerie monsieur, c'est mon nom. Alors vous allez l'épeler, puis moi je vais appeler la police pour en savoir davantage. Alors ça s'écrit T. Allez, oui, P. O, non, T comme Thérèse. T comme Thérèse. Voilà, oui, hein, donc le O de Ophélie. Oui. Le P de Patrick. Oui. Hein, et le H de Henri. Top. Non, Toff, parce que c'est PH, monsieur, comme dans photo. PH, bon, vous allez me donner votre numéro de téléphone. Bien sûr, alors donc c'est le 01. Oui. 42 48 50 00 00. Voilà. Bon, alors écoutez, oui. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je signale tout ça à la police, je le fais immédiatement. Hein. D'accord, mais vous voulez pas répondre à ma question avant? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, bande de merde, à la fin? Bah, si votre femme est obsédée ou pas, monsieur, enfin c'est mais ça. Mais elle ne l'est pas, puis c'est tout, vous me faites chier à la fin. Oh, bon. Non, mais alors qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Enfin monsieur, faut pas s'énerver, c'est qu'une question. Non mais pour quand là? Oh non monsieur, non. Ah si. Bon du coup on avait fait le quatrième appel, évidemment, vous imaginez bien qu'on n'est pas resté là. Bah bien sûr. On n'en est pas resté là et on avait fait le quatrième appel. Maintenant, c'est parti pour savoir évidemment si cette personne est obsédée ou pas par rapport à une étude que nous avions trouvée avec Toff. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Bah, je voulais juste savoir si votre femme était obsédée, monsieur, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse idiote, cette question idiote? Mais c'est pas une question idiote, monsieur, il paraît que les femmes sont plus obsédées que les hommes, et du coup, je voulais vérifier. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre truc, là, d'abord, en vertu de quoi vous vous emmerdez les gens à cette heure-ci pour savoir avoir une question aussi bête? Bah, c'est juste pour avoir la réponse, monsieur, si vous me répondez. Mais je vous l'ai donné, je vous ai dit non, bon. Eh ben voilà, c'est tout, monsieur, il suffit pas. On va pas s'énerver pour ça, monsieur. Ah ben si, il y a de quoi s'énerver, parce que là, vous insistez, et c'est, là, c'est vraiment obsessionnel, hein. Mais... Vous allez me rappeler votre numéro, hein. Oui, donc... Alors, c'est bien 01 42 48 50 00. Oui, oui, c'est bien ça, monsieur. Bon, alors, écoutez, d'ici un quart d'heure, il est possible qu'on vous rappelle, la police arrive. Mon fils travaille dans la gendarmerie. Ah ben très bien. Eh ben, j'attends et la police avec impatience, alors, monsieur. Mais qu'est-ce... Mais couvre-toi, pas. Mais vous êtes un peu con, mon pauvre ami. Ah non, monsieur, non. Oh, arrête. Parce que des bêtises et des stupidités comme ça, non, mais vous êtes bien, hein. Bah de oui, ça... famille. Si vous êtes une famille de tarés, mon pauvre ami. Allons. Ah. Pauvre idiot, va. Oh, mais alors, écoutez, arrêtez. Ça suffit. J'attends la police. Alors là, vous allez en avoir des emmerdes. Croyez-moi, hein. Parce que là, mon fils est dans la gendarmerie. Je peux vous donner son nom, si vous le voulez, pour le contrôler. Là, vous allez en avoir vraiment. Non, hein, ça va aller. Alors, ça suffit. Arrêtez de téléphoner. D'accord. Mais de toute façon, je vais l'attendre, hein. Et puis, s'il arrive pas, je vous rappelle. Parce que je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose en route. À qui? Bah, à votre fils. Ah, ouh là là, mais vous allez loin. Qu'il lui arrive quelque chose en route à mon fils. Bah... Ouh là là, c'est des menaces là, Ah mais pas du tout, monsieur, non, mais. Ah mais si, mais pourquoi vous voulez qu'il lui arrive quelque chose à mon fils? Bah je sais pas, parce que vous me dites qu'il va venir, alors du coup s'il mais arrive. C'est pas lui qui va venir, ah, c'est la gendarmerie. Ah bah très bien. Ah ben bah... là, ça y est, vous avez compris. Ouh là là, attention, hein. Attention aux menaces, hein, là. D'abord, vous êtes où et vous habitez où? Ah, moi, je suis à Paris, monsieur. Eh ben, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, nom de Dieu, de m'appeler? Appeler ma femme ici à Limoges. C'est complètement stupide. Bah, allons, là, croyez-moi, ça va faire l'objet d'un article dans la presse. Hein. Bah, je suis bien placé pour ça. Hein. Eh ben, faites-moi un bel article et pensez à me l'envoyer quand même. Ah oui, mec. Eh, si j'avais le courage, si vous aviez le courage de venir, vous savez ce que je ferais? Non. Je sortirais mon fusil, je vous larderais, vous prenez des plombs dans le ventre. Voilà, ça serait terminé. Un connard de votre espèce à ce moment-là qui emmerde le monde et a rien foutre sur Terre. Oh bah c'est pas gentil tout ça, monsieur. Eh bien oui, c'est très gentil, parce que croyez-moi, à 50 mètres, hein, je vous en loge une entre les deux yeux. Ça fait 30 ans que je fais du tir. Hein. Alors là, croyez-moi, ça serait une belle cible. Et pour moi, ça serait vraiment une satisfaction. Parce que des imbéciles comme ça, sur Terre, mais croyez-moi, on devrait tous les éliminer. Hein. Bon. Et ouais, malheureusement, il était parti à cet endroit-là. Hein. Et la police n'est toujours pas arrivée. La police enfin, n'est pas arrivée. Ne sont toujours pas arrivés. Non, exactement. Bon, on est tranquille en Belgique, il n'y a plus de gendarmes. Oui, donc de ce côté-là, vrai. On est pépère pour la soirée. Hein. Voilà, je ne sais pas ici qu'ils viendront m'arrêter. Non, bah, la police peut le faire en revanche. Hein. Si vous êtes de la police, Charleroi Nord, n'hésitez pas. Toff a fait énormément de conneries qui n'ont pas été vues. Donc vous pouvez le choper pour délit de sale gueule déjà. Mais on m'a dit qu'il y avait une charmante agent de police qui allait venir pour m'arrêter. Donc, non. Donc j'attends. Ah, ce serait pas mal ça. J'attends. Donc voilà, délit de sale gueule, ça vous pouvez déjà ça, c'est pas mal, ouais. Le mettre en taule là pour au moins la nuit. Il va en prendre pour 10 ans. Là, il va, ça, sale probablement, oui, probablement. Ouais. Ce qui est bien, c'est que si je finis en garde à vue ce soir, c'est Polo qui va être content. Pourquoi? Bah parce qu'il rentre à pied. Ah ouais, bah non, il a la voiture. Hein. Parce que tu vas pas partir avec la voiture, je te rappelle. Hein. Ça ah bah coup, oui, hein. Bah attends. Tu voulais faire le malin. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, attends, on va prendre Alexandre là pendant que Toff est toujours en train de. Ouais, je fais des frites là, on m'a commandé 4 paquets, alors bon je sais pas si j'ai été bien dans les proportions, mais ça cuit. Exactement. Bon, là, sale con là. Ouais, c'est ça. Bon, on va prendre Alexandre avec nous. Maintenant là, salut Alexandre. Ouais, c'est ça. Ça va et toi? Joyeux anniversaire. Eh ben merci Alexandre, merci beaucoup. T'appelles de Rodez, toi dans l'Aveyron. Et Alexandre, tu nous appelais parce que t'as déjà fait des conneries, toi, c'est ça? Ouais, j'ai essayé de fabriquer de la poudre à canon. Oh bah bien vu. Ça nous rappelle un canular qu'on avait essayé de faire aussi, ouais. Quand on a essayé de créer une bombe. Ouais. Bon, t'as fait de la poudre à canon et alors? Bah j'ai foutu le feu à ma chambre. Enfin on rigole, mais il n'y a pas eu de problème. Enfin je veux dire, hormis que la chambre est cramée, mais je veux dire, il n'y a pas eu de mort, blessé, etc. Toute la chambre était vraiment cramée, si tu veux, j'avais fait ça sur une maquette de bateau. Ouais. Et en fait j'avais fait ma petite recette quoi, j'avais pris du charbon, du salpêtre, du soufre, les quantités qu'il fallait quoi. Voilà, mais laissez donc faire que du la pro. Poudre à canon, mais si on la met vrai, à sous pression, elle explose pas, elle flambe. Ah d'accord. Et c'est vrai parce qu'en fait moi j'ai essayé de le faire, en fait le salpêtre tu peux le trouver dans les caves. Tu ouais. sais c'est un truc comme une poudre blanche. Ouais. T'as vu, je me suis renseigné. Pas mal. Mais et en fait c'est vrai que ça n'explose pas, ça brûle comme ça fait. D'accord, ok. Et donc du coup tes parents étaient contents? J'ai fait sauter des trucs. Non, parce que la maquette était en plastique et du coup le plastique quand ça brûle ça fait une fumée épaisse. Dégueulasse. Et ça noirce les murs. Bon ça va, donc la chambre n'a pas cramé. Si le lino, complètement. Ah d'accord, ok. Bon bah, et tes parents étaient contents? Je crois que j'ai pris la racine de ma vie en fait. Tu m'étonnes. On va demander, vous avez déjà fait une connerie là certainement, là, vous qui êtes dans le public là, non? Personne? Non, si, ah, il y en a. Le plus sage de Belgique. Non, si, il y en a, t'inquiète pas, on va les prendre dans quelques minutes. Sinon, là. Moi j'avais un truc de petit chimiste. Ah, ça fait quoi? Et bah, en fait, un jour, je me suis dit, je vais tout mélanger pour voir ce que ça fait. Ouais. Et bah, ça explose. Et bah, oui, forcément, c'est pas le but. Hein. C'est bizarre parce que comme Toff est à la cuisine, en fait, on a l'impression que c'est son esprit qui parle. Ouais, c'est ça, ouais, il est dans la cuisine. Si, moi je le vois de loin. Je suis là pour vous envoûter, mais là, je fais cuire les frites, mais elles chauffent. Et bah, c'est parfait, très bien. Écoute un peu la frite. Vas-y. Ouais, j'ai une bonne blague. Vas-y, Alexandre, parce qu'on n'entend pas la frite. Et la pleurésie. Attends, répète, j'ai pas entendu, je parle en même temps, Alex. La différence entre la myxymose et la pleurésie. Je sais pas. Bah, la myxymose, c'est une maladie du lapin, et la pleurésie, une maladie de la fine. Bon, Alexandre, trouve ça drôle. Hein? Alexandre, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Allez. Tu peux vendre les bienvenus? Non. Même pas, tu n'as pas mérité. Raccroche, tu n'as pas mérité, Alexandre. Bon, allez, une en speed. Alors, vas-y, à une seule personne. Attention, choisis la bonne surtout. Hein. Allez, vas-y. À qui? Jessie. Ah, bah, très bien. Au moins, ça mérite d'être clair et rapide. Parfait. Salut, Alexandre. À bientôt. Hein. Salut, bonne soirée. Ciao à toi. Bye bye. Dans quelques minutes sur Fun Radio, bah, restez bien là puisque nous aurons le chéri, je peux te faire cocu. Et puis, on va demander. Alors, qui c'est vous deux là qui a fait les conneries là? Toi t'en as fait une belle, bah prends le micro. Tiens, là, vas-y, approche-toi là. Casque. Voilà, hop là, voilà, il fait pas tout tomber. Hein. Voilà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sébastien. Sébastien, très bien, salut Sébastien. Tu mets combien de boîtes de gel sur tes cheveux? 9,5. Ouais, 9,5, d'accord. C'est très dur, hein. Ça se voit. Il veut pas mettre le casque, il a peur de faire celui d'hier. Hein. Ah c'est hier encore, d'accord. Bon, qu'est-ce que t'as fait comme connerie toi, Sébastien? Alors donc j'étais petit, j'avais dans environ 8-9 ans. Ouais. Et j'étais en train de me laver avec ma petite sœur qui avait plus ou moins le même âge que moi. Ah, d'accord. Et donc tu l'as noyé. Non. J'ai essayé de ça marchait pas. Elle me faisait chier. Bon. Donc on était tranquille dans la salle de bain. Parle plus près du micro comme moi. On était tranquille dans la salle de bain et à un moment donné j'ai dit bon attends je dois lâcher un peu quoi. Oh mais qu'est-ce que t'es classe. Donc, on dirait Polo. Attends, c'est pas fini. Je vais dire attends, je mets mes deux pieds au-dessus de la baignoire, je mets au-dessus de sa tête, je dis attends, je vais lâcher un peu. Oh quel dégueulasse. Non, c'était pas comme ça. En vrai, au lieu de péter, je me suis tellement forcé que j'ai chié sur sa tête. Non mais c'est pas sérieux là. C'est sérieux. Le mec. Mais tu racontes ça devant tout le monde là. Alors il a, en fait, pas grave. Il a dépassé toutes nos espérances. Ah ouais. Hey, franchement, Toff est devenu un bouffon à côté. Ah ouais, là je peux pas, lutter avec lui. Hein. Petit level alors. Putain, t'as fait ça mais attends. Ouais, quel âge il avait ta sœur? 9-10 ans. 9, oh, et aujourd'hui à quel âge? 22 ans. 20... Oh, moi je te mets une patate. Hein. 22 ans après, 10 ans après, j'en ai rien à foutre, je t'en mets une patate mec. La je te dis. Oh, elle est pas venue là? Non, elle est pas venue. Putain, c'est dommage, on aura fait la vengeance, alors elle t'aurait mis la tête dans la friteuse. Ah pardon, comme Toff. Je savais pas. Ouais, c'est ça. Bon, bah bravo, bravo. Il y en a quelqu'un qui a fait pire ou pas encore, hein, non? Ça va être dur quand même. Ouais, elle a barré haute, hein, là pour le coup, la barre est très très haute. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. On va récupérer Morad dans quelques minutes avec la colle et je vous rappelle également qu'il y a 200 euros à gagner. Si vous voulez les gagner, bah c'est facile. Vous venez nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, on fait le tirage au sort parmi ceux qui auront fait un petit like et un partage sur le post où j'ai mis qui avait tout simplement les 200 euros à gagner. Facebook.com, tapez M-I-K-L officiel. Et puis on va se mettre dans un instant le son de Katy Perry sur Fun Radio. Et le nouveau avec Birthday, chanson qu'elle a écrite pour moi. Hein. C'est vrai. Mais je tiens à la remercier d'ailleurs, Cathy. Hein. Si tu m'écoutes, je te fais un bisou quand même. Et te fais pas d'imagination, hein, ça n'ira pas plus loin. Katy Perry, Birthday, c'est ce qui arrive dans quelques minutes. Et nous aurons également le célèbre Chéri, je peux te faire cocu. C'est juste après la pub sur Fun Radio. Restez là, on revient. C'est Mickaël No Limit. On est en direct de Charleroi jusqu'à minuit. Mickaël. Toute l'équipe de Mickaël No Limit est à Charleroi. Jusqu'à minuit, Mickaël est en direct de la friterie Alba. Sur Fun Radio. Mickaël, ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Exactement. On est en direct de la friterie Alba à Charleroi avec du monde qui va débarquer encore dans quelques minutes. On aura Adrien qui va arriver. Là, t'es déjà là, Adrien de Bordeaux. Comment ça va, dis-moi? Ça va. T'es en forme? Ouais, la forme. Bon, bah tant mieux, alors impeccable. On t'appelle de Bordeaux, tu vas nous raconter tes conneries, toi, que t'as faites. On aura Gilef aussi dans quelques instants, et puis Laura. Bon, bah Adrien, tu restes là 5 minutes encore avec nous? Ouais. parfait. Bon, il y a Toff qui va retourner faire ses petites faire sa petite cuisine évidemment. Hein. Attends, je viens de servir encore 4 paquets de frites là. Wow. Attends, grosse dextérité quand Vas-y, même. Vas-y, plus Toff, ramène-nous à bouffer là, on Quelle a rapidité. Chiant, bon, allez, je vais venir prendre la commande. Bon, voilà. Prends une petite commande là qu'on puisse manger quelque chose là. Je viens. Non mais attends, faut quand même pas déconner nous. Je trouve le papier à commande. Bon, très bien. Et puis on aura Laurine aussi pour faire le chéri, je peux te faire cocu qu'on a eu l'occasion de faire lundi. Qu'est-ce que vous voulez ? Je sais pas, alors Polo, il va prendre une mitraillette. Non. Ah si, attends. Moi je veux bien. C'est quoi comme c'est du poulet le dorum ou pas ? Ouais. Ouais, dorum poulet. Tu veux un dorum poulet ? Ouais, sans rien dedans, juste avec du poulet. Avec sauce. Laisse-moi, je vais lui faire à ma sauce. Alors c'est le cas à le dire. Dorum poulet avec voilà. Light, rien dedans. Bah, il veut rien. Il même pas de sauce. Oh et je viens de te dire non, tu comprends pas ? Non, je comprends pas. Tu veux que je te mette une baffe ? Tu veux pas de salade, pas de tomate ? Voilà. Est-ce que tu peux te transformer en mec qui gère les brasseries à Paris en disant mais monsieur, on en a rien à foutre, c'est pas comme ça que ça se fait. Alors non, avec Polo, on peut le dire aujourd'hui. L'endroit du monde où on est le mieux, le plus maltraité, c'est Charleroi. Ouais. Ah bah ouais, pourquoi t'étais dans un resto dans lequel ? Non, trois restos. On a fait trois restos, ouais. On est arrivé, les restos étaient vides. Le mec fait il y a pas de place, il y a trop de monde. Mais oui, mais c'est parce qu'ils ont vu vos gueules. Et puis l'autre, il nous dit ah bah non, mais là, il y a pas de place, on va servir. Mais si, il y a de la place, on a trop de gens à servir. Trop de gens. Ni merci, ni au revoir, ni désolé. Ah oui, mais bon, écoute, je vais vous mettre les photos dans quelques minutes, là, les premières photos de la soirée sur le Facebook de l'émission. Tapez Mickaël officiel pour les voir, ce sera pareil. Je suis sur le Twitter donc et puis bon bah Toff toi tu veux quoi alors moi tu me mets mets-moi d'abord un tout petit paquet, je vais d'abord goûter pour me mettre dans le bain. Ah t'as besoin de te mettre dans le bain. Ouais alors avec un petit peu de sauce. Non alors tu sais quoi j'en ai rien à foutre moi. Fais-moi une mitraillette. Toff, vite fait justement fais-nous une barquette avec toutes les sauces, on va goûter ça. Voilà. Allez, vas-y, on va s'en péter la ponce. Et alors là. Ce que je veux donc c'est une mitraillette. On fait le commande, désolé, après on passera chez vous inquiétez pas, hein, ceux qui sont avec nous là dans la fraîterie, dans le studio entre guillemets. Vous payez c'est votre portefeuille, hein, je vais pas payer pour vous. Hein. Bon, Toff va payer. Hein. Bon, alors Toff, tu mets une mitraillette avec salade tomate concombre. Tu crois qu'il y a des concombres ici ? Bon, bah alors salade tomate. Bon, salade tomate. Notre coco ananas. Bon, salade tomate avec mexicano la viande. Enfin la viande qui pique là, voilà. Voilà. Mexicano, ouais. Voilà, c'est du caviar avec des espèces de petits carrés là. Caviar. Et alors tu mets de la mayonnaise dans le pain et de l'andalouse au-dessus. Mayo plus andalouse. Voilà. Ok, tu mets ça bien. Et puis, je te mets ça bien. Je jugerai. Quand c'est prêt, tu viens me dire parce que c'est moi qui dois servir. Bien, voilà. Je suis obligé de quand faire. C'est, parfait. Quand c'est et mine-toi, ça. Bon, alors en attendant, on va se faire le chéri. Je peux te faire cocu. Et c'est Laurine justement là. C'est parti. Salut Laurine, comment ça va ? Ça va, merci. Bon, bah tant mieux, bienvenue à toi Laurine. Alors, 30 années Laurine de Marseille, la planète au Mars. C'est ça. Bon, alors Laurine, on va faire un petit chéri, je peux te faire cocu ? Oui. Comment s'appelle ton mari, mec ? Je sais pas, vous êtes marié, vous êtes... C'est mon mari. Ton mari, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Greg. Il s'appelle Greg, ça fait combien de temps que vous êtes marié ou que vous connaissez en tout cas ? Alors, quand je connais, ça fait 9 ans. 9 ans, d'accord. Et marié depuis ? Depuis 3 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, lui ? Il est frigoriste. Bon, très bien. Écoute, il est frigoriste. Est-ce qu'il a des défauts physiques, genre il a perdu un peu de poids, il a pris un peu de poids, plus de cheveux, cheveux blancs. Alors il a pris un peu de poids et il a perdu ses cheveux et les cheveux. Non. Oh bon, le pauvre. Et il a pris un peu de poids, genre combien ? Quelques kilos ou... Une vingtaine. Ah oui, un peu. Donc il est chauve et gros quoi. À chaque fois, il me dit je suis chauve, petit et gros. Alors voilà. Ouais. Parce qu'en plus il est petit. Bah très bien, je note. Et il est pas très grand. Il mesure combien à peu près ? Il fait 1m72. Ah oui, bah oui, là, faut changer, tu peux pas garder ça. Sa taille. Ouais, je fais ouais. Sa taille, donc ouais, donc quand tu mets des talons, il passe pour un con, quoi. Ah voilà, ouais, j'en d'accord. Plus. Et tu travailles dans quoi, toi, dis-moi ? Eh ben moi, je travaille dans les labos, dans un hôpital, je travaille de nuit. Ah, d'accord, et t'en as jusqu'à quelle heure, là, soir ? Jusqu'à 3h. Ah, jusqu'à 3h, ouais, très bien. Ah, grosse soirée. Grosse soirée. Eh ben écoute, très bien, on va l'appeler maintenant. Et donc toi, t'es au travail, mais on va quand même faire un chéri, je peux te faire cocu. Oui. Bah oui, après tout, c'est la pause quoi. Mais oui, mais t'as raison. Ouais, carrément. Bon, alors on aurait pu se rencontrer à l'hôpital, du coup, moi je serais chirurgien. Ah oui, ça te va bien, chirurgien. Ouais, chirurgien plastique. Y a ça chez toi ou pas ? Ah oui, il y a ça. D'accord, bah très bien. Ouais, alors, dans le sud à Marseille, il y a que ça. Ouais, chirurgie plastique. Je lui proposerai mes services pour refaire pour l'hyposucer les bourrelets. Ouais. Voilà. Oui, pour lui faire une greffe de cheveux. Et les greffes de cheveux, évidemment, ouais. Bon. Il est content. Eh bah oui, j'imagine. Bon, écoute, c'est parfait. Donc la règle est la même. Hein. Tu vas jouer pour gagner un écran plat, 32 pouces, HD, machin, tout ça. Hein. Et le but, évidemment, c'est qu'il s'énerve. Ça tombe sous le sens. Et il est plus du style à s'énerver rapidement. Oui. Il est marseillais en même temps. Tu me diras, normal. C'est un petit peu la règle hein, quand on est marseillais de s'énerver assez rapidement. Et toi, t'es marseillaise aussi ou pas ? C'est ça, oui, Marseillaise aussi. Ah, deux Marseillais alors. Ah bah dis donc, ça doit être ambiance à la maison, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, on est deux signes de feu, donc on, ça pète, quoi. Oh là là là là là là. Ah, ça là, va là, être là. Bon, ça va être bon. Ah ouais, j'imagine, ouais. 100% français tous les deux ou pas? Oui, et lui un peu, il a des origines italiennes, donc... il a Bye. C'est quoi les ennemis des Italiens? Parce qu'on sait que le Portugal, c'est l'Espagne, inversement, mais Italien, ils ont des ennemis ou pas? Le monde entier. Lui, en tout cas, il aime pas forcément les Parisiens parce qu'il est Marseillais. Mais après, le ouais, reste, voilà, c'est ouais, bah, écoute, je parlais comme ça, je vais dire que je suis Parisien, que je suis, chirurgien plastique à Paris et que je viens donner un coup de main à ces abrutis de Marseille qui comprennent rien à rien. Ouais. Oh là là, ouais. Il va être bon. Oh, je suis impatient de l'appeler. À part des poubelles, ils savent rien faire d'autre. Donc on s'est rencontrés à l'hôpital, je t'ai proposé de coucher avec toi un soir. Tu m'as dit, comme en plus voilà parfait, comme moi je suis pas de Marseille, bah je m'ennuie un peu. Je t'ai proposé de coucher avec toi, tu m'as dit ok mais il faut que j'appelle mon mari, donc on l'appelle, tu lui poses la question, est-ce que je peux te faire cocu ce soir, hein, dans l'absolu, et donc on attend sa réponse. D'accord? D'accord. Bon, et bah écoute, on va y aller, bah bonne chance alors. Eh ben merci. Ah bah on y va, allez hop, c'est parti là, on y va, on appelle au Greg maintenant là, allez hop là. Ah, oh, je pense que ça va être rock'n'roll. Oh, ça va être violent. Ouais, je pense, là. Deux Marseillais, là. Ouf. De Marseille. Eh, bah oui. Et un Parisien. Et qui plus est. Allô? Ouais, ça va, chérie? Ouais. Pourquoi tu m'appelles un inconnu? Il y avait longtemps. Ah, bah parce que j'avais plus beaucoup de batterie, on m'a passé un téléphone, c'est pour ça. En fait, je t'appelais juste pour savoir un truc, puisqu'on m'a toujours dit qu'on se disait tout. Je voulais savoir, voilà, en fait, si ce soir, je pouvais ne pas rentrer, coucher avec un autre mec. Mais t'as fumé ou quoi, Laurine? Ben non, mais voilà, c'était juste voilà par principe et tout, juste voilà pour savoir quoi, comme j'étais trop contente, tu me plais trop et tout, du contente coup voilà quoi, j'étais à fond. Contente de toi? Non, mais il a du pognon, il est charmant, nous avons 9 ans, ça commence à faire longtemps, donc voilà, j'avais envie de... Allez, on y va, qu'est-ce qu'il dit, le célèbre, qu'est-ce qu'il dit, arrive. Enfin, savoir si j'avais l'autorisation, je voulais pas faire derrière ton dos. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, je demande son autorisation. Ah bon? C'est lui là derrière qui parle. Hein? Non. Ah parce que tu es où là en plus? Tu es pas au travail toi? Bon bah qu'est-ce qu'il dit? Ça prend pas tant de temps pour dire oui ou non quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Non mais je veux savoir si tu parles. Je veux ton autorisation. Qui c'est qui parle? Ben je sais pas. C'est des collègues de boulot. Tu arrêtes de me prendre pour une con? Non mais il est d'accord ou pas là? Parce que comme ça on prend de l'avance hein. Oui, mais j'ai l'opération à 6h moi. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi ce walkie-là en plus? C'est une télétévise ou quoi le mec? Non mais écoute-moi, je voudrais juste savoir si oui ou non, c'est pas compliqué. Je sais pas, quand je te demande tu me manger des frites, tu me réponds oui, tu me réponds non. Ben là non, c'est non, pareil, est-ce que je peux aller me faire voir ailleurs ou pas, oui ou non? Non mais tu es pas sérieuse là quand même. Tu rends compte ce que tu es en train de me dire? Bon bah alors oui ou non? Mais écoute, il y a plein de mecs qui demandent pas l'autorisation pour me faire la chance. Rends compte la chance que t'as. Dis-lui qu'il ferme sa gueule derrière déjà. Dis-lui qu'il ferme sa gueule. Qu'est-ce qu'il tranquille. Dit? Tu veux que je lui parle? Qu'est-ce qu'il parle lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais écoute, tu te rends compte qu'il y en a plein qui n'ont pas de chance. Toi, tu as la chance que tu demandes. Écoute-moi, je vais appeler mon frère, il va venir garder les petits à la maison. Je vais monter à Saint-Joseph, je vais le dénoncer à lui déjà d'entrée. Qu'est-ce que tu veux toi? Me parle pas toi, passons ma femme. Salut, c'est Michel. Mais je m'en bats les couilles, Michel, je vais t'arracher la bite, je vais te la mettre dans le cul. Passons ma femme. Bah je comprends pas pourquoi ton énervement. Mais comment on peut dans l'énervement? Tu veux que j'aille sauter ta femme, moi? Oh, mais tu sais rien. Ah, mais moi, je suis célibataire. Ah non, mais attends, que les choses soient claires. Je sais pas si elle t'a expliqué correctement, mais moi, je veux pas casser votre couple, je veux pas te la voler, ni quoi que ce soit. Hein. C'est un one-shot, quoi. Non, mais c'est... Quoi, tu parles? Mais c'est la mère de mes enfants, mais tu gagnes toi ou quoi? Et lorsqu'on a, ça me puisse te dire oui, mais elle est folle ou quoi? Ah bah non, mais moi, bah, je lui ai demandé, donc elle m'a dit, bah pourquoi pas, mais il faut que mon mari soit d'accord. Alors je lui ai dit, écoute, moi on m'a jamais demandé ça, mais après, si non, tu veux, on peut l'appeler, hein. Je vais vous démonter tous les deux, là. Comment ça, mais pourquoi? Déjà, toi, je vais te prendre, je vais t'enfoncer ta tête dans ton cul. Bon, déjà, enfin, bah pourquoi tu vas enfoncer ma tête dans mon cul? Attends, s'il te plaît, arrête. Attends, parce qu'elle est partie chercher un petit verre, là. Elle est partie chercher un petit verre, attends. Elle revient. Dis-moi. Arrête, je suis en train de péter un peu, arrête. Mais pourquoi tu mets un plomb? Mais tout va bien, c'est pas grave, je te la vole pas, elle rentre chez toi demain, tout va bien. Je te dis non, stop maintenant. Donc toi déjà, stop maintenant, non. Mais tu sais quoi, attends 15 jours, tu vois, 2-3 semaines, c'est un peu plus. Parce qu'elle, d'entrée, elle arrive, il y a sa valise, tu vois, dans 3 semaines, je sais pas combien de temps ça prend, dans pas longtemps, elle est dispo. Donc tu n'as même pas besoin de me demander l'autorisation après. Je comprends pas ce que tu racontes. Ça doit être l'accent, je comprends rien. Plutôt qu'on prend ton accent de PD là, tu te connais, t'as pas le choix d'affaire que niquer ma pomme. Bon, écoute, moi je comprends pas, moi on m'a dit que les Marseillais étaient de bon accueil. Moi je travaille à l'hôpital aussi, moi je suis chirurgien, on m'a demandé de venir aider parce qu'apparemment vous êtes des abrutis à Marseille là, il n'y en a pas un qui sait faire quelque chose. Donc j'essaye d'expliquer les choses et puis c'est comme ça qu'on me traite. Je suis tout défaussé. Bon, enfin pourquoi ? Écoute-moi Michel. Ouais. Arrête-toi, écoute-moi. Mais moi, j'écoute. C'est pour ton bien que je le dis, parce que les chirurgiens, c'est tes collègues qui vont te rafistoler après. Ah bah parce que je suis chirurgien plastique, alors elle m'a parlé de ton état. Écoute, si tu veux, bon moi comme je prends ta femme un soir, si tu veux je te fais un bon prix sur la chirurgie plastique, on enlèvera un peu le gras. Je vais te démonter. Non mais c'est pour la liposuction, je te fais un prix. Mais tu vas liposucer mon billet toi. Tu es fou ou quoi? Ton bide, oui mais c'est ça, c'est le mon principe. Mon billet, c'est parce que c'est un billet. À Paris on dit pas le billet c'est le chibre. C'est ma bite. C'est mais pourquoi tu veux que je liposuce ta bite? Parce que sinon, si je te la mets comme ça, je vais t'ouvrir un nœud, elle est trop grosse pour toi, pote. Moi, je comprends pas pourquoi ton énervement. Ah, t'es fou, toi, arrête, tu me bon, écoute, bon, je te la repasse. Laurine, tu peux revenir, là, il est d'accord, hein. Donc, je te repasse, tu es d'accord, mais juste ce soir. Mais t'es fou, je vais te tuer. Écoute-moi, quand on t'arrête, je vais te tuer. Arrête-toi, arrête-toi. T'es même plutôt content, quoi, que je lui propose. Arrête-toi, je te le repasse, tu peux lui dire en revoir. Passe-moi Laurine, prends quelque chose parce que je viens de te démonter un jeu. Écoute-moi bien, toi. Tu appelles ta soeur. Non, je vais l'appeler moi. Je vais appeler ta soeur parce que mon frère il viendra pas. Je vais appeler ta soeur. Dis-lui que je veux pas faire un truc à plusieurs moi. Je vais le démonter. Non, mais je veux pas qu'on fasse à plusieurs. T'as pas besoin d'appeler ma soeur. Tu restes à la maison, tu gardes les petits. Moi je vais me faire un peu. Voilà. Laurine, arrête-toi. C'est bon, je rentre. Laurine, on dirait que tu veux coller le pierre. Arrête-toi. Tu le sais comment ça va finir, je vais le tuer. Arrête-toi. Arrête-toi. Ça va, c'est rien, c'est un coup comme ça, un soir. On va te finir mal, arrête, je vais le démonter, tu le sais, arrête. Eh, Laurine, tu peux aller chercher un petit verre encore là parce que t'as oublié de mettre les glaçons. Je vais l'enculer à lui. Mais ça va, de toute façon, c'est déjà avec lui. Écoute, je vais faire ce que j'avais. Laurine, attends, parce que juste prends les glaçons là, deux secondes là. Allô. Greg. Mais non, déjà tu m'appelles pas Greg, je suis pas ton collègue, d'accord? Bon, Grégory alors ou non, Grégoire? Tu m'appelles pas. Ah bon, bah monsieur pas. On a vu ta photo tout à l'heure et donc si tu veux, je peux même te remettre quelques cheveux. C'est mais gratuit. Je peux te démonter la vie. Passe-moi Laurine. Non mais c'est gratuit hein. Passe-moi Laurine, ferme ta gueule, passe-moi Laurine. Parce qu'en fait le principe c'est qu'on enlève les poils des fesses et on les remet sur la tête. Passe-moi Laurine, je vais te tuer, attends. Mais je comprends pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi? Bah non. Putain, mais pour être docteur on ne demande pas d'être un minimum un peu... Je sais pas, tu es stupide ou quoi? Bah non, mais pas du tout. Ah, dis-moi, excuse-moi, j'ai une petite question à te poser, monsieur Pas. Comme je vois que le courant passe bien et que je ne vois pas rater mon coup, est-ce qu'il y a des trucs sexuellement qu'elle aime bien ou qu'elle aime pas? Ouais, elle aime bien quand on s'enfonce des gros trucs dans le cul. Pas trop Laurine. Ah d'accord, ok, bah je prends note. Ah, bah, je savais pas, moi tant mieux. Hein. Ouais. Écoute, alors, bah, je prends note. Écoute-moi, trou du cul de Michel. Tu me passes ta femme, s'il te plaît? Ma femme, pardon, mais... tu vois déjà... Non, oulala, mais moi je la veux pas, c'est juste un ce soir, vous t'inquiète pas. Tu as bien raison, parce que je crois que je me suis trompé sur elle. Ah bon? Tu peux me la passer maintenant, s'il te plaît? Évidemment, avec plaisir. Mais merci beaucoup, hein. Merci pour votre bonté, vous êtes bien aimable. Pas de faire foutre, dégage. Merci beaucoup. Ouais, on va voir si tu es aimable dans un quart d'heure. Allô? Ouais. J'arrive. Hé, Laurine! Écoute-moi, Laurine. Hé, dis-moi, tu peux me dire si le cadre est bien mis, là? Je suis en train d'accrocher, mais j'ai peur qu'il soit de travers. Écoute-moi, je vais l'enculer à lui. Attends, regarde. Déjà, écoute-moi Laurine, dans un quart d'heure je suis là, d'accord? Toi t'inquiète pas. Je suis passé un jour, je t'ai raconté n'importe quoi, je suis avec lui. Le cadre est droit ou pas? Et vous êtes où là? Hé Laurine! T'en te regarde pas, écoute! Oh le mec, je te remets des cheveux, mais t'as volé. Écoute-moi bien, je prends les coquilles, je vais chez ma mère maintenant, tu les reverras jamais. Le cadre est droit! Attends, mais moi c'est un cadeau que je te fais, t'imagines le cadeau? Le cadeau, tu me fais des cheveux? Non mais attends, Laurine va te faire enculer. Là il est bon, là il est bon. Mais ma foi! Ouais, je suis bon, dis-lui que je suis bouillant là. Non mais je parlais de mon cadre. Ouais, ton cadre. Écoute-moi bien toi. Bon, alors, Greg. Non, y a pas de Greg. Je m'appelle Michel. Tu m'en bats les couilles, Michel, je t'emmerde. Bon, enfin, tu veux savoir qui je suis, puis quand je te le dis, tu veux pas, donc je comprends pas. Non mais je m'en bats les couilles. Écoute, je veux savoir qui tu es. Je veux pas savoir qui tu es. Non mais j'allais dire Michel, mais non. Mais Greg, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, mais j'aimerais d'abord que tu t'excuses pour toutes les grossièretés que tu m'as dites. Mais tu es malade ou quoi toi? Mais non, mais comme ça, je fais rien avec ta femme. Et non, mais je m'en bats les couilles maintenant. Ah, mais tu t'en bats pas les couilles. Écoute. C'est toi qui m'écoutes, c'est pas ton collègue. Non, mais écoute. Non, mais Greg. Hé, Greg. Hé. Et tu me laisses pas parler. Hey, GG. Toi, t'as envie de mourir ce soir. Hey, GG. Bon, écoute, allez, tu t'excuses et on en parle plus. C'est de l'histoire ancienne. Hop, mais tout va bien. Pas d'excuses à faire. Dégage. Eh, hey, je t'invite à Paris à week-end. On va voir le PSG. Mais va te faire enculer cette équipe de merde là. Mais tu es malade ou quoi? Bon, alors tu veux pas t'excuser alors? Non, je m'excuse pas et t'inquiète pas. Je saurais teacher. Bah oui, mais je te le dis, moi je m'appelle Michel. Mais je m'en bats les... Non, mais tu as compris. Arrête de me prendre pour un con, toi. Arrête de me prendre. Bon, GG, bon, écoute. Écoute. GG, mais qui croit que je suis ton copain? Bon, mais on va être amis, Eh, écoute, tu sais quoi? Bah, y a pas de problème, tout va bien, respire un bon coup là. Bah, je respire, t'inquiète pas pour moi. Mais respire encore un peu plus. Non, mais je respire. Vas-y, accouche maintenant parce que je commence à bouillir. Bon, ça va, Laurine, elle est au travail là. Ouais, Laurine est au travail. Elle est au travail et puis moi je suis bien à Paris pour le coup, mais t'es parce que t'es en direct sur Fun Radio. Ouais, ouais. C'était le chéri, je peux te faire cocu, Greg. GG. Ah, et tu repars avec un écran plat du coup, Greg, là, pour pouvoir voir la Coupe du Monde. Oh merci. T'as vu comment il est retombé là? Oh putain, c'est bon ça. Oh, il est bon. Non mais vous êtes trop cons les mecs. On va penser, ouais, les Marseillais ici, les Marseillais là. Chaque fois je vois les télé-réalités, je regarde, ils se foutent de la gueule des Marseillais. Bah oui, bah oui. Non, ça, c'est le cliché, le mec, j'ai trop mal parlé. Ah oui. Là oui, ah, là, t'as mal parlé là. T'imagines ma mère si elle m'entend parler comme ça, qu'est-ce qu'elle va mais t'inquiète, on va lui envoyer une copie. Oui, on va lui envoyer une copie gratuite sur un CD. Ça va être parfait. Bon bah merci en tout cas vous deux, Laurine et Greg. Bonne soirée à vous. Salut. Bon, et si vous voulez aussi faire un petit chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas bien entendu hein. Vous pouvez vous inscrire, on va refaire le jeu demain entre 20h et minuit, car toute la semaine prochaine on sera en direct de 20h à minuit sur Fun Radio. Donc si vous voulez nous appeler, si vous voulez jouer avec nous, il n'y a pas de problème. Il y aura 200 euros à gagner aussi hein, si vous faites un bon chéri, je peux te faire cocu. Faut être bon, faudra être bon, je vous le dis. Donc vous appelez 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Comme d'habitude, il y a plein de messages qui sont arrivés, ça y est, ça fonctionne enfin hein, parce que Polo ayant deux mains gauches, évidemment, il n'arrivait plus à envoyer les messages. Il y a Mallory qui dit Mickaël de Via Comédien, sans déconner, ça fait du bien de pouvoir vous écouter, de écouter vos conneries. Merci Mallory. Stéphanie aussi, la violence du Marseillais, c'était juste magique. Émilie aussi, l'autre connasse, c'est fou comment les mecs changent d'avis sur leur femme en deux petites secondes. Ouais, bon, en même temps, mets-toi à sa place aussi. Hein. Bon, il y avait plein de messages aussi. Il y a Stéphanie qui dit j'étais pionne. Il y avait des sixièmes qui ont essayé de faire une bombe pour faire exploser le lycée. Ils se sont fait mal, c'est con. Bah oui, parce qu'on parlait des plus grosses conneries que vous avez eu l'occasion de faire. On a eu Sébastien, c'est un auditeur qui avait fait quand même la plus grosse connerie de la Terre, hein, n'est-ce pas Sébastien? C'est ça, oui. Bon, on va pas répéter parce qu'on va manger là, donc... Il a chié sur sa petite sœur. Voilà, merci Polo. Gros dégueulasse. Et puis apparemment, il y a sa copine. Sa sœur. Ah, c'est la grande sœur, d'accord, ok. Qui elle apparemment aussi a fait une grosse connerie. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Oui, c'est de famille apparemment, ouais. D'accord, c'est... Et puis on va également prendre Bérangère avec nous là, d'Argentan. Oui. Ouais, c'est à Argentan, d'accord, ok. Bienvenue Bérangère, comment ça merci. Va, 29 ans? Bah votre proche à l'hôpital, mais bon. Ah t'es... oui, c'est pour ça, ça s'entend ça, il y a un petit peu d'écho là Bérangère. Bon, attends, reste avec nous deux secondes Bérangère, on va essayer de virer l'écho. Et puis on aura aussi Hugo qui est avec nous pour parler de conneries là. Ça va Hugo? Ouais. Hey, Hugo, t'es là? Ah ouais, je suis là. Bon, très bien. Hugo, t'as fait des conneries, toi? Hugo, tu bosses? Hugo boss, non? Hugo boss, ouais. C'est drôle, ça. Non, Hugo, bon, Hugo, reste avec nous. Hugo, t'as fait des conneries, on va en parler dans quelques minutes, là. Reste avec nous. Et puis, Toff qui ramène la première mitraillette. Bah, bien sûr. Oh, elle a l'air dégueulasse. Non, j'ai même pas encore vu. J'ai super bien travaillé. Attends, mais c'est pas toi qui l'as faite? Mais si, c'est moi qui l'ai faite. Mais tu nettoyé les mains avant? Si, bah, non, je me suis gratté le cul. Là, il y a une crotte de nez, donc c'est Toff. Attends, je goûte quand même pour voir. Je me suis gratté le cul et puis je t'ai servi. Ouais, pas mal. C'est l'arrière-goût à mon avis. Ah bah oui c'est ça. Ouais, c'est la nouvelle recette, bon, à la friterie Alba dorénavant ou... Non, je pense que c'est juste pour toi. Ah bah écoute, c'est trop aimable, vraiment, c'est vraiment super gentil. Bah je trouve aussi. Ah ouais, vraiment cool, vraiment cool. Bon bah reste avec nous. Je vais finir le drôme de Polo, je reviens. Sans rien dedans, hein, mais pas de bide, je sais que tu vas le faire. Sans rien. Bon, je vous l'avais promis, Katy Perry arrive dans un instant avec Birthday sur Fun Radio. Et on est toujours en direct sur Fun Radio, en direct de Charleroi. Et on est là jusqu'à minuit, bougez pas, on revient après ça. Moi, grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël est à Charleroi, en direct de la friterie Alba. On Fun Radio. Mickaël. Ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse. Et Polo fait le service. Mickaël, en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit. Eh oui, on est en direct sur Fun Radio, la friterie Alba. Eh oui, on est à Charleroi avec les auditeurs sont là et puis avec. Et avec la mitraillette, donc c'est un petit pain sandwich avec frites, c'est un sandwich, viande. Un sandwich avec des frites, voilà. Ouais, avec des frites, avec de la viande, avec de la sauce, beaucoup de sauce. Je vois pas pourquoi ils appellent ça une mitraillette. Bah parce que c'est comme, j'en sais rien pourquoi on appelle ça une mitraillette, moi. Parce que c'est un sandwich. Tof, tu sais pourquoi on appelle ça une mitraillette ou pas? Bah non, aucune idée. Bon, en même temps, on s'en fout. Hein, on s'en fout. Bah oui, putain, voilà, ça c'est toujours appelé comme ça, tu vois, si un jour. Voilà, voilà, tu vois, c'est comme les petits pains ronds, on appelle ça des pistolets. Voilà, fais ma bouffe et faire ça. Entre les mitraillettes et les pistolets, on s'est bien mis là. Dans un instant, on va faire un petit jeu avec les auditeurs là pour gagner. Je vais pas dire le cadeau, comme ça au moins on verra lesquels sont les plus motivés. Parce que si je donne le nom du cadeau, il y en a peut-être qui vont se motiver, alors que moi je voudrais vraiment des gens qui veulent jouer, ouais, tu vois. Mais le cadeau est sympa. Ouais. Et on l'a ici, donc vous repartirez direct avec. C'est quand même plutôt sympa. Ouais, il y a un œuf au chocolat, c'est vrai. Donc ceux qui veulent jouer, je vous propose d'écouter le son de Katy Perry. On fait le jeu juste après, on va également récupérer. Eh ben Johan Dedou, on aura Hugo également qui a fait des conneries, on va en parler dans quelques minutes. Et puis on aura Morad avec la colle, bien entendu. Ne bougez pas, c'est Mickaël Nolimé, toujours en direct de Charleroi. Allez Katy Perry, c'est Birthday maintenant sur Fun. L'équipe de Mickaël No Limit en direct de la friterie Alba à Charleroi. La sauce, ça part où sur les frites? Sur les boulettes. Et tu mets 6-7 fricadelles aussi. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. On est en direct. En direct sur Fun Radio, je suis en train de manger la mitraillette. Alors je vous ai mis le logo également, le logo de Tof. Alors le logo de l'émission que vous avez pu voir, qu'un auditeur a fait un petit tag sur l'avant de la friterie. Sympa, bien fait. Ouais, hein, c'est propre. Bien fait. Alors Polo qui parle la bouche pleine parce que forcément il est en plein doux-room là. Hein, c'est très bon. Bah oui, bah je me doute. En plus c'est Tof qui l'a fait. T'as vu Tof, ouais, ouais. Un petit compliment. Mais oui, mais j'y ai mis tout mon cœur pour le faire. Ouais, exactement. T'as pas mis ton cul, c'est déjà. Là, je vais préparer la petite surprise pour les auditeurs, ouais, qui vont jouer. Exactement. Mais Polo, tu ne trouves pas qu'il fait un peu soif? Hein, oui, le service est quand même relativement moyen. Non, non, le service n'est pas moyen, t'as rien commandé. Ouais, bah je veux un coca, chien. Non, coca zéro, bien sûr. Bien sûr. Voilà, et propre, hein, je veux la canette fermée pour être sûr. Bien sûr, t'inquiète. Pas que j'ai pas confiance, mais t'inquiète. Pas loin. Je vais m'essuyer la bite dessus. Ah, génial. Ça y est, du Pepsi Max, monsieur. Eh bah, c'est bon si tu veux, on n'est pas dans le détail. Bon, donc on va faire un jeu dans quelques minutes. Alors, qui veut jouer pour gagner un chouette cadeau? Et Polo, il veut rien boire? Ah si si, mets-lui une eau plate. Ouais. Il est au régime. On a ça se voit d'ailleurs. Un petit couple là. Ouais, c'est pour un couple en fait. Garçon-fille. On a les deux filles là. D'accord. Mais attends, mais tu sors avec lui toi? Oh là là, quelle horreur. Elle sort avec donc celui avec qui avec Cacaman. Tu joues avec Cacaman. Ah, il pose caca. T'es pas au courant encore? T'es au courant? Attends, approche-toi du micro parce qu'on t'entend mal. On t'entend très très mal. Donc t'étais au courant ou t'étais pas au courant de l'histoire qu'il a racontée là pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure? Donc alors déjà, comment tu t'appelles la copine de Seb? Aude, très bien. Aude, est-ce que t'étais au courant de l'histoire avec sa sœur dont il en a parlé il y a à peu près 20 minutes, une demi-heure? Tu peux avoir honte de ton mec, n'aie pas peur. T'étais pas au courant, donc très bien. Alors pour ceux qui n'étaient pas là et qui viennent de nous rejoindre, eh bien son mec, Seb, donc a donc chié sur sa sœur. Mais un accident quand il était petit, tout ça, etc. Mais enfin, le principe et le résultat est quand même le même, c'est quand même assez, assez surréaliste, mais bon. Ça va mieux, ça va? Ouais, j'avais oublié de mettre le micro. Ah oui, bah c'est emmerdant quand on fait de la radio. Bon, Aude va jouer avec Seb. Alors deux autres couples, un ou deux autres en plus. Donc les deux filles, d'accord. Vous êtes ensemble ou? Vous êtes cousine, mais vous avez le droit, c'est pas grave. Hein. Et alors, encore un. Et Monsieur Lunette là-bas, je l'aime parfait, bien. Parfait, ok, encore un deuxième couple, très bien. Donc, dans quelques minutes, vous allez vous affronter. Le but, c'est de passer les frites avec la bouche à votre mec ou à votre copine, peu importe. Le premier qui finit son paquet gagne le cadeau. Ça va. Et attention, comme je l'ai dit, c'est pas un cadeau de connard. Je peux vous donner un indice, le cadeau vaut 300 euros. Wow. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Tout de suite ça motive un peu là, tu veux remarquer les gens quand même qui se sont dit putain j'aurais dû m'inscrire, c'est pour ça que j'ai fait le tri dès le début là. Donc le cadeau vaut 300 euros, voire même un petit peu plus, Tof, je sais plus combien ça coûte. Si, ouais, 300-350. Ouais, 300-350 euros, on l'a ici, Tof, hein. Bien sûr, très bien. Elle est à côté de toi, elle est dans un coffre-fort. Ah bon? Elle est où? Ah oui, putain, effectivement, je vais mettre la main dessus pour être sûr qu'on la pique pareil. Donc voilà, et puis on va faire ce jeu d'ici quelques minutes. En attendant, on a Hugo avec nous, donc dans l'un. Salut Hugo. Salut, c'est Mickaël. T'es bon anniversaire. Mais merci Hugo, c'est gentil, merci beaucoup Hugo. 14 ans Hugo, toi t'es hindou toi? Ouais, Hugo Réo. Et non, je suis pas. Ah ouais, Hugo Réo, ouais. Mais t'as déjà été doux officiel? Ah non, non, vous m'avez dit t'as que pas encore été doux officiel, trop grave. Ah ouais, pas mal. Donc on le fait pas officiel, Polo. Il a la voix trop grave. Ah ouais, trop grave peut-être. Ouais, bon. Et Hugo, t'as envie d'écouter un son toi en particulier avant minuit? Ouais, Rebelle, ouais. Rebelle, Black Pearl. Bah très bien, on va le mettre tout à l'heure, Thierry. Voilà. C'est celui que tu kiffes le plus pour l'instant, Hugo? Ouais, pour l'instant, ouais. Ah bah très bien. Bon, on se mettra aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il va suivre la Calvin Harris Calvin Harris avec Summer. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, hashtag Mickaël comme d'habitude sur le Twitter, vous n'hésitez pas, vous balancez tous vos messages et puis on lit ça en direct, hein, comme Guillaume qui dit les frites sont bonnes à Charleroi, écoute ma foi plutôt pas mal, ouais. Pas trop en plaindre là pour l'instant. J'ai eu un petit peu peur quand Toff les a faites, mais finalement ça s'est bien passé. Et alors il y a Léa aussi qui dit ma pire connerie est d'être en retard pour Mickaël. Bah bravo Léa, tout ce que tu mérites c'est un coup de pelle, tiens, voilà. Voilà, je t'en mis une, un petit coup là. Et Nadia également qui dit bonsoir tout le monde, j'arrive avec 56 minutes de retard, sorry, bonne émission à tous. Et bah mieux vaut tard que jamais, hein. Bon, alors Hugo, toi tu vas nous parler de ta connerie, qu'est-ce que t'as fait comme connerie, dis-moi. Alors moi en fait, j'étais chez moi. Ouais. Il y a un rayonnement sur le téléphone. Il y a un petit écho dans le téléphone ? Ouais, voilà. Bon bah écoute, c'est pas grave, fais avec Hugo, ouais. On va essayer de régler ça. Okay. Mais je pense que c'est notre ami Victor qui est à Paris, qui pousse les boutons, qui a deux mains gauches. Ou Camille ses moufles. Ça c'est possible aussi. Bon alors vas-y Hugo, là, désolé pour l'écho. Ouais, alors en fait moi j'étais chez moi et en fait j'avais fait une connerie. Et donc du coup mes parents m'avaient enlevé mon fil de PS3 de l'alimentation à la prise électrique à ma prime. Ah ils avaient enlevé le câble vraiment, électrique. J'avais vraiment envie de jouer. D'accord. Et donc du coup en fait j'ai pris deux fils d'aluminium, j'ai mis en fil et en fait j'ai planté dans les deux trous de la prise électrique et j'ai relié à ma plaie. Mais toi t'es un grand malade Hugo, t'es complètement con. Et en fait j'ai révisé mon cours de physique chimie, je me suis dit ça. On a perdu Hugo. Ah voilà. Conducteur. Donc en fait j'ai pris ça et en fait ça a sauté, ça a fait un espèce de grand fil électrique qu'on voyait dans les airs. Mais oui Hugo, tu t'attendais à quoi si les mecs mettent des câbles électriques protégés, c'est pour les mettre. Si tu mets deux fils comme ça à l'arrache pour essayer d'alimenter ta plaie, oui effectivement ça pose un problème Hugo. Ah, ça, c'est énervé, c'est énervé. Ah oui, sans déconner Hugo, tu m'étonnes. Bon ça va, tu l'as récupéré là le câble? Et donc du coup je l'ai récupéré sauf que en fait ça fait griller ma chambre. En fait il n'y avait plus rien qui marchait dans ma chambre, et il est dans la chambre de mon frère. Bah oui c'est les fusibles qui ont sauté. Bah oui, bravo Hugo, félicitations. Et t'as encore de la chance d'être avec nous là Hugo hein. Ouais, j'ai encore plus chanté. Ouais, pouvez l'engueuler d'ailleurs, c'est Hugo Réo sur le Twitter là. Bon mais merci Hugo d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ok, et je peux passer une dédicace? Vas-y ouais. Bah dédicace à Tiffon Radio. Et bah c'est gentil. Et bah merci Hugo. Vas-y, dis-moi toujours. Est-ce que je peux faire de la pub pour ma chaîne YouTube? Bon bah vas-y Hugo, là ça fera 5 euros, je te donnerai mon compte PayPal. Moi dans ma chaîne YouTube, je voulais voir c'est Augur Gaming, donc c'est O-G-U-H-R, et Hugo à l'envers avec un R à la fin. Espace. D'accord, moi j'aurais fait plus compliqué encore Hugo. Ouais, c'est vrai, parce que le but c'est quand même... Non mais t'as raison, donc Hugo à l'envers, gaming, c'est ça? Voilà, avec un R à la fin de Hugo. Avec un R. Ouais. Oh, mais c'est encore plus facile comme ça serait bien. Bon, ça va, ça marche Hugo. Salut à toi, passe une bonne soirée en tout cas. Et puis tu reviens quand tu veux sur Fun. Ok. Salut Hugo, ciao à toi. Et puis les autres, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. N'hésitez pas, on aura Laura dans quelques minutes. Et on va faire le jeu. Allez hop, c'est parti. Est-ce que Toff est prêt là avec la bouffe là ou pas? Presque. Il y a encore un tout petit peu de cuisson sur les frites. Ah bah non, mais tant pis, on les mange crus. On les mange crus. Mais oui, attends. Mais ils vont mourir. Mais c'est rien. C'est rien. Allez. Attends, c'est un cadeau à 350 euros. Ils peuvent faire un effort. Ils peuvent faire un effort. Hop. Et moi, je mettrais pour corser un peu. Ouais. Un peu de sauce samouraï. Non mais t'inquiète, ils ont chacun choisi leur sauce. Ah ils ont chacun... Ouais mais bon, ils prennent la mayonnaise et c'est facile alors. Ouais c'est vrai mais... Comme tu veux, que je complique un peu encore? Bah il faut mettre un petit peu plus de... Ah, allez je complique, j'ai de la harissa. De piquant. Bah eh ben voilà, harissa c'est parfait. Alors attends bouge pas, salé ou pas salé? Salé ou pas salé, salé. Ouais, bon, très salé, très. Non mais t'emballe pas non plus mais salé, il faut pas non salé. Plus qu'il fasse un arrêt cardiaque. Alors, que les artères soient bouchées ce soir, hop, tu vois. Le sel, tac. Bon allez, on est toujours en direct de la friterie Alba donc ne bougez pas de là. Voilà, Patrizio m'a dit elles sont pas cuites tes frites hein. Mais c'est pas grave, de toute façon on va quand même les flinguer là, c'est pas très grave. Bon Patrizio donc c'est le monsieur Friterie Alba que vous pouvez peut-être éventuellement voir sur le Facebook si vous discutez là. Qui nous reçoit comme des rois. Exactement, d'ailleurs on leur remercie. Ouais, on est bien. Ouais, il nous a mis bien. Ah, on s'est mis très très bien. Hein. Et Toff qui est toujours en direct de la cuisine. Bien sûr, je suis en train de servir les frites là. Bah très bien, il y a les photos sur le Facebook de l'émission. Donc le principe, alors approchez-vous du micro, là il va falloir vous mettre un micro à chacun. Allez à côté de Polo aussi, prenez un micro et puis on va vous donner encore un autre. Donc le principe donc du jeu est très très simple. Il y a donc trois couples qui vont s'affronter. Le but, ils auront chacun un paquet de frites devant eux, en fait tout simplement, voilà. Le but, c'est de les attraper avec la bouche et de les donner à l'autre. Bon alors. C'est ça un Toff hein. Oui c'est ça, c'est voilà. Ça. Samouraï alors, on est arrêté sur Samouraï. Ouais, Ouais, samouraï, c'est très alors, bien. Samouraï, allez. Voilà. Donc le principe, donc on va prendre l'exemple de Sébastien et de Aude. Donc Aude ou Sébastien, peu importe, on va dire que c'est Aude, comme ça c'est plus simple, mais vous pouvez faire après l'inverse. Donc Aude va prendre les frites avec la bouche, sans toucher le paquet, avec les mains bien sûr, la passer la frite à Seb, et Seb de la finir. Le premier qui termine le paquet a gagné. Enfin, les premiers. Ah bah tu te démerdes avec la sauce, voyons, t'inquiète pas, elles seront livrées les oui, sauces. T'es pas obligé de la mâcher, hein. Mais tu la prends et tu la remets. Bon, les demoiselles ici à côté, là, vous vous appelez comment les filles? Approchez-vous du micro, sinon on vous entend mal comme moi, parfait. Pas pile poil devant. Myriam. Myriam, la copine, c'est Myriam et Nadia, très bien. Et les frites sont là. Et l'autre couple là à qui on va donner un micro là dans quelques secondes, là, comment vous appelez vous? Alors moi c'est Camille et mon copain c'est Jordan. Camille et Jordan, d'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on peut encourager Camille, Jordan, Nadia, Myriam, Seb et Aude? Allez, attention, et je rappelle qu'il y a donc... Alors attention, avant de faire le jeu, je vous montre qui a gagné. Ouais. Attendez, je suis allé là. Rien. Voilà, une magnifique GoPro toute neuve qui vaut donc 350€. Oh, voilà, elle est là, elle est belle, elle est magnifique. Bon. Et vous allez pouvoir repartir avec immédiatement puisque nous l'avons ici justement en main. Elle est là, voilà. Bon, alors attention, c'est parti. Donc le principe, ils ont un grand... Ah, t'as mis un grand paquet de frites, toi, t'as un cul. Non, non, c'est pas vrai, ils sont à peine remplis les paquets et j'ai mis deux louches à chacun. D'accord, ok, très bien. Bon, on y va, il faut donc les prendre avec la bouche et les donner à son conjoint ou copine, peu importe. Oui, tu peux le prendre à la main. Et le but, c'est de terminer. On peut les prendre à la main? Comme tu veux, mais... De toute façon, c'est bouche à bouche. Hein. Voilà, d'accord, bon, alors prenez-le à la main. Prenez-le à la main. Dans la main, mais c'est bouche à bouche. Voilà, voilà, c'est ça. Donc vous prenez la main, vous mettez dans la bouche, vous embrassez votre copain ou votre copine entre guillemets, et il faut que ça termine, il faut que les frites soient terminées. Est-ce que c'est clair dans l'esprit de tout le monde? Ouais, c'est bon. Je vois une erreur là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends dans le paquet avec la bouche et tu lui mets. Ouais. Et non, c'est pour ça que là-bas, il a dit. Voilà. Non, mais Polo a changé d'avis. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est trop facile. Ah oui, c'est Polo qui décide. Bah sinon, c'est trop facile. C'est ce que je me disais aussi. Attends, il y a Bosque Kaka qui fait le malin là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le paquet que tu peux prendre en main. Voilà. C'est le paquet que tu peux prendre en main. Le paquet, vous le prenez en main. Vous prenez avec. Donc, un des deux prend avec la bouche dans le paquet, la donne à l'autre dans la bouche toujours. Et il faut terminer le paquet en premier sans perdre de frites. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Allez go. Pour allez, gagner donc une GoPro ce soir. On est toujours en direct de Charleroi. Oh, c'est dégueulasse. Oh, ils sont dégueulasses. Oh, ils sont dégueulasses. Il y en a partout, il y a de la sauce partout. Oh, ils la veulent la GoPro. Oh, ils sont comme des chiens là. Attends, regarde à côté là. Donc ils en ont partout parce qu'on a mis de la sauce samouraï. Ça doit à mon avis piquer de partout là. Ils sont en train de se rouler des pelles en même temps qu'ils sont en train de jouer. Pour l'instant, les deux filles, la Myriam et Nadia, sont un peu en galère. Par contre, Odessep, c'est le carton. Hein. Ouais, Odessep, ça va. Yami qui avance pas mal aussi, discrètement, mais ça avance. Hein. Ça avance discrètement, mais ça avance. Oh là là, et ça... Elle en a plein la gueule. Et il y en a plein partout. Je pense que les fringues sont déchirées. Et il y a toujours la GoPro qui est donc à gagner. Hein. Allez, toujours en direct de Charleroi. Attention, faites péter ça. On va voir comment ça va se passer. Ils ont pété le paquet tellement ils sont comme des bourrins. Ah oui, bah ils y vont, ils y vont bien. Hein. Vite, allez. Allez. Pour l'instant, on en est où là, Tof? Bah là, je pense que Aude et Seb, ils y sont presque au bout là. D'accord, ok. Les filles, c'est un peu mort. Non, mais en fait, Aude et Seb ont trouvé un truc. Ça va être dégueulasse, mais en fait, Aude pré-mâche. Elle en bouche de Seb. C'est dégueulasse. Ne rigolez pas, vous allez faire. Allez, finissez. Oh là là, la famille gros porc. Attention, il y a Camille qui gère pas mal là derrière. Ouais. Non. Attends, parce que... Attends, y'a pas de la triche. Attends. Ah, y'en a par terre. Y'en a par terre, là aussi. Hey, il fallait pas en perdre, hein. Ah, il fallait chercher celles qui sont par terre, là. Il faut pas en perdre. Et je pense que les meilleurs, ils sont là. Ouais. Parce que la GoPro, elle va partir chez Camille. Chez Camille, elles sont propres. Camille est propre, pour l'instant. Hein. Camille et son mari sont propres. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quoi chez... Elle a tout ramassé. Elle a ramassé les frites par terre. Et ils sont pas du tout fait. Et lui, il veut pas. Camille. Allez, la GoPro, là. 350€ à gagner, là. Oh là là, alors Camille Endette. Il en reste une là. Est-ce que par terre on est sûr là? Attends, ils ont mangé l'un sur l'autre. Donc il faut vérifier pour être sûr. Il y a zéro. Eh bah parfait. Eh bah c'est Camille, rappelle-moi ton prénom, le copain, j'ai oublié le. Attends, on n'a pas le micro là, Tof. Ouais. On n'a pas le micro. Hop là. C'est Camille et Jordan. Camille et Jordan. Eh bah dis donc, vous ressemblez à quelque chose à Camille et Jordan. Elle en a plein les cheveux, Camille. Mais. Oh le bisou, c'est mignon. Mais la question c'est qui va repartir avec la GoPro, Camille ou Jordan? On verra. Bah non, vous avez été mauve. Ah oui, ouais, mais c'était pas le but du jeu. C'était pas le but du jeu. Oh là là là là. Il en a mis partout, c'était immonde. Il en a partout là les deux. Et bah bravo pour la GoPro, elle est là et on la file directement. Elle a les mains dégueulasses, elle va déjà salir, Camille, bravo hein. Je pense que Passage du Désir peut offrir un truc au crado. Ouais, bon les crados, vous voulez un petit cadeau? En plus, en sus. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Sexuellement, ça se passe bien ou pas, Aude, avec Seb? C'est dégueulasse, mais ça se passe bien. Seb, ils t'en mettent partout, hein. Ouais. Dégueulasse, mais ça se passe bien. D'accord, ok. Bon, tiens, on va faire un petit cadeau pour... On va faire un petit cadeau, là, maintenant, là. Allez, c'est parti. Petit cadeau offert par... PassageDuDésir.fr, bien sûr. Voilà, et c'est le Rabbit, hein. C'est le Funky Rabbit. Le Funky Rabbit, voilà. Nouvelle collection. Tu pourras lui en mettre plein la gueule. Toute nouvelle collection. Toute nouvelle collection. Bon, eh ben, très bien, ben, magnifique. Bravo. Jeu. Ça va, Camille? J'ai peur qu'on te perde, là. C'est monté dans le nez. Non. C'est monté dans le nez. On est dans les narines. Ah oui, mais c'est la sauce samouraï, c'est parfait. On a dans le nez, dans les yeux, dans les cheveux, là. Bon, bah ce que je propose c'est qu'on mette le son de Calvin Harris. Juste après on fera les appels de Toff. Ne bougez pas de là, c'est l'émission la plus glamour ce soir. Mais oui. Elle est glam, total glam. On va mettre les photos dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Allez bougez pas, c'est MIKL No Limit. Et on est en direct jusqu'à minuit. En direct de Charleroi sur Fun Radio. Ce soir, Toff fait la cuisine, MIKL est à la caisse, et Polo fait le service. MIKL No Limit. En direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Ce soir, toute l'équipe de MIKL No Limit sont en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Exactement, et on est en direct de la friterie Alba à Charleroi sur Fun Radio. Merci d'ailleurs d'écouter Fun ce soir. Et puis merci à tous ceux qui sont passés aussi. Ah bah, l'émission n'est pas finie, on est encore là jusqu'à minuit ce soir. Bon Toff, toujours en direct de la cuisine alors? Pas du tout. Ah bon, t'es où là? Bah je suis à côté de toi. Ah merde, putain, je l'ai même pas vu. Il a tellement une tête insignifiante, ouais. Que je l'ai... Il ressemble à rien. Ouais, c'est ça. Oui mais c'est ça, je l'avais. Ah mais je retournerai pour le deuxième jeu, enfin préparer le deuxième jeu. D'accord, ok, bah très bien. Là, on aura aussi. Parce que faut que je m'en remette. Bah t'as raison, on aura le canular, on aura un autre jeu évidemment tout à l'heure. On aura le canular dans quelques instants. Et puis on a aussi les 200 € qu'on vous offre ce soir sur le Facebook de l'émission. Pour tenter de le gagner, bah c'est facile, enfin tenter de les gagner, puisqu'il y en a 200 à gagner, hein, 200 €. Et bien il suffit simplement donc d'aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com, taper MIKL officiel. Et je vous ai mis une photo avec des billets de 50, des billets de 100, etc. Et bah il suffit de faire un like et un partage de ce post. Et puis bah vous repartirez tout simplement avec les 200 € si vous êtes tiré au sort tout à l'heure avant minuit. Bon, avant de prendre Gilev dans quelques minutes, qui attend depuis longtemps là, Gilev, je vais te prendre dans quelques instants là, désolé. Avant de prendre Johan également, qui veut faire partie de l'armée des doux, et bien nous allons faire les appels de Toff. Appel de Toff. Donc c'est avec est-ce que vous êtes ouvert pour un ménage à 3? Bah oui, parce que c'était une grande question qu'on a eu l'occasion de se poser. Bah oui, avec grâce à notre grande amie Cameron Diaz. Oui, tout à fait, comme d'habitude. Qui a encore une grosse connerie, mais bon, donc en fait, elle nous a expliqué que comme elle était célibataire à 41 ans, elle était ouverte à peut-être avoir 2 ou 3 personnes à la maison. Mm-hmm. Et donc du coup, bah, j'ai appelé pour vérifier. Très bien, bah, on fait le premier appel maintenant. C'est parti, ça s'est passé cette semaine sur Fun Radio. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous seriez ouverte pour un ménage à 3. Mais on peut, aussi vous faire foutre tout seul, hein, non? Oui, mais je vois pas le rapport, madame. Ah ben écoutez, oui, hein, moi je le vois. Mais c'est quoi, madame, le rapport? Allez, gros con, on va te faire foutre. Non, mais, allô? Ouais, allez, gros con, on va te faire foutre, effectivement, ça s'est plutôt bien résumé. Bah oui, comme d'habitude. On avait d'ailleurs, du coup, fait un deuxième appel. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais j'étais pas bien sûr de sa réponse. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Ben en fait, je voulais savoir si vous seriez ouvert à un ménage à 3. Écoute, si tu veux, tu me donnes ton nom et toi, je viens te voir, je viens t'enculer, moi. Ça te va? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Oui, mais si tu veux, je viens t'enculer quand tu veux. Ben si vous voulez, monsieur. Alors, donc moi, je suis 20. Oui. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais, va te faire enculer, va, toi et ta famille, va, au PD, va. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Va te faire enculer, je te dis. Mais enfin, monsieur, ça se dit pas. Si tu m'appelles encore, va te faire enculer, je te dis. Je vais te faire identifier le numéro, je vais venir te mettre bien comme il faut, moi. Mais je peux vous donner mon numéro, monsieur, si oui, vous oui, voulez. Oui, va te faire enculer, je t'ai déjà dit. Mais oui, mais pourquoi vous voulez mon numéro si vous le prenez pas, si monsieur? Si tu m'appelles encore, je te fais un machin, je te rappelle répétitif, je vais te mettre dans la merde, t'as compris? Oui, j'ai compris, monsieur, mais je vois pas le rapport. Et il avait raccroché malheureusement, oh, c'est dommage parce c'est que dommage. Il avait l'air quand même plutôt sympa. Mais oui, je sentais un truc passer entre lui et moi. Et oui, bah, oui, bah tu l'as bien senti, la, à mon avis. Paix, hein. De... Et donc on l'avait rappelé une troisième fois. Hein. Ah. Ah bah oui. T'es un gros débile. Ah non, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Oh. Attendez, moi je vous appelais gentiment pour vous poser une petite question et puis c'est vous qui m'agressez, monsieur. D'accord, y'a pas de soucis. Ouais. Allez, va jouer avec les gosses de ta rue, va. Bah oui, mais enfin, monsieur, c'est pas gentil ce que vous dites. Ouais, malheureusement, oh. Ça, on en est resté là et c'est bien malheureux. Ouais, sur les gosses de ma rue. Ben oui. Bon, on en fera d'autres appels évidemment dans moins d'une heure. Donc restez bien sur Fun Radio et puis surtout on remettra le couvert demain dès 20h puisque toute la semaine prochaine, comme c'est les vacances. Oui. Enfin, c'est les vacances, pas pour tout le monde, hein, parce que la Belgique, par exemple, a terminé. Oh, mais il y en aura d'autres qui commenceront, etc., etc. Bref, la semaine prochaine, il y en a plein qui partent en vacances. Et donc, du coup, ben, on fera 20h minuit. Voilà, toute la semaine. Donc, demain, on sera à la même heure. On fera également les mêmes appels avec Tof. Donc, si vous voulez, si vous connaissez des gens aussi sympathiques que le monsieur qu'on a eu à l'instant, n'hésitez pas à faire un mail sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Donnez-nous le numéro de téléphone et puis on les prendra avec plaisir. Je les appellerai avec plaisir. Avec grand plaisir dès demain, bien sûr. Bon, pour terminer sur les conneries que vous avez pu faire, il y a Gilef qui est avec nous également maintenant. Salut Jeff. Ouais. Allô. Gilef de l'âme ou c'est non, c'est Gilef de Bruxelles. Salut Gilef. Pas Gilef de Bruges. Salut. Ça va bien? Un jogging là, je suis au centre-ville. T'as fait un jogging, t'es crevé? Non, je suis pas crevé. D'accord, t'as fait un jogging mais t'es pas crevé. Non, non, parce que il y a des fois c'est un grand sportif et tout et donc Bah oui, mais il a raison. En dessous raison. D'un marathon, ça le fatigue pas. Mais oh, oui, mais t'as raison. Un petit gars. Hein. Bon, qu'est-ce que t'as fait comme grosse connerie Jeff? Il y avait deux trucs à dire. Bon, le dis-moi. Premier, j'étais en Afrique du Nord, quelque dans une petite ville. Il y avait des gens, des garçons, j'étais un petit garçon, et des enfants là-bas, ils jouaient avec des pétards. Ouais. Moi, j'avais pas trop envie de le faire parce que je sais que ça dérange, tu vois, etc. J'étais plutôt un gentil garçon. D'accord. Mais tant d'ailleurs. Et je voulais pas le faire. Alors une fois, quelqu'un m'a passé un... Ça m'a tiré un peu, quelqu'un m'a passé un demi-pétard. Donc un pétard dont il y avait chance la moitié qui a explosé et pas l'autre, enfin, tout ça. D'accord. Et alors j'étais dans un endroit où il n'y avait personne, pour même pas déranger. Et j'avais un briquet. Ouais. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas la mèche. D'accord. Donc tu l'as allumé directement à la base du pétard. Voilà, j'ai allumé à la base du pétard et je l'ai mis à côté de mon oreille. Bon cours, Gilef. Ah mais attends, moi j'ai fait pire. Attends. Oui, t'étais petit, mais enfin, tout n'est pas toujours excusable, même quand on est petit, Gilef. Hein. Attends, ça finit. Et alors, je l'ai mis à côté de mon oreille pour écouter parce que j'entendais rien. J'ai mis à côté de mon oreille, j'ai allumé et ça a explosé à ma main à côté de mon oreille. C'est genre le mec qui met un pétard, il met... Mais, tu vois, c'est marrant, ça pète pas, je vais le mettre à côté de mon oreille pour voir si ça marche mieux. Tu m'étonnes que ça ait pété. Et toi, t'as fait quoi comme connerie? C'est pareil en fait, donc on joue avec des pétards, on en lance un, il explose pas, et donc qu'est-ce que je fais? Bah, je vais le ramasser pour le rallumer, sauf qu'en fait, je le ramasse et il explose. Ah oui, dommage. Ouais, donc il m'a pété dans la main, il m'a fait, j'avais un énorme trou dans mon t-shirt. Un trou de guerre, une blessure de guerre. Ouais, et puis je rentre à la maison, il m'a fait, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je sais pas. Rien, j'ai dû courir dans les bois, ça m'a arraché. Mais oui, n'importe quoi, tu l'as vraiment prise pour une débile ta mère. Elle aurait pu passer nous voir. C'est vrai. Mais elle a hésité et puis elle a dit non, Charleroi c'est trop loin. Oh, genre, oh n'importe tu quoi. C'est à son âge, il ouais, est tard. C'est ça. Ouais. Bon, hey, Gilef, et toi la deuxième connerie c'est quoi? Ouais, en fait c'est pas une connerie. C'est quoi? Ben tu vois franchement, ouais, en tout français, ça a détonné vraiment. Depuis vendredi soir, j'ai essayé de draguer une soixantaine de filles. Ouais. Vraiment. Et malgré le fait que généralement j'étais une bête courtois et galant, ça les a plu généralement, mais j'ai eu aucun numéro. D'accord, 60 filles, aucun numéro, c'est quand même pas terrible, Gilef. Hein. Hein? Je dis 60 filles, t'as essayé de draguer, aucun numéro, c'est quand même pas très très bon, Gilef. Très très moche. Ah oui, ouais. T'es pas très très bon, Gilef. Et donc après? Eh ben, je sais pas, j'espérais qu'on pouvait peut-être m'aider ou quoi. Ah bah t'as qu'à passer ici, Gilef. Il y avait des filles, il y avait des garçons, il y avait l'embarras du choix, ouais, il y avait un Tof éventuellement. Oui, oh, bah d'accord, mais c'est pas super loin. Bon, si vous êtes sur Bruxelles et vous avez envie de rencontrer Gilef, là il a 20 ans, bah n'hésitez pas à nous appeler. 02 851 4x0. N'hésitez pas, et si vous êtes en France et vous avez prévu de passer sur Bruxelles, bah 01 42 48 5000 pour nous joindre. Voilà. Bah, le message est passé, Gilef. Pardon ? Je dis le message est passé, Gilef. Ouais, mais j'aurais peut-être préciser un truc genre le fait que je suis étudiant, le fait que je suis généralement gentil également, quoi. D'accord. Je suis pas moche. Non, mais j'espère bien, Gilef. J'espère bien. Bon, en tout cas, on te repasse chez Sandro au standard, et puis si on a quelqu'un, on te rappelle, d'accord ? Merci, au revoir. Salut Gilef, à bientôt, bonne soirée à toi. Et puis on va dans un instant faire un deuxième jeu. On va avoir le canular aussi dans quelques instants sur Fun Radio. On aura Jérôme, on aura Morad avec la colle. Je rappelle la colle donc hein. Si vous voulez tenter de repartir avec la caméra numérique ce soir, l'appareil photo numérique. J'ai un chapeau mais pas de tête. Je vis dans les bois, vous m'aimez tout en vous méfiant de moi. Qui suis-je? Si vous voulez jouer, eh ben allez-y, vous envoyez Amy, quelle est la réponse, au 64 900, ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Vous restez bien avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, je vous cale le son de Théo sur Fun Radio, remixé par Miko C. Ce sera 5 Hours. Allez, c'est parti. On est toujours en direct de Charleroi sur Fun Radio, en direct jusqu'à minuit à la Friterie Alba. Toute l'équipe de Mickaël, No Limit, en direct de la Friterie Alba à Charleroi. La sauce, ça part ou sur les frites? Sur les boulettes. Et tu mets 6-7 fricadelles aussi. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël. Ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, No Limit. En direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio. Allez! Et ouais, en direct jusqu'à minuit, en direct de la friterie Alba. On est donc à Charleroi pendant que Polo était faire la petite petite visite des toilettes, à mon avis. Ah, j'ai pissé là, comme ah bah ça y est, bah ouais. T'as pas eu mal au ventre avec Polo Toff qui t'a fait bouffer, non? Non, mais je pense qu'il a rien mis. Je pense qu'il a été honnête. Il a été honnête. Ouais. Pour une fois. Et moi, il m'a mis des cornichons, ce con. Je lui demande des concombres, il voit les trucs verts, tu sais, en rond, il se dit, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est vert. Bah oui, c'est vert, c'est vert, c'est vert, c'est des cornichons. Donc bon, bref, moyen quoi. Hein. Bon, toujours en direct donc de Charleroi avec la réponse à la colle de Morad dans quelques minutes également. T'es toujours là, Morad? Oui. Très bien. Bon, Morad, puisque t'es là, répète encore un petit coup la colle avant qu'on donne la réponse dans une bonne dizaine de minutes. Vas-y, Morad. D'accord. Alors, j'ai un chapeau, mais pas de tête. Je suis dans le bois. Vous m'aimez toutes, vous méfiez de moi. Qui suis-je? Alors, j'ai un chapeau mais pas de tête, je vis dans les bois, vous m'aimez tout en vous méfiant de moi. On va donc jouer dans quelques minutes. Si vous pensez avoir la bonne réponse, je rappelle qu'il y a un appareil photo numérique à gagner ce soir. Il suffit simplement d'envoyer Mickaël plus la réponse. Envoyez ça au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh bien Morad perd et vous gagnez. Si personne ne trouve la bonne réponse, ce sera Morad qui repartira donc avec l'appareil photo numérique. Tu restes avec nous, Morad? Oui. Très bien, on va faire encore un autre jeu ici avec tous les auditeurs qui sont passés nous voir. On va également se faire le canular. Je vous avais parlé du canular de la bombe, on en a parlé tout à l'heure là, tu vois. On avait parlé du truc de la bombe qui avait pété. On avait fait ça avec Mathieu et quelques temps, on va vous le remettre maintenant. Mathieu qui est là dans quelques secondes. On aura aussi Bérangère, je l'avais pris tout à l'heure, et puis Johan pour l'armée des loups qui va débarquer dans quelques instants sur Fun Radio. Toff, où est-ce qu'il est, ce mongol, encore celui-là? Il est parti où? Je crois qu'il est parti aux chiottes. Non, il est en train de faire de la bouffe. Peut-être il adore qu'on peut ça. Entendre. Peut-être qu'on peut entendre Toff. Allô, Toff? Ah non, merde, il est pas. Non, il est juste, c'est pas grave. Bon, ben on va le prendre après, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, non, il est, en fait, il est parti, il est sans micro, sans rien. C'est parfait. Michel a bouti. On aurait pu Oh, le vrai talent, là. Je vous mets les photos dans quelques minutes aussi, là. Les photos du battle qu'on a fait avec tous les auditeurs. On fait ça dans un instant. On va prendre Mathieu, donc, pour le canular maintenant avec la bombe, là. Souvenez-vous, Mathieu qui est avec nous. Salut, Mathieu. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et toi? Bon, écoute, plutôt pas mal. Tranquillement, là, jeudi soir, pépère, dernier jour de la semaine, en tout cas pour nous. Et puis après, week-end. D'ailleurs, on sera de retour dimanche à partir de 20h également, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mathieu, t'appelles de Cannes, 23 ans. Tu nous appelles pourquoi? Bah, pour faire un petit canular à mon oncle. En fait, il est pompier. Et vu comme j'aime bien lui faire des blagues de temps en temps, et bah, je l'appelle pour lui faire croire que je suis avec un pote et que pourquoi pas faire exploser une bombe ou n'importe. Une bombe? Moi, une bombe artisanale. Alors, en fait, ce qu'on va faire pour l'énerver encore un peu plus, c'est qu'on va dire que c'est moi qui ai commandé tout le matos sur internet, et puis bah je suis venu chez toi pour pas monter la bombe tout seul, quoi. Et que là, on est dans la merde parce que le truc. Moi, comme j'habite à 2 minutes de chez lui. Non, non, mais quand je dis je suis venu chez toi, c'est je suis venu vers toi, donc on est chez moi, je t'ai appelé pour que tu viennes, et toi, évidemment, comme t'es un idiot, bah t'es venu m'aider à monter une bombe, quoi. Ce qui ne sert à rien, bien entendu, mais voilà. Donc, évidemment, et comme moi, je vais lui prendre la tête avec ma voix de merde en version Michel. Du coup, normalement, ça devrait l'énerver, en tout cas, j'espère. Bon, écoute, on va l'appeler maintenant, de toute façon, on verra bien. Bonne chance à toi, et puis, bah, c'est parti, on y va, on l'appelle. Et on est en mode panique. Allô? Allô, tonton? Oui, c'est qui? Ouais, c'est Mathieu, ça va? Oh, Mathieu! Allez, fais vite! Ouais, dis-moi, on a pas le temps, là, dépêche-toi, là, putain! Tu peux me rendre un service? Il y a quoi? J'ai fait une connerie avec, avec un pote, en fait. Service, là, vas-y, demande lui vite, là, dépêche-toi! On a fait une bombe artisanale et on n'arrive pas à désamorcer, tu peux nous aider? Vous avez fait quoi? Je sais pas lequel je peux enlever là. Bombe, donc on voulait voir par rapport à internet, et vu comme il est étudiant, il a acheté des pièces et c'est pour réaliser une expérience et du coup ça foirait, on n'arrive pas à le démonter. Oh putain. Moi, je coupe lequel? J'ai vu qu'il se capte parce que j'entends plus là. Lequel je coupe? Vite, hein? Eh ben alors, je croyais qu'il s'y connaissait, lequel je coupe? Tiens, prends le téléphone. Bah dépêche-toi, allô? Oui. Ouais, salut, quel fil j'ai coupé? Et vous avez fait quoi? Quel fil vous avez coupé? Vous avez fait quoi? Ben on a, je sais pas, j'ai encore coupé aucun fil là, mais il y en a plusieurs et je sais pas lequel enlever. Je comprends pas ce que vous avez fait là. Ben on a commandé des pièces sur internet, c'est pas mon idée, hein, c'est celle de Mathieu, et donc on a tout monté, ça marche, mais le problème c'est que là on sait plus l'enlever. Oh putain. Nous on voulait simplement se marrer, mais là on sait plus très bien ce qu'il faut faire. Passe-moi Mathieu. Mathieu, vite, prends le téléphone. Bon, moi je m'occupe du... Je Allô m'occupe de la bombe. Juste, ouais. Quel fil je dois couper? Il a... T'as dit pas les bombes au téléphone, il est... Elle est où ce truc? On est à Grasse. J'ai tout à Grasse. Quel fil? C'est mon pote. Je dois enlever quel fil? Non, mais dis-lui qui c'est, quel fil, je sais même pas ce qu'il a fait là, il faut qu'il me dise. Quel fil? Il y a quoi de branché dessus? Il y a deux fils. Dis-lui qu'il y a deux fils. Avec de la farine et de la poudre. Après, il y a deux fils. Quel fil je dois couper? L'autre, il est gris. Quel est le fil? Attends, je sais pas ce qu'il a fait. Elle est branchée avec quoi? Avec une pile ou quoi? Non, c'est avec une... Non, la branche est sur 220 volts, évidemment. Oh putain, j'en sais rien. Moi, Mathieu, je sais pas ce que vous avez fait là. Je sais pour pas. Lequel, vite, il reste 8 minutes. Ah putain. Il y a un nom, il y a quelque chose à faire. Il y a marqué bombe, il n'y a pas marqué de nom, on a commandé ça en Chine. Il n'y a rien, c'est une pièce qu'on a commandée. Elle est posée où, voilà. C'est posée où? De quoi? C'est posé où? Mais on s'en fout. Sur une table. Non, quel câble? Mais si ça ferme là. Quel fil? Elle est posée où? Sur une table. Ah mais où? Sur une table. Elle est sur une table, mais quel fil? Quel fil? Bon, passe-moi le téléphone. Mathieu. Allô? Oh, quel fil? Quel fil? Quel fil? Il reste 7 minutes 20 là, quel fil? Eh ben il fallait pas faire de conneries, il est où Mathieu? Passe-moi. Eh ben oui, mais là, attends, il est tout près de la bombe là. Touche pas Mathieu, t'y connais rien. Mathieu. Tiens, je te le repasse, tiens. Mathieu. Oui. Dis-lui qu'il arrête de gueuler, ça sert à rien. Vous êtes tout à Grasse. Oui. Quel fil? Mais j'en sais rien, mais il est dans la campagne, paumé, j'en sais rien, mais je connais rien ici. Il reste 6 minutes 40, quel fil? Qu'est-ce que tu fais Mathieu? Écoute-moi bien. Il y a du monde autour ou pas? Non, il n'y a personne, on est dans la campagne. D'accord, alors laissez-y et barrez-vous. Ah non! Barrez-vous. Ah bah je vais pas laisser la table. Non. C'est la table de ma mère, si elle pète, je me fais démonter. Ouais, et je fais quoi moi? Je sais même pas ce que vous avez fait, je sais même pas à quoi ça ressemble. Quel fil, je sais même pas quoi vous avez fait. Mais quel fil? Quel fil, il faut couper. Il y a deux pots et il y a deux fils avec la batterie. D'accord, et une batterie, c'est une batterie de combien? C'est une batterie de... C'est une batterie de voiture, une 24 volts, je crois. Et si tu débranches la batterie? Et on peut pas justement si on débranche. Non, touche pas la batterie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi ça ressemble. Vous avez été me faire comme connerie. Oh là là, putain. Ouais. Eh, ça commence à cramer là. Et t'as rien, t'as pas un extincteur, rien. Un extincteur, ça va péter. Oh là là. Mais à quel fil j'enlève? Je sais pas, toi, je sais pas. Il reste 5 minutes là. Hé hey. Oh pas, Mathieu. Hey. Non, je peux pas trop t'aider. Vous êtes où là exactement? Oh, alors je fais quoi? Quel fil? On est dans la campagne, au-dessus de Grasse, je sais pas comment ça s'appelle là, dans un trou paumé. Mathieu! Quoi? Bon, quel fil j'enlève? Mais j'en sais rien, il veut pas ça me dire. Ça commence à cramer là, ça commence à cramer, ça va péter. Qu'est-ce que je peux faire? T'as pas un truc à me dire? Je sais pas, y a pas un truc à faire, je sais pas, t'es bon. Bah Mathieu, je connais pas l'ampleur de la chose que vous avez. Mathieu, je viens t'aider. Mais c'est un petit truc, c'est rien. C'est un truc, y a deux bâtons là, deux bâtons avec des fils. Alors écoute-moi Mathieu, écoutez-moi. S'il y a rien autour, barrez-vous. Non, on part pas. Bah reste à côté alors. Début qu'il a... Oh, j'ai une petite qui gueule, qui dorme alors. Début qu'il arrête de gueuler, comment je raccroche? Je suis en train de te dire ce qu'il faut faire. Tu prends tes jambes autour du cou, tu t'éloignes, tu vas à plus de 10 mètres et tu laisses faire. Non, on n'abandonne pas là. Non, il faut qu'on l'arrête. Je voulais la remettre plus tard là. Il faut juste qu'on la désamorce, qu'on la débranche. Après je saurai. Il veut la débrancher, je sais même pas à quoi ça ressemble. Je vois même pas ce que c'est. Bon Mathieu, quel fil il a pris? Mais j'en sais rien, il sait pas, il arrive pas à me dire, il en sait rien, il est... J'en peux plus, moi, on fait quoi, s'il te plaît, dis-moi. Bah je sais pas, ou alors ou alors je coupe au hasard. Quoi? Ou alors je coupe au hasard. Putain. Bah, coupe au hasard, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce qui peut arriver? Bah, j'en sais rien. Coupe au hasard, coupe-en un. Il y a quelle couleur et quelle couleur? Il y a quelle couleur? Il y a gris et rouge. Eh ben, moi je serais toi, je couperais le gris. Non, non, non, non, non, attends, attends, attends, attends, attends. Et si jamais c'est l'autre? Bah alors, comment... moi, je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais même pas ce qu'il a fait. Bah, il y a gris et rouge. Comment tu veux? On s'en fout de la couleur de quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble? Je suis divin? Je suis voyant? Bah non, mais alors, le gris ou le rouge? Allô? Ouais, je sais pas, Mathieu, je sais pas ce que... je sais pas. Je mais sais pourquoi pas. Il a dit le gris? Il a une raison, sinon il n'aurait pas dit au gris au hasard. Il y a un nom ou quelque chose quand vous avez fait ça? Non, rien, c'est nous. Il y a marqué Made in Taiwan dessus, c'est nous, on a commandé... Ah, c'est en Chine. Bah alors, quel fil? Je sais pas. Bon, je sais pas, Mathieu. Je coupe le rouge, tant pis, on verra. Non, t'es sûr? Je sais pas. Bon, lequel? Le rouge, il est branché à la batterie, ça va donner du jus. Si hop, ça coupe, elle va couper le rouge, hein, je te dis, moi. Ou alors je coupe le gris. On coupe les deux. Ah bah si je coupe les deux en même temps et que ça pète. Bon bah je coupe les deux. Ouais, je coupe les deux, hein. Non. Bon alors oui ou merde. On fait quoi, on coupe les deux, tonton? Bah, je sais pas, il y en a un qui alimente. De toute façon, il reste deux minutes, là. Deux minutes, et de toute façon, ça pète quoi qu'il arrive. On coupe les deux. Putain, qu'est-ce que vous avez été me faire? Oh là. Allez, je coupe, j'en ai rien à foutre, je coupe. Allez, oh. On y va. Oui. Allez, attention. Attention. J'ose pas. Je sais pas, le gris ou le rouge, je suis perturbé, là. Le rouge. Le rouge. Le rouge. Ah, c'était pas le bon fil. Non, papa. Mathieu. Oui. C'était pas le bon fil. Non. Il est vraiment mauvais, ton oncle, hein. Ouais. Il est encore là? Allô? Allô? Entends? Allô, Christian? Allô? Christian? Non, je crois qu'il est plus là. Allô, Christian? Bah c'est pas normal, pourquoi c'est lui qui est mort? Allô Christian? Il a fait une attaque. Non, moi je suis en transe là, il fait trop chaud. Là. Merde. Allô Christian? Allô? Tonton? Tonton? Allô? Tonton? Attends, on va le rappeler, ça a peut-être coupé, ou avec l'explosion, on sait jamais. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est l'explosion. Le câble. Hey, Mathieu, tu t'arranges avec ton oncle, là, avec cette vanne de merde, là. Je savais pas que les bruitages avaient fait si vrai. Heureusement, j'ai un extincteur. Il est déjà dans le camion de pompier, là, il arrive. Hein. Ouais, il est parti à Grasse. Peut-être. Ah bah non, là il décroche plus là, oh là là. Putain. Ah bah il est dans la merde, surtout qu'on n'a pas la finalité, c'est con. Il a pas un autre téléphone, un bah, il a pas un fixe ou quoi non? Si, ouais. C'est quoi son fixe? Attends. Vas-y. J'ai le numéro de sa femme, merde. Bah ou de sa femme, elle est pas là? Ouais, si. Voilà, on appelle Tata, c'est bien. J'espère qu'il lui a rien arrivé le pauvre. Bah t'imagines. On dit que c'est tough de toute façon. Oui, ah bah bien sûr. Bien sûr. Toujours la faute des enculés de toute façon. Évidemment. Allô? Allô, Mylène? Oui, allô? Ouais, Mylène, c'est Mathieu. Oui, Mathieu. Oui, où, t'entends? Bah, à la maison, pourquoi? Tu peux nous passer, s'il te plaît? Attends, parce que j'arrive juste chez moi, je viens de finir le boulot. Ah, ok. Alors, attends. Elle est pas au courant, la pauvre. Bouge pas, hein, je monte pas sur le téléphone. Ah, bon, je sais pas, écoute, hein. Attends, normalement, il est à la maison. Ah, le stress monte, là. Qu'est-ce qui est arrivé au tonton, là? Pourquoi il croche plus? Attends, bouge pas. Non, bah, bouge pas, là. Oh là là. Donc là, ils nous entendent plus. Hein, donc. Et si jamais il y a eu un problème, on raccroche. On est au courant de rien. C'est comme si c'était rien passé. Voilà. Mathieu, téléphone pour toi. Il est toujours en vie, c'est le principal. Je pense qu'il va plus lui parler. Définitivement. Oh merde, putain, il a nouveau raccroché. Ah ouais, donc il veut vraiment plus te parler. Ah, je pense qu'il est fâché là. Ah, je pense qu'il est bien fâché là. Bon, attends, on rappelle la tante ou on rappelle ton oncle? On va essayer le tonton. Le tonton, allez, on rappelle. Merde, merde. Oui, allô? Oui, c'est moi. Ouf. Oui, c'est quoi cette connerie? C'est une blague. Vous êtes Barjo, quoi? Non. Vous êtes pas Barjo? Non, je vais te faire une petite blague. C'est une idée de Mathieu, moi je suis pas. Ouais, nous on y est pour rien. D'accord. Bon. Tonton? Oui. Bon, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Ouais. Oh, ça va. C'était une idée de Mathieu, hein, tout ça ouais. Pour gagner un cadeau. Il a dit ouais, on va faire chier mon oncle, on arrête pas de se faire des blagues, voilà. Et je veux avoir le plus haut level. Le quoi? Le plus haut level en termes de blagues. Donc ça veut dire que la prochaine étape, il va falloir trouver une idée encore plus forte pour la vengeance. T'avais 2 minutes parce que je t'ai envoyé toute la cavalerie de grâce. On quoi savait, ouais. Tu vois Mathieu, j'avais dit que c'était tendu là. Mais ils étaient si bien que ça mes bruitages? Franchement, ouais. Ah putain, bon ça. Enfin, désolé quand même. Hein. Chapeau. Mais, désolé tonton, je suis vraiment désolé. Ouais, t'es vraiment un sale con. Et tu sais quoi? On va donner le cadeau à tonton. Exactement, on va filer le cadeau à tonton du coup. Ce qui paraît honnête, hein, ça me paraît quand même le plus honnête dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut te filer? J'ai un iPad mini, tonton. Si tu veux. Bon, si tu veux pas, je le file à Mathieu. Hein. Ah non, pas à Mathieu alors. Je le file pas à Mathieu? Ah non. Ah bah voilà, très bien. Bon bah tonton, on va t'envoyer un iPad mini. Ok. Ah bah très bien. Bah voilà, avec plaisir. Bon. J'étais trop bon. Ouais, t'étais trop con surtout. C'est surtout ça qui s'est passé. Bon, Christian et Mathieu, passez une bonne soirée quand même. Merci pour tout. Merci. Avec plaisir. Et vive les pompiers. Ouais. Merci, c'est cool. Salut à vous, ciao. Bon, d'accord. Et si vous voulez faire un petit canular, on remet le couvert évidemment la semaine prochaine, même si on sera là de 20h à minuit. Eh bien, on fera quand même les canulars, rassurez-vous évidemment. Je rappelle qu'il y a toujours les appareils photo numériques à gagner si vous êtes bon. Et bah, pour jouer, il suffit d'appeler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va se faire le deuxième jeu dans quelques minutes avec les auditeurs qui sont passés nous voir. Toff. Est-ce qu'on va le récupérer? Deuxième jeu dans quelques instants. Donc, alors en deux mots, là, ça va ressembler à quoi le jeu? Bah, c'est très simple, on a fait un. Attends, t'entends mal, t'as plus de pile, je pense. Non, c'est parce qu'en fait, je parle très loin du micro parce que je suis en train de déplacer les plateaux, donc forcément, c'est pas très facile. Très bien. Donc, je disais, donc on a fait un do room façon Mickaël, un do room façon Polo et un do room façon Toff. D'accord. Oh, là, quel talent. Et donc, il va falloir deviner quel do room et quel do room. D'accord. Voilà. Eh ben, ce que je te propose. Donc, il y en a trois. Nous n'avons que deux participants, donc c'est un auditeur au téléphone qui choisira. D'accord. Qui va manger le cas. Bon, si vous voulez jouer, le temps de la pub là. Si vous voulez jouer, vous vous inscrivez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On joue dans quelques minutes sur Fun Radio et puis comme promis également on va se mettre le son de de Pharrell Williams avec Marilyn Monroe. Il y aura à suivre aussi le son de Black Pearl sur Fun Radio. Voilà, ce sera rebelle, ça avait été demandé tout à l'heure par Johan Ledoux qu'on va récupérer dans quelques minutes. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est toujours en direct de Charleroi et on est là jusqu'à minuit avec vous toutes et vous tous en direct. Hello everybody. Jusqu'à minuit, Mickaël No Limit en direct de la friterie Alba. Mickaël à Charleroi sur Fun Radio. Mickaël, ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit. Effectivement, en direct sur Fun Radio, en direct de la friterie Alba à Charleroi avec dans un instant le deuxième jeu que nous allons faire ce soir. Et puis continuez aussi à nous appeler si vous voulez jouer avec nous. On va également prendre Johan. Johan, il est encore là, mais ça va, hein, Johan. T'es en forme là ou pas, Johan, de l'héros là? Oui. Ah et ça t'avais qu'à pas raccrocher au début de l'émission hein. Du coup t'as on a mis du temps à entreprendre hein, Johan hein. Ouais. Bah si. C'est juste que ça a bugué. Bah ça a bugué. Ah bah voilà, bah c'est dommage. Bah Johan, du coup tu vas encore un petit peu attendre, on va se mettre le son de Pharrell Williams. Okay. D'accord ? Allez, c'est parti, Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. Et puis on récupère Johan juste après, on fait le jeu en direct. Toute l'équipe de Mickaël No Limit en direct de la friterie Alba à Charleroi. La sauce, ça part ou sur les frites ? Sur les boulettes ! Et tu mets 6-7 fricadelles aussi ! Jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ce qui s'est passé là avec les boulettes et tout ça, etc. Là, ouais, au taquet, complètement quoi. Ça. Complètement ça, complètement ça. On est toujours en direct de Charleroi sur Fun Radio. On est en direct donc de la friterie Alba avec les auditeurs. Tout le monde est venu. Il y a les photos que vous pouvez aller regarder sur le Facebook de l'émission. Tapez Mickaël officiel si vous voulez venir nous rejoindre. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. On est là jusqu'à minuit. Et puis on va se faire les jeux maintenant. Allez, la suite et la fin. Dernière tentative. On a Christophe également avec nous d'Auxerre. Auxerre ou Auxonne, Christophe ? Salut Mickaël, c'est de Salut Christophe. Salut. Comment tu vas ? Ah ça va, j'ai la patate là, et vous m'avez mis le fire avec le pompier là, terrible hein. Ah putain, on était bon pas avec le pompier là Christophe. On était au taquet même hein. Bon, hey, Christophe, j'ai cru qu'il allait envoyer la cavalerie, eh. Grave, mais attends, mais c'était à deux doigts, hein. T'imagines un peu, on a eu peur aussi qu'il ait fait un infarctus le pauvre hein, quand même. Mais bon. Bon, Christophe, on va donc ouais. jouer maintenant, donc toi t'es pas sur place mais c'est pas grave, on a quand même des auditeurs qui vont jouer avec nous. Comment tu t'appelles, donne-nous ton prénom. Johnny et la demoiselle Stéphanie et Johnny donc qui vont jouer et puis on va jouer avec Christophe également et donc Toff qui a encore inventé un grand jeu hein. Bien sûr, donc j'ai préparé trois doorooms, un à l'image de chacun de nous hein. Oui exactement, ouais, donc un doorroom. Alors doorroom c'est l'espèce de pain une galette avec de la viande etc voilà. à l'intérieur et puis c'est refermé en forme en espèce de tube. Voilà c'est ça, donc j'ai pour tout le monde c'est la même viande hein, c'est fricandelle, mais après à l'intérieur on a un peu modifié. Voilà c'est ça exactement, ouais, très bien. Donc le principe du jeu c'est que c'est Johan hein, qu'on a au téléphone. On a Christophe. Ah Christophe pardon. Yes. Donc il y a trois plateaux, il y a un plateau rouge, un plateau bleu et un plateau jaune. Ouais. Ok, et donc okay. Il va attribuer un plateau à chacun, mais d'abord j'ai demandé un aide de cacher les yeux bien sûr de nos deux participants. Donc, vous cachez les yeux. D'accord, donc les yeux pas la bouche. Non, ouais, les yeux pas la bouche évidemment. Voilà, donc toi Christophe, on a pas besoin de te cacher les yeux puisque tu n'es pas là. Donc tu ne peux pas non, voir. Non, je vois rien du tout. Bah c'est parfait. Alors voilà, donc tu attribues quel plateau à qui ? Alors le rouge, je vais l'attribuer à la demoiselle. D'accord. Le rouge, c'est pour mademoiselle, c'est pour Stéphanie. C'est ça, hein, Stéphanie. Stéphanie, très, bon très bien. Choix. Très très bon choix. Alors à Johan, tu donnes quelle couleur ? Il reste bleu et jaune. Je vais lui donner le jaune cocu. Le jaune. Très très très bon choix. Jaune voilà. Cocu, il a dit. Le jaune cocu est donc pour Johnny. Bon voilà. Et donc toi tu vas garder le bleu. Voilà. Enfin, toi tu vas garder le bleu. Moi je garde le bleu que on pourra offrir après. Voilà, oh, ça va être génial. Très bien. Donc quel cadeau Toff. Voilà. Quelle générosité. Alors, il faut quand même bien manger, pas juste un. Non, il faut bien mordre, il faut bien mâcher. Je précise que si jamais ça n'allait pas. Oui. Il y a un petit plat devant vous dans lequel vous pourrez cracher. Un crachoir. Je le précise au cas où. Voilà. Il se peut qu'il y ait des drames. Et oui, on sait jamais, Une fois que j'expliquerai ce qu'il y a dedans. Voilà, par exemple. Mais tout est comestible. Tout est comestible. Pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est comestible tout normalement. Tout est comestible. Enfin, moi, j'aurais pu tout manger. D'accord. Que tu as mis des poils de cul dedans. Non, tout est comestible. Non, tout a été préparé. Bon. Tout a été préparé dans les règles de l'art avec des choses comestibles, mais que normalement on ne mélange pas. Voilà, c'est ça. Bon, et ben on va. À part honneur, moi, mais honneur aux filles. Allons-y. Ah bah honneur aux filles, c'est parti. Gentleman. Bon, allez, Steph, vas-y. Allez, voilà. C'est un peu plus. T'as vu la forme un peu, Steph ? C'est bizarre. Ouais. Hein. Ça te rappelle des trucs. Hein. Quelle magnifique forme ce doorroom. Allez, on y va, c'est parti. Alors, vas-y, Steph. Alors, le premier, il y a que du pain, donc. Tu peux parler, Steph. Hein. Bah là, la bouche pour pleine. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Non, mais c'est parce que c'est normal. C'est parce que c'est le début. Là, il y a encore rien. C'est dans un doorroom. Le tout début, c'est que le pain. Donc ça va. Un peu sec. C'est un peu sec, mais justement, bah c'est pas grave. Remords un petit coup dedans, là, tu vas être bien. Faut que ça passe. Ah ouais, bah oui, il faut, oui. Faut que ça passe. Faut que ça passe, exactement, ouais. Bon, allez, c'est parti, on y va. Donc Toff, tu dis toujours pas lequel est lequel. Hein. Ah non, bah non, pour le moment, je dis pas. Mais normalement, elle est capable de deviner à qui. Elle se fait un kiff, là, alors. D'accord. Non, ouais, elle se dit, bah, j'ai pas bouffé ce soir, c'est de la bouffe gratos. Je vais bouffer encore plus. On est pépère, hein, bien vu. Je peux avoir des frites et un coca, s'il vous plaît. Ouais. Sachant qu'elle est là depuis. Un coca, oui. Sachant qu'elle est là depuis le début de l'émission, elle est censée savoir à qui est celui-là. Exactement. Bon. Alors, t'as une idée ou pas, Steph? Non, je sens rien. Tu sens. Bah, remords encore. Attends, j'arrive. Tu vas sentir quelque chose là. Et bah, remords encore un coup dedans. Non, encore un coup. Vas-y, remords. Tu dis quoi, Christophe ? Prétentieux. Oui, prétentieux. C'est vrai, mais c'est vrai. J'ai un petit zizi, hein, je pense. Bon, ça y est ou pas, alors, Steph? Je dirais Polo. Oui, je dirais Polo. C'est vrai, c'est oui, ça. C'est ça, puisque c'est un durum avec rien. Il y a que la viande. Non, parce que il faut savoir que. Sans rien, il m'a dit. c'est vrai. Il y a que la viande. Donc voilà, c'est, parce qu'il aime pas la sauce, il aime pas les tomates, il aime pas la salade, enfin il aime rien. Donc voilà, donc c'est un durum Polo. Voilà, très bien. Et ensuite, bravo, nous avons donc notre ami qui est juste à côté, notre ami Johnny, qui lui va goûter le durum qui se trouve dans le plateau jaune. Et c'est Christophe qui lui a dit de manger celui-là. On y va, c'est parti. Alors, comment ça va Johnny là? Ça va. Ça va? Il est piquant. Il est piquant. Mais il est piquant comment? Remords un petit coup de dent, je pense que t'as pas bien goûté. Enfin, les bouffes un peu, allez. Vas-y, allez, remords encore un petit coup de dent parce que je pense que tu n'as pas. Voilà. Comme ça, voilà. C'est ça. Voilà. Non, ne crache pas, mon enfant. Ne crache pas. On n'est pas chez toi à la maison là, hein. Attention. Allez, allez, une bouchée pour maman. Alors? Allez, encore une bouchée. Allez, encore. Il aime bien, Johnny, il a raison. Donc, durum spécial. Alors à ton avis c'est lequel en l'occurrence dirai, après je vous dirai ce qu'il y a dedans. Voilà, celui de Toff ou le mien? Toff. Oui. Oui, deux gagnants là, pas mal. Alors donc j'explique, hein, à l'intérieur donc il y a piment, samouraï, harissa. Ah, il va pleurer là. Oh, il a une tête. C'est cadeau. Oui, c'est cadeau, Christophe. Et un peu de viande. Et un peu de viande. Il y a quand même un peu de viande. Il y a un peu de viande, mais oh, t'as pas fait l'enculé quand même. Mais c'était pas ce qu'il y avait le plus. Bah c'est dommage, t'as raté le meilleur, le mien il était là, il était magnifique. Oui. Ah, je suis déçu là. Et donc alors que le seul qui était vraiment bien, c'était celui-là puisque en fait il y a tout sauce. Voilà, y a sauce, légumes, viande, etc. Il y a juste pas de frites. Et ben voilà, très bien, parfait. Ouais. Bon, quand vous avez tous les deux trouvé, malheureusement, parce que normalement on devait avoir qu'un seul gagnant, mais bon, c'est pas grave. On va quand même offrir à Steph magnifique œuf de Pâques. Oh. Voilà, bah oui, c'est Pâques. Et tu peux lui donner. Et évidemment, on a bien entendu le petit cadeau pour les deux, hein, bien entendu. Attention, on n'est pas des enfoirés ici. Alors j'ai qui veut? Alors tu veux le côté gauche ou côté droit, Steph? Le droit, tu as Ziggy Bunny. Il va te donner un magnifique. Il va te donner plein de plaisir. Regarde, je te le donne. Hop là, voilà. Offert par Toff. Passagedudésir.fr, bien évidemment. Bien entendu. Et puis après, eh ben pour Johnny, nous avons Joe l'Intrépide. magnifique sextoy offert par Passagedudésir.fr. Exactement. Tu pourras l'offrir. Oui, tu vas pouvoir l'offrir parce qu'il est quand même balèze. Hein. C'est-à-dire que. Il est balèze. Ouais, voilà, ouais. J'en dis pas plus. Mais bah, bravo, hein, bravo. Christophe? Ouais. Est-ce que t'as une meuf toi, Christophe? Ouais, tout à fait. Elle est à côté de moi là. Ah bah tu veux aussi un petit sextoy offert par Passagedudésir.fr. Voilà, hein, Christophe, t'en veux un pour madame ou pas? Ouais, si tu veux, ouais. Bah oui. Sinon on a un jeu pour vous deux. On a un jeu. Ah oui, on a un jeu érotique. Bah voilà. On a des jeux. Ah, comme ouais, ça parfait. Tu pourras te marrer, on a des Christophe. Jeux pour le couple. Mais oui. Alors, bon bah salut Christophe. Vidéos, si vous voulez. Ah, avec plaisir. Bah si tu proposes, évidemment. Ouais. Avec plaisir. On mettra ça sur YouPorn. Salut Christophe, ciao à toi, à bientôt. Salut à toi. Allez, ciao. On va donner la réponse à la colle de Morad également, et Jalabour là. Morad, t'es là? Morad? Oui. Ah, très bien. On va donc appeler le gagnant ou la gagnante maintenant là pour savoir lequel des deux va repartir avec avec l'appareil photo numérique. Voilà, c'est ça. J'avais oublié en fait, je suis en train de me remémorer. Bon Morad, on y va, c'est parti. Je rappelle que le gagnant ou la gagnante, là celui ou celle qu'on va appeler maintenant, si il ou elle a la bonne réponse, eh bien il repartira directement. Allô? Oui. Ah, ça sonne. C'est la musique attente SFR. Bon, celui-ci il a la bonne réponse, il repart avec l'appareil photo numérique, sinon c'est toi qui repartiras avec Morad. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Charlène. Salut Charlène, c'est Mickaël, t'es en direct sur Femme Radio. On est en direct de Charleroi, il y a Morad qui a une colle à te poser. Charlène, vas-y Morad. Bonsoir, j'ai un chapeau, mais pas de tête, j'ai vu dans le bois, vous m'aimiez toutes, vous méfiant de moi, qui suis-je? Donc j'ai un chapeau mais pas de tête, donc tu disais un champignon, c'est ça Charlène? Oui. Morad oui. Eh ben c'est la bonne réponse, et ben voilà. Bravo Charline. Eh ben tu repars avec l'appareil photo numérique. Félicitations. Ouais oui c'est cool. Tu vas pouvoir faire plein de photos pendant les vacances, ça va être la folie. Je te fais, mais je te fais plein de bisous Charlène. Bisous. Je t'embrasse, à bientôt Charlène. Ciao à toi. Bon ben Morad, je suis désolé. Je suis désolé Morad. On attend pas bien. Bah oui, mais enfin, c'est ça. T'as perdu, voilà. C'est t'as pas entendu. T'as ça changerait. T'aurais mieux entendu que ça t'aurait fait perdre quand même, Morad. Malheureusement, c'est la colle. C'est la vie. Trop facile, je sais pas, mais bon. Bon, Morad, tu retentes ta chance quand tu veux quand même, d'accord? Tu peux demander un saut. Un saut? Un saut de merde, oui. Ou un saut de fils? Tu veux un saut? Non, ouais. Un saut de graisse. Tu veux quoi? Papa, où t'es? Un son. Papa, d'accord. Ah, d'accord. Je crois que tu voulais un saut. Je m'y casse la foutre avec un saut, vous comprenez pas. Tu veux le son de Stromae avec Papa, où t'es? Ouais. Bon, bah si tu veux, ouais. Bon, on va demander à Victor qui pousse les boutons à la radio là de nous trouver le son de Stromae. On va te le mettre dans quelques minutes, Morad, d'accord? T'auras gagné ça au moins. Merci. Bah je t'en prie, avec plaisir. Salut Morad, ciao, oui, à bientôt. Allez, bye bye. Bon, Johan est avec nous également maintenant là de Saint-Ibéry dans l'Hérault. T'es de retour, Johan? Oui. Ah, Johan qui est toujours doux. Hein. T'as pas mué depuis le début de l'émission. Hein. C'est bien. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a eu Johan au début de l'émission. Ça a coupé. Et puis, ben, on l'a enfin récupéré. Johan qui voulait devenir un doux officiel. C'est ça? C'est ça? Ouais. Très bien. Bon, Johan, je te passe Polo, évidemment. C'est lui qui gère, ce genre de choses. La douceur. Hein. La douceur. Salut, évidemment. Johan. Salut. Johan. Johan. Il m'entend pas. Mais si, il est là. Bah tu veux rentrer chez les doux? Oui. Bon alors tu vas t'insulter mais de correctement, d'accord? Des petites insultes. Allez, insulte-toi. J'étais un gros bâtard de Sarah. Voilà, parfait. Johan, veux-tu toujours faire partie de l'armée des doux? Oui. Et as-tu ton téléphone dans la main? Oui. Tape-le-toi contre la tête. Allez, encore. Bravo, tu es officiellement un doux. Bravo, Johan. Magnifique, Johan. Là où la douceur est présente. Eh oui, toute cette attente pour enfin faire partie de l'armée des doux, Johan. Ouais. Bon, pour ceux qui viennent de débarquer, les doux, c'est tous les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué, évidemment. Voilà. Moins de 15 ans et c'est doux. Eh ben, surtout, c'est le problème n'est pas de moins de 15 ans. Il faut simplement ne pas avoir mué. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, Johan, ben, bienvenue dans la communauté, hein. Ouais. Bon, salut. T'as école demain ou pas? Non, c'est pareil. Ah, ça y est. Ah, ben, non, je suis con, mais mardi. Quoi? Mardi. Oh là là. Ouais, c'est moi qui ai joué, pas dû poser la question. C'est moi qui ai des coups de téléphone sur la tête. Mais ça doit être ça, effectivement, c'est ça. Il a peut-être pété un plomb. Bon, c'est pas grave, Johan. Bah, profite bien du jour de congé demain, d'accord, Johan? Ok. Salut à toi, à bientôt. Ciao. À bientôt. Bon, et puis je rappelle que demain on sera là, hein, même si c'est férié demain, on sera là entre 20h et minuit en direct sur Fun Radio. Il y a également JB qui dit c'est le tonton qui est mort de tout à l'heure pendant le canular. Il y a Ophélie qui dit putain, j'ai cru que ma radio avait bugué, vous m'avez fait délirer. Et puis Stéphanie qui dit donc il y a eu l'explosion, le cri de Tof et ma radio s'est arrêtée pendant 2 minutes. Le bug. Non, mais elle s'est pas arrêtée la radio, c'est juste qu'on se demandait si le tonton était encore là ou pas en fait. Et Salma qui dit Michel, tu me vends du rêve. Quel fil, c'était Jimmy. Bah on s'est toujours posé la question. Hein. Et puis à Werty également qui dit bon anniversaire en retard mec. Bah merci beaucoup Werty. Continue avec tous vos messages qui arrivent en direct sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. On aura Jérôme également dans un instant. Salut Jérôme de Montluçon dans l'Allier. Salut. Comment vas-tu Jérôme? Ouais, et toi Mika? Et bah plutôt pas mal. Et bah merci Jérôme, merci beaucoup. Bah c'était pas aujourd'hui, hein, c'était samedi. Mais merci d'y avoir pensé en tout cas Jérôme. On va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Eh ben je me suis remis avec ma copine mais on se discute comme ça par téléphone, mais on peut pas rester pour l'instant ensemble, tu vois, donc ça va prendre temps quoi. Non, justement, je vois assez mal là, Jérôme, mais tu vas m'expliquer ça dans quelques minutes. Tu restes là, Jérôme? Ouais. Bon allez, bouge pas, on fera les appels de Tof également dans quelques minutes. Vous toutes et vous tous en direct, si vous voulez nous appeler ou que vous soyez en France, 01 42 48 5000. En Belgique, c'est le 02 851 4x0. N'hésitez pas, vous m'appelez, il n'y a aucun problème. Et puis on va se faire, bah on l'avait demandé, tiens, c'est Morad qui l'avait demandé, le son de Stromae. On va se le faire maintenant, c'est Papa Outé maintenant sur Fun Radio. Et puis bah du coup on mettra Rebelle avec Black Pearl, ce sera juste après la pub tout à l'heure. Avant 23h sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, Mickaël No Limit, on est toujours en direct de Charleroi et puis on est là évidemment jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Mickaël, ce soir, Tof fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, no limit. En direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio. Et oui, en direct de la friterie Alba à Charleroi. D'ailleurs, ils sont restés bloqués en mode fête. D'ailleurs, ce serait bien de recevoir notre hôte Fabrizio là. Patrizio. Il est où Patrizio là, le patron là? Patrizio. Allez, faut savoir qu'il a fait 3 fois le chiffre d'affaires de l'année. C'est vrai, bah tant mieux, écoute. Il y a plus rien là, il y a plus de mitraillettes. Ah, c'est fini, ça y est. Ah oui, je l'ai vu passer avec les baguettes là 15 fois et il a couru partout à travers le restaurant. Ouais, j'avais prévu 2 fois mais il y a pas assez. Ah bah très bien, voilà. Bon, mais Patrizio qui est avec nous là, installe-toi ou en tout cas prends le micro tout près de toi quand même. Bah déjà merci pour l'accueil Patrizio hein. De rien. Hein, on le voit souvent sur le Facebook Fritri Alba qui commande tout n'importe quoi là. Hein, non mais c'est vrai. Bah là il me dit ouais, j'ai pas le temps là, je peux même pas vous envoyer un message. Ah bah non, ça c'est clair, tu m'étonnes. Bon, ça va, ça s'est bien passé, le chiffre est bon? On verra. Parce que on est comme la mafia, on prend 80%. Hein. 90%. C'est ça, ouais. Donc ça va bien se passer. J'ai déjà fait de la publicité, de toute façon. Bon, bah c'est parfait. Est-ce que Toff n'a pas salopé la cuisine? Il est un peu dégueulassé. Enfin, ah ouais, c'est ça, il oserait dire. Ouais, j'ai fait tomber des frites et tout. Enfin, oh là là, quel gaspillage. Ouais, je sais, je suis désolé. Déjà qu'on est en galère, il y a plus de frites. Si on... y a les frites, il y a encore. Ah, ça y est encore. Bon, bah très bien. Il y en a plus. Il y en a plus non plus. Ah, c'est mitraillette qu'il y a plus. Ah, il y a plus de frites. Non, la pita, il y en a plus. Ah, il y a plus de pita, il y a plus de mitraillette. Bon, c'est presque. Non. Bon, ça va encore. Bon, si vous voulez venir, on est là, Friterie Alba, Charleroi Nord. C'est 34 rue Coco. Caillaudière. Putain, mais 15 fois je l'ai dit sans problème. Et depuis genre 21h, j'arrive plus à le dire. C'est dingue. C'est baf. Voilà, 34. Pourtant, c'est pas comme si on l'avait écrit sur des, non, sur des bannières, sur. Voilà, donc 34 rue Caillaudière. Alors, je voulais juste dire à l'auditeur qui avait tagué le logo de l'émission. Bravo. Mais non, mais bravo parce qu'il avait oublié un i dans Michael Nolmut. C'est Nolmut. C'est Michael Nolmut. Mais heureusement, il a corrigé. Ah, il a corrigé. Bah, il est revenu, il a remis le i. Ah bon, bah, voilà, donc maintenant c'est nouveau Michael Nolmut, mais la photo sur le Facebook est marquée Michael Nolmut. Je préviens la police, il a récupéré les bombes de peinture, oui. Et il va taguer dans tout Bruxelles et dans tout Charleroi. Exactement. Il a dit qu'il allait se faire un train. Donc, ce salopard. Méfiez-vous, si vous voyez un mec assez grand avec des bombes, n'hésitez pas. Hein, parce que vous pouvez le coffrer. Au départ, il voulait faire le métro à Charleroi, mais il l'a pas trouvé. Bah oui, forcément, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Patrick. On va te laisser repartir au travail, là, hein, parce que apparemment, ah c'est chaud. Il y a du monde qui attend. Eh ben, il y a du monde qui attend, effectivement. Ouais, très bien. Bon, merci en tout cas pour l'invitation. Et puis, on va également se faire les appels de Toff maintenant. Ah. Hein. Ah, du lourd. Est-ce que vous avez une petite bite? C'est la question qu'on peut poser à tous ceux qui sont ici, à tous les mecs. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont une petite bite ou pas là? Soyez francs, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Pour vous soutenir, je lève la main, allez. Voilà, allez, je lève la main. Polo lève la main. Voilà, je suis une petite bite. Et comme par hasard, personne n'a une petite bite. Alors, il n'y a personne qui a du courage. Pas de courage. C'est dingue. C'est dingue. Alors que je suis en train de monter l'équipe qui va aller à New York pour essayer d'avoir la plus petite bite du monde. Exactement. Ah, si, il y a Fonf du matin qui a levé la main. Également, bravo, c'est bien. Deux petites bites, c'est bien. Il y a une petite bite par là. Est-ce que quelqu'un. C'est à partir de combien une petite bite? Bah. T'es à combien? C'est à partir de combien? Allez, j'attends là. Qui dit mieux là? Ah, une troisième petite bite, c'est bon là. Une troisième, qui dit mieux là? Ah là-bas une quatrième petite bite. Ah on a une quatrième, ouais. Allez, on y va, là. Mais là c'est la meuf qui a dénoncé hein. Ouais, il y a une dénonciation là. Ah pleub la casquette, il a une petite bite. Eh bah voilà. Lunettes aussi, voilà. Hop là, 6. Eh bah on a 6 petites bites dans la friterie. Bah voilà, c'est parfait. En fait c'est pas vrai hein. Jésus pour vous de bouffon, c'était pour vous lancer. C'est ça. Bon, 6 petites bites donc c'est bien. Donc c'est bien, je vais pouvoir créer mon équipe pour aller à New York. Exactement, puisque bah, il célèbre, c'est le 14 juin, il y a l'élection de la plus petite bite du monde. Exactement, ça se passera à New York et donc Toff veut partir là-bas afin de faire une équipe. Bah oui. Exactement. Donc on avait fait les appels pour voir effectivement ce qui était possible de faire. Et bah donc oui. on fait le premier appel maintenant, c'est parti, on écoute. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez une petite bite, monsieur. Oui, et tu vas la trouver au fond à gauche dans ton cul, connard. Oui, mais parce que du coup allô? Ah oui, non, bah oui, t'es parti déjà. C'est pas très cordial. Oui, c'est dommage. Alors qu'on appelle les gens comme ça de manière très sympathique. Mais tu as remarqué que je suis toujours cordial et gentil. Complètement. Je crois que t'avais appelé des Carolos, non? Oui, j'ai déjà. Alors s'ils veulent venir, qu'ils n'hésitent pas. Il y a de la tête à retaper là avant la fin d'émission. Là, venez. Ou même attendez-le à la sortie de la friterie. Voilà, c'est ça. Ça sera le meilleur moment. Eh ben c'est encore mieux, tiens. Bon, du coup, on avait rappelé évidemment. On n'allait pas le laisser comme ça, le pauvre. Direction donc de nouveau ce charmant monsieur. C'est parti. On y va. On rappelle. Oui. Oui, je m'excuse, monsieur, parce que j'ai pas eu le temps de vous demander si vous étiez libre le 14 juin. Tu vas passer toute ta nuit à faire ça, connard? Mais pas du tout, monsieur, mais c'est parce que du coup, il y a le concours de la plus petite bite du monde, et comme vous semblez en avoir une toute petite, c'était pour savoir si vous pouviez participer. Donc, toi, t'es le président, donc c'est toi qui dois avoir la plus petite. Ah non, moi, je suis juste président de l'association, mais peut-être que j'aurai la plus petite, on verra ça le 14 juin, monsieur. Et tu sais que les extraterrestres, ils vont venir me prendre. Ah bon? Ouais. Ah, vous en avez de la chance, monsieur. Ah ouais, parce que j'ai une grosse bite, connard. Ah bah faut savoir, monsieur. Ah oui, mais il a nouveau raccroché, donc apparemment il a une petite, il a une grande, on sait pas. On sait pas, mais bon, faut rappeler. Bah du coup on l'avait rappelé, effectivement, c'est parti, on y retourne. Oui, je m'excuse, monsieur. Attends, connard. Oui. Mon numéro, encore une fois, c'est les flics, ok? D'accord. Vous voulez mon numéro? Ouais, là, il est parti avant qu'on ait eu le temps de lui donner le numéro de téléphone. C'est dommage. Bah oui, donc du coup, on l'avait rappelé encore une fois. Au lieu de faire un seul appel et on est tranquille. Oui, non, il faut qu'il raccroche 15 fois. Bon, on l'avait rappelé, c'est parti. Alors qu'il m'aurait répondu, on l'aurait pas rappelé. Mais bien sûr. Allez. Oui, monsieur, vous êtes sûr que vous voulez pas le numéro pour porter plainte? Et au fait. Oui. Si t'en as une grosse. Non, moi non. C'est parce que j'allais dire, si t'en avais une grosse, t'aurais au moins une copine à côté de toi qui s'en occuperait. Puisque tu t'amuses à faire des conneries au téléphone, c'est vraiment que tu dois en avoir une petite? Bah oui, c'est pour ça que j'organise le concours de la plus petite bite du monde, monsieur. Bah oui, bah tu risques de gagner alors, parce que tout à l'heure tu me disais que t'en avais pas une grande, maintenant que tu me dis que t'en as une petite, putain, et tu... Bah c'est ce que je dis, puisque si j'en ai pas une grande, elle est forcément petite. Hein? Si t'as vraiment rien dans le pantalon, fais autre chose, fais un scrabble, fais du bridge, fais du tricot. Ah vous êtes vieux vous, hein, par contre. Non, pas du tout. Ah. Moi je sais ce que je veux, mais à mon avis, toi, tu le sais pas. Ah il t'a cassé là hein. Ah grave là, il m'a défoncé. Ah il t'a cassé mais d'une violence. Ah bah le tricot et le bridge là il m'a défoncé. Ah ouais, hyper violemment. On en fera d'autres des appels tout à l'heure dans moins d'une heure. Donc si vous avez des numéros de téléphone de personnes qu'on peut éventuellement appeler, n'hésitez pas, on fait ça aussi toute la semaine. Et cette semaine on sera là également entre 20h et minuit hein. Ah oui. Ah bah oui, pour on les passe vacances. En horaire d'été. Et on passe en horaire de printemps. Ah de printemps. Voilà, horaire de printemps, 20h minuit toute la semaine prochaine. Enfin dès demain en l'occurrence et jusqu'à jeudi. Donc on fera évidemment les mêmes jeux que d'habitude hein, pour ceux qui nous suivent de 23h à 2h d'habitude. On fera toujours les canulars, on aura toujours le chéri, je peux te faire cocu demain. On aura également tous les appels de Toff, etc. etc. Vous toutes et vous tous en direct également avec Kingsley qui est avec nous maintenant, 32 ans. Salut Kingsley de Paris. Oui, allô Michael. Comment ça va Kingsley? I'm calling you. Eh ben, très bien. You speak English, Kingsley. I'm a Kingsley, yeah. American. Kingsley, yeah. No, where are you from, Kingsley? I'm from Liberia. Algeria? Liberia. Ah, Liberia, oui. Ah, d'accord, Liberia. Ok, je croyais que c'était Algérien. Je me dis, depuis quand il parle anglais, Algérie. I'm not from Algeria, I'm from Liberia, you know. Bon, Kingsley, en revanche, il va falloir parler français maintenant, hein. Ouais. Et en France, parler français. Parce qu'il y a la moitié des gens qui nous écoutent que pour qui Liberia, c'est une librairie. Hein. D'accord. Library. En fait, non, il n'y a pas le problème, et je peux m'exprimer en français, il n'y a pas le problème. Eh ben, c'est parfait. D'accord. C'est très bien. Mais c'est mieux, ouais, parce que sinon, Paul aurait fait la traduction sans problème. Mais bien sûr. Oui, c'est mieux, mais n'oublie pas que l'anglais, c'est la langue internationale, il n'y a pas le problème. Oui c'est vrai, mais là en l'occurrence on est diffusé en France et en Belgique et que la majorité des gens parlent en français, pardon. Et mal. Et oui aussi, mais c'est le problème. D'ailleurs je propose qu'on fasse un petit test. Hein. Oui, qui parle anglais ici à Fréterie Alba là? Ah, un. Ah ouais. Et enfin. Ah, attends, il y a Stéphanie qui participe à notre jeu là. Tu parles un peu anglais? Ah bah viens. Ok, bah dis-nous, qu'est-ce que tu peux dire en anglais là? Attends, bouge pas hein, Kingsley, hein, bouge pas. Voilà, tu vas pouvoir parler avec Stéphanie. Alors tu sais dire quoi en anglais? Une charmante blonde à forte poitrine. Non, c'est je pas le si fort que ça. Je le mets en situation. Ah oui, c'est ça, c'est il ça. Tu vois pas. Voilà, Kingsley. Yeah. Je te passe Stéphanie. Ok. Tu peux parler en anglais avec elle, Gère. Ok. Hi. Hi Stéphane, how are you doing? Oui. Attends. Là, parle dans le micro, Steph. Elle comprend pas anglais. Mais si, elle parle anglais, là, enfin, very well. Elle essaye. You are just trying your best, you are not very good in English, you know. Yes, yes. Okay, that's good. En général, quand on va là-bas, c'est autant, yes, yes, yes, yes, no, yeah, ok. Voilà, non, c'est bien, je pense que c'est pas mal. T'as un niveau, là, c'est pas mal, hein. D'accord. Non mais c'est bien. J'espère que t'as pas examen d'anglais dans la semaine. Hein. Ouais, parce que je pense que ton prof peut te saquer directement. Bon, Kingsley, tu nous appelais pourquoi toi à la base? Je vous appelais pour des problèmes. Je vous appelais parce que les mecs ont l'impression que je fais trop bien l'amour. Et ça me crée des problèmes. Elles ont l'impression, mais en vrai c'est pas le cas. Les meufs disent que je fais trop bien l'amour, donc ça me crée des problèmes. Vous voyez? Ouais, c'est ça, oui. C'est-à-dire, lorsque je suis avec une meuf, elle me lâche tout, quoi, tu vois. Non, il sait plus ce qu'il faut faire. Même ouais, si mais je comprends, donc, j'ai le même problème. Arrête ton cinéma, t'as aucun problème de ce niveau-là, il est fou lui. Donc qui sait, t'es en train d'essayer de te la raconter parce que t'es en train de nous appeler en disant les meufs se plaignent parce que je fais trop bien l'amour, du coup elles me lâchent pas. On a le même problème avec toi, ouais, c'est parce ça. Parce que ça me crée des, bon, ça me crée des problèmes et je veux savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Mais c'est parce que tu tapes des meufs qui ont déjà des mecs, parce que sinon normalement c'est pas gênant. Et moi, fille, voilà, c'est ça. Deviens gay. Soit oui. Bah et après il va avoir le même problème, ça va être les mecs qui vont plus le lâcher. Bah voilà. Bah oui. Mais il aura plus les problèmes avec les filles. Bon, Kingsley, qu'est-ce qu'elles te disent les filles en général après l'amour? Non, elles sont satisfaites, mais après, elles ont peur que je puisse sauter les camarades, en fait. Vous comprenez? Même si elles ont peur que tu ailles voir ailleurs, du coup. Justement, mais si je le fais pas, elles pensent que je le fais. D'accord, bon, attends, on va demander, Steph, t'as un mec ou pas, toi? On voit des messages. Oui. T'as un mec, il est bon au lit ou pas? Très bien, oui. Ouais, bon, moi, ouais, est-ce qu'il est aussi bon que tu parles anglais? Non. Il est meilleur, Bon bah nous voilà rassurés, très bien. On prend la vidéo d'Aude également là. Aude. C'est Sophie. Ouais c'est ça, Aude. Attends, on va s'approcher là. Aude qui a participé tout à l'heure au jeu avec merde, j'ai oublié ton prénom. Sébastien, voilà, c'est ça. Bon, Aude. Alors, elle va s'installer, là, elle est en train de réfléchir en même temps à ce qu'elle va dire. Bon, t'as déjà eu des problèmes d'endurance avec monsieur ou pas? En tout cas, ils ont pas eu de problème de galoche. Hein. Non, galoche. Ça, on a vu qu'ils étaient au taquet. Les photos sont sur le Facebook, allez voir. Hein, tapez Mickaël officiel quand on a fait le jeu il y a à peu près une heure et demie. Là, vous pouvez aller voir. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec Sébastien? Parle bien dans le micro. Parle bien dans le micro, comme voilà, moi, là, regarde. Qu'on entende bien. Voilà. Non, ça va, on n'a jamais eu de problème. Non, mais toi, tu n'as pas eu, mais lui. Ce rire qui en dit long. Oui. Bon, la moyenne, ça fait combien la moyenne? Parle bien dans le micro, comme moi. La comme moyenne moi. De quoi? Bah, la moyenne de coït. Le temps. Du rapport. Oui, pas la moyenne de sa bite. Dans le micro. 20 minutes. Voilà, comme moi là, à côté. Mais Nuro, rapproche le micro de ta bouche. Il fait rien pour le moment, t'es pas obligé de crier. Donc 20 minutes, mais tout compris ou 20 minutes de pénétration? On va dire 30 minutes en tout. 30 minutes en tout. C'est pas mal. Non, mais ça, c'est la moyenne. Non, il est bon. Attends. C'est la moyenne haute ou la moyenne basse? Hein? La moyenne basse. La moyenne ouais, basse. Putain, ah ouais, putain, c'est un cheval l'autre en fait. Il est beau gosse, hein. Ouais, l'autre il s'est mis en mode cheval ce soir. Ouais. Bon, je pense qu'on peut retirer 10 minutes quand même parce que là, on veut pas qu'il se tape la fiche. Ouais, on dure 20 minutes. Ouais, c'est ça, voire même 25 minutes. Voilà. Je pense que mon avis. Ouais, c'est clair. Bah, merci, Aude. Ne rougis pas. Tu peux retourner à ta. Mais comme tu en parlais tout à l'heure, la moyenne en centimètres, ça fait combien? À peu près. En érection ou pas? Bah oui, on s'en fout quand c'est pas en érection. Ouais, ça veut dire que tu le fais pas bander tout le temps, quoi. Ouais. Tof, mais quel salopard celui-là. Il a de la chance que j'ai pas la petite. Je peux pas être puni aujourd'hui. Ouais, j'ai pas la petite. J'ai pas la musique du chrono pour la punition. Bon, en centimètres, allez, ça fait combien? 10. Ah, oh, c'est l'edge. 20, 20, 20, 20, 50 centimètres. Ça, c'est 25, hein. Donc Tof lui montre un micro de 25 cm d'un diamètre très agréable pour une fille, je pense. Calme-toi. Ah bah voilà, on est plus à 15, normal. Ouais, on a enlevé 25 centimètres. On a quand même bien enlevé là. Dis donc, t'as les yeux plus grands que le ventre. Hein. Elle a peut-être des problèmes de vue. Ah, tu portes des lunettes d'habitude? Non, ça va. Bon bah écoute, alors nous voilà rassurés, très bien. Bon, on fera le tour d'autres. Il y en a qui ont déjà eu des petits problèmes d'endurance, les garçons ou les filles avec des garçons ou. Non. Il y en a une qui se cache là-bas quand même, hein, j'ai l'impression. Il y en a une qui se cache, quelqu'un. Oui, il a essayé de se cacher, mais je t'ai vu. Problème d'endurance, très bien. On va faire un petit sondage dans quelques minutes. Bon, appelez-nous les autres. Kingsley, on va te reprendre dans un instant. Tu restes avec nous. Et si vous aussi vous êtes déjà tombé sur des garçons, les filles avec des problèmes d'endurance, des problèmes de trop long ou trop court, hein, oui. Ça marche dans les deux sens. Non mais. Problème d'endurance ne veut pas forcément dire que c'est toujours trop court. Non, enfin peine à jouir, c'est chiant aussi. Voilà, il y a des mecs, il y a des meufs qui en ont marre parce qu'il y a un moment ça ressemble à un chou-fleur le truc. À force d'attendre. Ben voilà. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous restez bien avec nous puisque dans quelques minutes je vous envoie le son de Black Pearl, je vous l'avais promis. Ce sera Rebel sur Fun Radio. Et c'est toujours Mickaël No Limit, on est toujours en direct sur Fun Radio. En direct de Charleroi et on est là jusqu'à minuit. Bonne soirée tout le monde. Ce soir, toute l'équipe de Mickaël No Limit sont en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël, ce soir, Tof fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël No Limit. en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Exactement, on est toujours en direct de la friterie Alba et tout à l'heure nous aurons encore un jeu et on va le faire avec les auditeurs qui sont ici, un match d'impro qui est bon en improvisation ici là. Il y en a qui sont bons ou pas? Ah, il y en a qui sont bons, Si, il y en a l'armée là, il est bon là l'armée. Là, parfait, on va le prendre. Et il y a puis, la jeune fille là-bas qui est motivée comme comment là. Tu t'appelles? Attends mal, tu dis Xime. Bon, on va taper Charlotte. Donc Charlotte, donc il va jouer avec nous tout à l'heure. Elle s'appelle Xime. Xime. Il manque un bout, non? Non, oui, c'est ça. Japonaise. Xime. D'accord, ok. Albanaise. Et parce que japonais, ça se voyait pas sur son visage comme ça. Mais tu ça vois. Pourrait. Mais si elle est métissée. Oui, oui, ça pourrait, ça pourrait. Bon, on va faire le jeu, le match. On va se faire le match d'impro tout à l'heure. Donc si vous voulez, bah il va falloir voter évidemment pour les auditeurs qui vont jouer. Match d'impro, ce sera donc sur Fun Radio comme tous les dimanches soirs. Avant d'écouter le son de Black Pearl, je vous l'ai promis tout à l'heure là. Et avant d'écouter également le son de Shakira sur Fun Radio avec Darl la la la, eh bien on va récupérer Kingsley qui est toujours avec nous là. T'es toujours là Kingsley? Je suis là Mickaël. Bon bah tant mieux. Alors Kingsley qui nous avait appelé parce qu'il avait donc un problème d'endurance. Mais endurance dans le bon sens du terme, dans le sens où tu tiens trop longtemps et ça emmerde tes copines. Trop longtemps. Mais alors combien de temps? Parce que finalement on s'en rend pas bien compte là. Tu nous as pas donné 5 heures. Tu nous as pas donné de chiffres. Combien de temps tu limes? Normalement, souvent je lime 2h, 1h30. Quoi et... C'est pas vrai. Arrête ton cinéma, c'est pas possible. Kingsley, tu te fous de nous ou quoi? Je rigole pas. Je n'éjacule pas. Pas. Attends, t'énerve pas, Kingsley, tout va bien, on est entre potes, là, tout va bien. Donc, non, mais je vais vous dire la vérité. 2h, 1h30. Non, mais Kingsley, alors... 2h, 1h30. Non, mais même, Kingsley, non. Là, t'es pas un problème que tu sois trop long, c'est que t'es peine à jouir, Kingsley. Pardon? Je dis, le problème n'est pas que tu sois trop long, le problème est que t'es peine à jouir. Non, c'est parce que j'ai joui, mais seulement j'ai mis le temps avant de jouir. Non mais attends, 1h30 1h30 de pénétration. C'est pas possible. C'est quand même hyper violent hein. Mais peut-être c'est pourquoi il tout ça violent mais tu prends du bois bandé. De quoi? C'est ma chose quoi, 1h30, 2h au marché. Ouais. Oui. D'accord, bon bah écoute, pourquoi pas, 1h30, 2h, ça me paraît quand même exceptionnel. Bon attends, il y a Bérangère qui est avec nous également, qui n'appelait pas pour ça, mais c'est pas grave. Bérangère, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, dis-moi Bérangère, je sais que tu n'appelais pas pour ça, mais on va parler de ton sujet dans un instant. Est-ce que t'es déjà tombé sur un mec comme Kingsley qui dure 1h30, 2h? Oui. Sérieux? Bah alors ça, c'est improbable. Mais, et t'aimais bien ou c'était trop long? Ouais, je l'ai bien, moi j'adore ça. Ah une, non mais attention, je parle de pénétration, pas de tout ce qui va, enfin tu vois, pas de préliminaire, tout compris. Oui, hein. Non, c'est vraiment 1h30, 1h30 de pénétration. Mais 2h de pénétration, enfin même 1h30, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, enfin tu brûles pareil, quoi. C'est même pas que tu brûles, c'est que physiquement, tu peux pas suivre. Et c'est chiant, t'imagines, c'est le temps d'un film. Mais oui. Non mais. Attends. C'est ouf quand même. C'est le temps d'un film. Non, 20 minutes, une demi-heure, ça va, mais après, ça sert plus à rien, enfin. Bon, bah, je sais pas. Reprenons la vie des filles, là, des spécialistes du cul, là. Il y a... c'est elle, la spécialiste. C'est parce qu'elles sont tout près de moi. 1h30 de pénétration, c'est quand même scandaleux. Enfin, c'est long, là. Attends, mal, c'est ma faute. C'est énorme, très bien. Je te remercie, c'est ce que tu dis toutes les filles, en moyenne. Oui, c'est ça, ouais. Donc, 1h30, toi, c'est beaucoup, pas? Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et toi, Aude? C'est énorme. Donc mais tu peux faire la manucure pendant ce temps-là. Oui, c'est ça. Mais tu te fais les ongles, tu te fais l'épilation. Ouais. D'ailleurs, pas mal. En parlant de manucure, est-ce qu'on peut parler des ongles de Stéphanie ou pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Justin, regarde ses doigts. Monte tes doigts, Mickaël. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est marrant ça, l'américaine. Oui, non, mais en fait, c'est des ongles coupés, enfin pas coupés en deux, mais je veux dire, c'est blanc d'un côté, rouge de l'autre, et surtout, c'est hyper pointu. Tu peux gratter Toff? Non. Allez, viens. Si. Allez, viens. Si, gratte-lui le cul. Allez, ah, si. Allez. Si. Fais pas l'enfant. Hey, sur le dos, tu fais comme ça. Merci. M'oblige pas. Tu grattes sur le dos là. Attends, c'est parfait. Alors vas-y. Attends, on y va, c'est parti. Attends, il est où notre ami photographe? Il est pas là, il est occupé. Ah bah génial, bah c'est parfait. Ah je vais mourir. Bon alors attends. Quel athlète! Et attends, et j'ai perdu 3 cm grâce à notre cul. Wow. Oh, qu'est-ce que tu penses de ce beau petit bidon là? De ce beau bourrelet. Hein, ce beau bourrelet. Alors Bon, alors attention. C'est pas encore trop gros, hein, ça va. Bah, pas encore. C'est pas gros, c'est gras. Ouais, c'est gras. Je suis grassouillé. Un petit peu. Voilà, un petit peu gras. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, Steph, fais-toi plaisir. Imagine. Avant, je vais juste te le dire. Imagine que c'est quand même le mec le plus enculé avec les meufs. Qui les trompe, qui leur fait croire monts et merveilles. Ah, et après, il les envoie la merde dès qu'il a couché avec elle. T'as-tu couché avec Non, mais bon. Ah, tu l'écoutes. Donc, bah, ça va alors. Donc, imagine que tu représentes toute la gente féminine, toutes les meufs, il s'est foutu de leur gueule et donc là tu es là pour les venger. Voilà. Tu venges toutes ces filles. Vas-y, bah, fais-toi plaisir, hein, fais-toi plaisir. Mais calme, t'arrêtes là-bas hein, pour te plaisir aussi. Calme, respire. Tof, ça va aller, va mettre de l'eau. Oh, ça va, Tof, quelle chochotte alors. Mais je suis à 100. Oh, vas-y, va tout de suite. Non, toi non plus. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi si j'ai du sang. Il y a du sang ou il n'y a pas de sang? C'est tout, ça saigne pas. Oh, ça va, ça va. Quel cinéma alors, ça y est. Ça. Bah, tu veux essayer? Non, mais elle, fait un, elle te fait un massage et l'autre, tu veux essayer, fait un drame. Tu veux essayer cette brute? Mais n'importe quoi, je suis sûr que t'as été toute douce. Oh, ouais, photographe, fais-moi une photo. Oh, quelle violence! Oh putain, j'ai un coup de soleil tellement il y a eu. Elle lui a labouré le dos. Oh merde. Mais quel psycho. Mais oh, je t'avais dit fort, mais pas à ce point, tu lui as arraché le dos. Oh putain, quel violence. Ouais, mais en même temps, je trouve que c'est limite une caresse par rapport à toutes les filles duquel t'étais foutu leur gueule. Si, si, si. Mais attends, là, j'ai failli perdre mon dos. Arrête, on va vous mettre les photos là. Eh, c'est d'une violence. Mais grave. Oh la violence. Eh, t'as vu? Et même elle. Même. Oh là là, putain. On demande à chaque fois. De quoi parle tu perds du micro comme moi. On demande à chaque fois pourtant. Ouais, c'est vrai qu'il redemande à chaque fois, c'est vrai. Mais tu lui plantes les ongles comme ça aussi dans le dos et tout. Ah non. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Parle dans le micro. Avec délicatesse. Quoi. Voilà, très bien. Oh la violence. Ça va Tof? Ça fait mal? Ah bah oui, ça fait mal. Ça fait un peu mal hein. C'est-à-dire que là j'ai l'impression que j'ai le dos qui est déboîté. Ah ouais ouais ouais, bah là il est un peu déboîté là, oui, je te le confirme, effectivement. Ouais. Quelle violence, je m'en remets pas, dis donc. Oh là là, on va vous mettre les photos directement sur le Facebook de l'émission, vous allez voir, ça vaut le détour. Non, bon, détour, Bérangère. Oui. Bérangère. Oui. T'es déjà sorti toi avec Tof ou pas? Non. Des fois que je pose la question, on sait jamais hein. Bah voilà, je m'en souviendrai. Non, bon écoute, va savoir, va savoir. Moi aussi, c'est pareil. Oui oui, non mais c'est ça, c'est ça. Bon, Bérangère, bah du coup t'es déjà sorti avec quelqu'un qui durait 1h30 et oui. Le minimum que t'as fait c'est combien? 3h. Ah, t'es déjà sorti avec quelqu'un qui a fait 1h30 mais le minimum c'est 3h, Bérangère. Ouais. 3 heures de pénétration. Attends, c'est pas possible. Genre là, on est très mauvais hein dans cette équipe. Le minimum ou le minimum? Le minimum. Ah ok. Le minimum c'est 3 heures. Mais c'est pas possible, Bérangère. Minimum, ça veut dire le montant. C'est possible, je t'ai dit. Non. Ah non, mais attends, c'est Kingsley qui me parle. Kingsley, reste à 2 secondes. Bérangère. Alors Kingsley, il est encore de plus en plus, il augmente à chaque ouais, fois. Ouais, c'est-à-dire que 10 heures. Dans 5 minutes, il fera 3 jours. Non voilà. Mais c'est-à-dire que le mec déjà, c'est-à-dire qu'il veut baiser une meuf, il est obligé de prendre un jour de congé. Quoi. Ouais. C'est clair. Hey, Bérangère. Oui. Donc tu m'as dit, donc le minimum que t'as fait, c'était combien? 3 heures. Ah donc c'est quand même toi qui as dit 3 heures, moi je pensais que c'était Kingsley. Et le maximum c'était quoi, 1 heure? Voilà. D'accord. Non mais c'est pas possible, Bérangère. T'as fumé un truc avant, Bérangère, ou pas? Parce que... Techniquement ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire minimum 3 heures et maximum 1 heure, ça ne veut rien dire. Enfin pas en l'occurrence quand on te pose cette question là. Ou alors sur la planète Kepler. Peut-être sur Kepler. Planète, voilà, habitable, ouais, effectivement. Le temps est différent. Les plans à 3, c'est pour ça. Oui, mais enfin même un plan à 3. Mais même si tu fais un plan à 18, tenir 2 heures, c'est déjà c'est. Ouais, c'est clair. Non mais c'est clair, c'est clair. Bon, Bérangère, reste avec nous 2 secondes. On va quand même demander à Mehdi aussi qui nous appelait pas pour ça, mais c'est pas grave. Salut Mehdi de Montpellier. Et on cartonne à Montpellier ce soir. Salut Mehdi. Ça va, ça va. Salut. T'es en forme, ouais. Mehdi? Ouais, ça va, ça va. Bon, très bien, parfait. Mehdi, et combien de temps t'as tenu maximum toi de coït? Maximum. Ouais. Je dirais 4-5 heures. Non mais vous êtes ma gueule, Mehdi, c'est quand même pas possible. Et le minimum, et le maximum, attends, 10 minutes. Et ouais. Et le minimum, combien? Ah, le minimum. Ah, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Bon, et le maximum? Maximum 1h30. Ah ouais, putain, moi je vous dis, le minimum, ça m'est déjà arrivé quelques secondes. Ah hein. Oh, mais oui, autant être franc, je veux dire, il y a un moment, ça arrive. Ça peut arriver, je peux pas croire que personne, enfin là, que il y en a aucun qui a réussi. Non mais c'est un truc de ouf. La capote, ça y fait aussi, hein. Oui, non mais bien sûr qu'évidemment avec la capote, c'est tu peux tenir un peu plus longtemps, ça c'est évident. Ou alors vous vous mettez tous les soirs avec des capotes Durex Performa, là vous mettez 3 jours, hein, là il y a pas de problème, bah effectivement. Oui. Bah attends, Tof va demander, il y a des mecs là, je voulais savoir. Bon, faut faut quand même que je pose la question. Soyez sincères, les gars. Soyez sincères, vous la ramenez pas, ça sert à rien. Est-ce que. Alors, combien de temps t'as réussi à tenir? Comment tu t'appelles? Bonsoir. Jordan. Alors, combien de temps t'as. Le minimum? Minimum, ça. Parle plus près du micro, plus près et plus fort. Minimum 5-10 minutes. 5-10 minutes, ah, maximum. Pas mal. Minimum 1 heure. Maximum 1 heure. Pas mal. Ça, c'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est j'y crois pas trop. C'est une moyenne haute, pourquoi c'est une pas haute. Bon, prenons la vie d'un autre garçon, là, l'armée. Moi aussi. 1 heure. 1 heure maximum, minimum. Une heure, ouais, une heure, c'est quand t'étais bourré, c'est parce que c'est pour ça, c'est plus long. Ouais. Non. Minimum? Minimum 30 minutes. 30 minutes. Donc il faut savoir aussi que quand un mec dit ce genre de choses, ouais, faut quand même enlever minimum 50%. Ouais, hein. Ouais, on retire 20 minutes. Voilà, il faut quand même retirer 20 à 30 minutes de tout ça. Ouais. Demandons aux demoiselles également maintenant, sûr. Faisant un tour du côté des filles. À zéro, d'accord. À zéro aussi. Et parfait. Ici. Ça paraît bizarre, zéro quand même. Hein, le minimum qu'il t'a bourré. Oh, c'est toujours la grande classe avec Tof. Tout le temps, lui-même bourré. Non mais combien de temps? Combien de temps il tient minimum? Minimum 15-20 minutes. 15-20 minutes et maxi oh, je dirais 45-50 minutes. Ah, 40... ah ouais. Mais là, au moins, on est sûr que c'est les vrais chiffres. Oui, oui, là, enfin, oui, parce que c'est une fille qui le dit. En général, les filles racontent parce pas n'importe que quoi. Regarde, maintenant, je vais poser la même question à son mec. Alors, combien de temps le minimum? 5 heures et demie, minimum 12 heures. C'est ça, ouais. À 10 minutes, donc déjà on a gagné 5 minutes. D'accord. Le maximum. Oh, une heure. Une heure. Comme quoi, tout est vérifié. Et comme moi, quoi, effectivement. Moi, minimum 2 secondes et maximum 10 secondes. Là. Ouais, voilà. Voilà. Là, tu as un petit problème à ce moment-là. Hein. Bah oui, non, mais ça, j'ai pas ce qu'on appelle la précocité. Il a toujours dit. Hein. Oui, c'est vrai. Et le morning, il tient bien ou pas avec Fonf, là, qui représente ce soir? Oh, sur une année, ouais. Ouais. Mais sinon, non. Non, bon, alors, et alors, en minimum. Il représente le sous-chef. Oui, c'est vrai. On lui a dit. Le minimum. Le minimum, oh, je pense que c'est un peu comme tous les mecs, hein. C'est on arrive et puis on s'en va, quoi. Voilà, c'est ça. On passe voir, on passe jeter un coup d'œil. Ça s'en va et ça revient pas. Ça revient demain. C'est ça. Et le maximum? Oh, le maximum, je sais pas. Le truc, t'es fier. Tu dis putain, c'est waouh. Oh, j'étais bourré, je me souviens plus. Ah ouais, bon bah alors grosso modo. Non mais on est sur du 3 quarts d'heure, 1 heure. 3 quarts d'heure mais en record, voilà, c'était j'ai fait une croix dans le calendrier. C'était un, c'était un one shot. C'est ça. Il commémore, chaque année il commémore c'est ce moment. Pas c'est ça. Mais il faut savoir que bourré, normalement tu tiens plus longtemps. Normalement ouais, alors si tu t'es bourré, tu couches avec une meuf qui est pas vraiment à ton passable goût, et qu'en plus t'as des capotes Performa, là je peux dire que le mec il peut y aller. Tu peux, c'est peut-être ce qu'il fait Kingsley. Eh oui Kingsley, dis-moi. Oui. Kingsley, est-ce que c'est oui. ça que tu fais quand tu couches avec des filles? Est-ce que tu les trouves attirantes sexuellement ou pas? Enfin, physiquement plutôt. Mais bien sûr, si une fille ne m'attire pas, je ne sauterai jamais avec elle. Oui, oh bah ça dépend, parce que je te pose la question, parce que regarde, des mecs comme Tof, eux ils s'en foutent. Hein. Ah, il va dans n'importe quel sac. Ah, oui. Non, n'importe quoi il prend. Et, du moment qu'on veut bien de moi, c'est ça. Non. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait pas, enfin bon. Mickaël, laisse-moi dire une chose. Plus rien, nous deux. Laisse-moi te dire une chose, lorsqu'une fille n'est pas belle déjà, lorsqu'elle n'est pas attirante, je sauterai jamais avec elle, tu comprends? Et parce que moi-même d'abord, je suis pas un mec qui est moche, tu comprends? Et c'est très beau. Non mais donc, c'est relatif la beauté, une fille belle pour toi, elle n'est pas forcément pour moi ou pour Mickaël ou partout. Non, voilà. Non mais écoute, Mickaël, moi... Oui, crie pas, je suis là, Kingsley. Calme-toi, roule. Moi, Kingsley, si je sors avec une fille... Obligatoirement, lorsque tu la verras, tu trouveras que c'était une belle fille. Donc, oui, je veux bien te croire, Kingsley. Mais dis-moi. Lorsque tu sors avec une fille, c'est parce qu'elle est belle. Moi, jamais y arriver, Kingsley. Kingsley, oui. Tu sais Kingsley, moi quand je suis bourré, toutes les filles je les trouve belles. Hein. Oui. Non, t'es pas moi, écoute, d'abord à la base je bois pas. À la base je bois pas de l'alcool. Ouais. Mon alcool c'est du Fanta et du Coca. Bah c'est très bien Kingsley. Mais dis donc juste un truc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi avec le problème d'endurance? Parce que tu dis ouais voilà moi je suis trop long, enfin je tiens trop longtemps et du coup les filles se barrent. Je cherche une solution pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas trop durer sur une femme en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Branle-toi avant de rentrer. Tu sais que c'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions. Autant m'a posé 15 fois déjà, voire plus. Je suis trop rapide, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là et pour tenir plus longtemps? Mais jamais quelqu'un m'a appelé pour me dire je suis trop long, aidez-moi à aller plus vite. Mais écoute, d'ailleurs Durex devrait faire des trucs comme ça, c'est genre minima. Les Durex minima, t'as les Performa et t'aurais les minima. Avec un truc chauffant dedans, tu sais, comme ça tu vas plus vite. C'est ça, il y a un truc qui te masse la bite en même temps, tu vois, comme ça tu pourras voir. Eh, c'est une idée ça, Durex, si vous m'écoutez, allez-y, hein. Ça peut être pas mal. Appelez-nous, on a des idées pour vous. Bah oui, bon, les filles, appelez-nous si vous avez peut-être un conseil à filer à Kingsley. Bon, c'est pas à moi. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va se faire dans quelques minutes. Eh bien, ce magnifique jeu qu'est le match d'impro. Oui. Avec un du lourd en match d'impro. Hein, bien je vais sûr, voir, ça va être magnifique. Magnifique. Et puis on va également s'écouter, je l'avais promis, le son de Rival. Black Pearl sur Fun Radio. Et eh ben on va même se le mettre maintenant. Tiens Victor, tu peux l'envoyer maintenant. Victor qui pousse les boutons donc à Paris. Allez, c'est parti. Le son au cœur d'une heure sans pub. Le cœur d'une heure sans pub, le son de Black Pearl. C'est Rebel maintenant sur Fun Radio. Si vous écoutez Fun pour la première fois, vous êtes les bienvenus. On est en direct de Charleroi et on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Moi, un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël est à Charleroi, en direct de la friterie Alba. Fun Radio. Eh oui, on est en direct sur Fun Radio. Allez. Avec le match d'impro qui va arriver dans quelques minutes. Et puis il y a un message également que j'ai vu sur le Twitter de l'émission. Quelqu'un qui, il y a Florian du 89 qui dit c'est les gros mythos, 3 ou 4 heures. Bah oui, c'est évidemment, vrai. C'est du mytho c'est là. Trop. Mais oui, et alors bonne nouvelle, ça y est, je viens d'uploader à l'instant les photos du dos de Toff après que Steph ait vengé toutes les filles hein, c'est violent. Toutes ces filles qui se sont foutues qui se sont fait comment on appelle ça bafouer. Oui, Toff les a bafouées exactement. Insulté. Donc allez voir. Je garantis la photo 100% naturelle. Il n'y a pas de Photoshop. Il n'y a pas d'exagération. Il n'y a rien de rien. 100% naturel. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Vous allez voir Stéphanie d'ailleurs. Vous allez voir ses ongles et vous allez voir le résultat après qu'elle ait caressé Toff. On peut le dire. Hein. Hein, Toff, elle l'a caressé. Ouais. Voilà, Toff a été caressé. Toff a été bien traité. Toff a été. Toff a bandé. Il a bandé. Probablement. Et d'ailleurs, il est parti se masturber afin de décharger toute cette énergie qui le contient. Attends, il est où, Toff? Le cochon. Il est là, le cochon, là. Il est derrière toi. Ah, il est derrière. Ah, il est en train de faire atterrir un avion, là, parce qu'il fait des signes comme si... Je m'attendais à ce truc chiant. Oh, quelle horreur. Oh là là. Faites attention à vos portefeuilles. Joyeux Vous m'auriez dit, j'aurais mis la musique. Oh merci, c'est gentil. Heureusement qu'on n'est pas dans un restaurant chinois, parce que j'aurais eu la version de l'anniversaire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça aurait été beau. Alors qu'est-ce que j'aurais droit à quoi? Une mitraillette et une bougie dessus ou... Je m'attends au pire, ça arrive derrière moi, donc j'ose pas m'en retourner pour le coup là. Mais bon, on va voir. Bon, on est toujours en direct de Charleroi. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est parce qu'on travaille avec un clampin, donc. Oh là, Mickaël Guignol. Si, tu parles de qui? De toi? Fais attention au gâteau, tu vas le faire béton. Mais oui, là, la place là. Qu'on laisse la place pour mon gâteau. Attention, ça crame là. Attention, là. Oh, ça crame. Oh, ça crame. Bon, attention. Ah oui, oh là, c'est. Oh, c'est magnifique. Quel... Oh, il vient. Oh là là là là là là. D'où vient-il? C'est Patrick Dio. Attends, on t'entend mal. Je brûle. Donc c'est Patrick Dio qui s'occupait du gâteau. Oh, c'est gentil. Déjà voilà. Qu'il nous reçoit et en plus il s'occupe du gâteau. Voilà. Merci beaucoup pour le. On va faire la petite. Eh, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Vous avez vu, on va pouvoir partager le gâteau là maintenant. Il y a champagne pour tout le monde. Oh, champagne pour tout le monde et tout. On s'est mis bien là. C'est bien parce que Fonf du matin, lui, il a vu choisi le bonjour lui pour arriver. Hein. Champagne et tout là, il s'est mis pas mal. Bon, on va mettre les photos aussi du gâteau. Mais je vous promets que j'ai un petit verre aussi moi. J'ai droit à tout, attends, on va reprendre le micro là, tu disais. Voilà, et donc avec Polo, on t'a fait un petit cadeau, on s'est saigné. Ah ouais, mais on s'est saigné. Mais c'est un beau cadeau. Et l'emballage, on l'a choisi exprès pour toi. Et c'est pas un paquet de gâteaux comme tu m'as offert à mon anniversaire. Attends, je te fais des dinosaures. Ah bah ouais, mais mec, ça n'a pas de prix, monsieur. Ah bah oui, ça c'est sûr, ouais. Ça n'a pas de prix, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends. Tu vas adorer. Ah putain, j'ai peur. Là, quand je vois le truc, je crois que j'ai offert. Adoré. Non, mais je crois que j'ai offert le même à quelqu'un que j'aimais pas. Non, parce qu'on l'a acheté avec Polo, on s'est saigné pour le. Ah ouais? Non, j'ai peur. Ah, vous êtes foutu de ma gueule, un mug avec la Tour Eiffel. Bravo! Oh là là! Il faut lire le truc derrière. Tu vas pouvoir boire ton café tranquille là-dedans. Rendez-vous à Paris. Derrière quoi? Derrière le mug? Ah, voilà, c'est tout. Non, rendez-vous à Paris. Ah, rendez-vous à Paris? Bah oui, bah merci. Bah putain, merci beaucoup. Hein. De rien, ah, bah plaisir. Super, voilà le cadeau. Et on s'est saigné avec Polo. Ah ouais, ça vous a coûté quoi? 4 euros? Mais non! Attends, si tu savais ce que ça a coûté cette affaire. Fortune. Combien? Je suis sûr que vous avez. C'est au moins 150 euros. Made in China, ça aurait pu être Made in France quand même. Ça n'empêche pas que ça coûte. Oui, bah ça coûte. On l'a acheté à Charleroi, donc on pouvait pas non plus. Putain. Oh là là là là là là, c'est bien Charleroi des mugs Bienvenue à Paris. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on l'a acheté, ça nous a fait rire. Ah ouais. Bon bah merci pour le cadeau les mecs, hein, vraiment. Ah, rien. Et donc ça voilà. C'est. Ah bah je ne sais que dire, je suis ému. Bah, on espère bien, on espère je bien. Je suis totalement ému là, je sais bien. Vraiment pas quoi dire. Merci beaucoup. Hein, c'est. Bah, de rien. Non vraiment c'est trop aimable. C'était, ça a été notre, notre bénédiction. Sandro a participé ou pas? Non. Non, non. Elle a pas participé. Sandro, t'aurais pu participer quand même. Mais hein. J'étais pas au courant. Ah, t'étais pas au courant. Bah oui, d'accord, ok. Mais très t'inquiète bien. Pas, on te dira combien ça a coûté. Ouais, ouais. Ah ouais. Elle pourra participer comme ça, c'est très bien. Bon, Sandro qui est resté donc à la radio, si vous voulez passer l'antenne, ben n'hésitez pas à l'appeler. Hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous n'hésitez pas. Oui, qu'est-ce qui se passe? On a encore un petit cadeau pour toi. Non, si. De qui? De. De ça, c'est de la friterie Alba. C'est la friterie Alba, c'est Patrizio qui te l'a. Non, Patrizio, c'est bon. Oh, là, pour, pour que tu puisses te boire. Bah voilà, là d'accord. Pour que tu puisses te boire dans ton mug. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. C'est une espèce de. Bah, c'est un Morito. C'est un cubi, 2 litres. C'est un cubi de Morito. Un cubi de Morito. Là, je dis ok, là. Eh ben, vive la friterie Alba. Voilà. Ah ouais. Voilà, on applaudit la friterie Alba. Voilà. Bon. Je vais le déposer là et ne rêvez pas, je ne l'ouvrirai pas ici, hein, sinon je vais me faire niquer. Donc ah oui, au sens figuré, bien sûr. Bien sûr, au sens figuré, évidemment. Bon, ben merci beaucoup. Bon, restez bien là puisqu'on va faire le jeu dans quelques minutes. Hein, loupez pas. Et puis alors, on va partager le gâteau. Ouais, bah Seb, il s'est déjà mis devant le gâteau. Hein, l'auditeur de tout à l'heure qui a joué là, il s'est déjà mis. Oh, là là. Mais par contre, toi, tu as le droit que si tu donnes à Aude avec la bouche. Ouais. C'était le jeu de tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai mis la photo de ton magnifique dos. Ah oui, bah après j'ai mal. Après que Steph t'ait caressé. Ah. Oui, ah c'est pour ça que ma mère m'envoie des messages pour me demander qu'est-ce que t'as fait. Et ben il y a enfin eu la vengeance de toutes ces filles que tu as maltraitées pendant toutes ces années. C'est fait, allez voir facebook.com/mikaelofficiel. N'hésitez pas, la photo est sur le site. Vous pouvez donc aussi d'ailleurs si vous le souhaitez la voir sur le Twitter et j'essaierai de vous la mettre sur Instagram tout à l'heure pendant l'émission. Bon, on va se faire ce match d'impro là dans quelques minutes hein. On va s'écouter aussi le son de Shakira, je l'ai... avec Darl la la la. Ce sera le son de Fun Radio qui arrive tout à l'heure. Et puis un de mes sons préférés également là, celui qui fait Tracy's. DJ Cassidy. Voilà, Calling on Earth, c'est ce qui arrivera tout à l'heure sur Fun Radio. Donc restez bien à l'écoute de Fun Radio. Et puis on va également terminer maintenant avec Kingsley. Un mal si je n'ai pas de solution à ton problème. Kingsley, qui avait son problème d'endurance et d'érection, il tenait beaucoup trop longtemps. Kingsley ? Oui, Mickaël. Bon, beaucoup d'auditeurs ne te croient pas, Kingsley. Et beaucoup d'animateurs aussi, mais enfin c'est un détail. Tu dis quoi ? Je dis beaucoup d'auditeurs ne te croient pas sur la longueur, Kingsley. Ils ne me croient pas. Non, ils te croient pas, Kingsley. Ils pensent que tu mitonnes. Des filles ou des mecs. Des filles et des mecs, les deux, Kingsley. Mais profite-en parce que... Oui, bah je me doutais bien que t'allais dire de venir essayer. Ouais. Profite d'être un marathonien du sexe dans quelques années, non, ça sera plus... Ah oui, ça va redescendre, ah ça ouais, c'est clair. Beaucoup. Dis à cette fille-là de venir essayer pour voir si je suis dur ou pas. Là, oui, Kingsley, parce que tu imagines, toi tu imagines sincèrement que là, en disant à la radio, eh ben que les filles viennent essayer pour voir si je suis dur ou pas, il y a des filles qui vont appeler pour dire, oui, moi j'aimerais bien essayer. Il n'y a pas de problème, mais c'est clair. Oui. Bon, je vais quand même lancer le message, sait-on jamais. Vous êtes une fille, vous avez envie d'essayer, les sur Paris 01 voilà. 42 48 5000, appelez-nous, voilà. Bon, Kingsley, le message est passé. Merci, au revoir. Salut Kingsley, à bientôt, ciao à toi. Et puis il y a Bérangère avec nous également maintenant, de basse Normandie, Bérangère. Qu'est-ce qu'il y a enfin, ça a été trop long? Bah oui, depuis tout à l'heure, depuis 20h, je suis à temps. Bah oui, mais bon, écoute, tu veux attendre encore un petit peu, Bérangère? Encore? Bah oui. Je sais pas, je te demande. Non. Ah bon. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Bérangère? Ah oui, mais enfin bon, il y a du monde, Bérangère là, et il y a la file, hein. C'est comme ça, si tu veux. Bon, Bérangère. Alors, 29 ans, toi, qu'est-ce qui t'amène? En fait, j'ai un petit souci. Je sais pas ce que je suis avec mon mec, mais il veut que ami. Mais tu il veut que ami, donc t'es pas ton mec. Alors attends, il veut que ami, mais on a des rapports sexuels. Oui, c'est un fuck friend. Mais j'en sais rien du tout, moi je sais. Bah oui, bah, c'est-à-dire que fuck friend, c'est des amis qui couchent ensemble. Donc c'est ça, vous êtes amis, vous couchez ensemble. Bah je sais pas, je connais rien moi. Oui, mais je t'explique justement, c'est des amis qui couchent ensemble, c'est ce qu'on appelle des fuck friends. Et donc sauf que toi tu couches avec lui, mais t'aimerais bien que ce soit ton vrai mec. Ouais, exactement. D'accord, et tu lui as dit? Bah il veut que ami, donc j'en ai parlé. Bah oui, mais ce serait peut-être bien de lui expliquer peut-être, Bérangère. Il a vu ma famille, donc voilà. Il a vu ta famille et ah oui. Et alors bah le problème qu'il y a mon fils il a plus de père donc voilà. Oui, mais je vois pas le rapport, Bérangère, tu mélanges tout là, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu dis oui mon fils il a eu la varicelle, je vois pas le rapport avec fait que t'as envie de coucher avec un mec. Voilà, il a mangé du gâteau. T'as envie de sortir avec un mec qui pour l'instant te prend qu'en fuck friend, c'est ça, Bérangère? Bah on s'en rencontrait, ouais. Ça fait un mois que je suis avec. Et bah attends, peut-être que ça va évoluer en amour. Oui, voilà. Mais... peut-être que là aujourd'hui il a envie de toi que pour des plans cul, et puis ça va peut-être évoluer ou pas, on sait pas en même temps. Hein. Mais dis-lui au moins, tu lui as dit. Ouais, j'en ai parlé, moi. Et il a dit qu'il voulait rester ami. Oui. Bah, peut-être qu'il a une autre meuf actuellement, non? Je sais pas. Ah oui, c'est peut-être bien de, s'en, de se renseigner, Bérangère. Hein. Oui, je pense. Ah oui, ce serait pas mal, Bérangère. Tu le revois quand la prochaine fois, là? Bah, je le vois demain, il vient à l'hôpital demain. Bon, bah c'est parfait. Bah, demain, t'as qu'à discuter un petit peu avec lui, comme ça, au moins, tu prendras les renseignements, tu verras un petit peu comment ça se passe et s'il a l'air d'être intéressé ou pas. Oui, il m'intéresse, et il m'a dit on s'entend bien, mais... Oui, mais voilà, mais c'est le début en même temps, ça fait un mois que vous êtes ensemble seulement, là. Du calme, oui. Bérangère, tout roule. D'ailleurs, appelez-nous si vous avez déjà eu, si vous avez peut-être des conseils à filer à Bérangère. Est-ce que vous aussi, peut-être vous avez déjà eu des fuck friends avec qui vous aviez peut-être envie que qu'il se passe un truc en plus, éventuellement, là. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0. Pendant que toi, fais le service, hein, donc il est là, il s'est mis bien, pépère. Il distribue les petites coupettes de champagne à tout le tranquille. Monde. Attends, on t'entend mal, c'est ma faute. On m'avait dit que Polo faisait le service, mais bon. Bah oui, mais tu bon, fais là, tellement mieux. Mais toi. c'est ça. T'es là et puis. T'es puis magnifique. On sent que t'as envie et puis c'est ça qui est cool, quoi. Bah voilà, c'est ça. N'hésitez pas à lui donner un pourboire, hein, 30 centimes, 20 centimes. Complètement. Il y a la bouteille du 19 qui dit l'histoire des 3 heures est impossible, même dans les pornos, c'est du mytho. Des scènes c'est faites en 6 ou 7 prises, bande de mythos. Il y a Sabrina qui dit aussi merci pour ta franchise, Mickaël. Enfin quelqu'un de réaliste. Oui, quand je disais que ça m'était déjà arrivé de tenir quelques secondes, bah oui, mais je pense que c'est arrivé à tout le monde de tenir quelques secondes. Ça dépend de la situation, ça dépend de plein de trucs. Il y a quoi aussi, Abdou qui dit est-ce que on peut dire que le public est chaud comme une baraque à frites? Je sais pas, vous êtes chaud comme une baraque à frites ou pas là? Ouais. Alors qu'il est 23h20, je pense qu'on peut le dire effectivement. Et Lydie aussi, bonsoir tout le monde, en retard, je te l'accorde. Un petit coup de pelle, mort de rire, repas de famille pour Pâques, j'ai quand même écouté dans la voiture au retour. Bah c'est très bien, mais tu mérites quand même un petit coup de pelle. Bah oui, c'est le minimum syndical. Et puis tout à l'heure, c'est Ness qui disait aussi mémorable le canular de la bombe. Bah évidemment qu'il est mémorable. Et on en fera des nouveaux d'ailleurs. Hein. Dès demain, on sera de retour en direct à partir de 20h sur Fun Radio pendant les congés. On est là, 20h minuit, toute la semaine prochaine. On aura Mehdi aussi dans un instant. Salut Mehdi de Montpellier. Enfin, re-salut plutôt. Ça va bien ? Ça va. Bon. Alors, Mehdi, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi ? Moi, c'est un peu en rapport à la prostitution. D'accord. Donc, en fait, voilà, moi, j'y vais assez régulièrement et j'ai fait une mauvaise rencontre là-bas. T'as fait une mauvaise rencontre ? Oh merde ! T'as rencontré non, qui ? Pas une mauvaise rencontre. J'ai rencontré quelqu'un que j'aurais pas dû rencontrer là-bas. Ton père ? Ben, en fait, lui, il m'a pas vu, quoi. Ah, c'est ton père ! Moi, je dis ton père. Ah, t'as vu ton père dans un bar à pute ? Oh, merde ! Oh, putain, la violence. Et alors, donc, il t'a pas vu, mais toi, ça t'a choqué ? Ben, ouais, du coup, je sais pas trop comment faire. Il t'a dit, ouais, rentre pas trop tard, parce que demain, t'as l'école. Non, mais Mehdi, ça se trouve, il était là pour le boulot. Ouais. Ah, non mais il accompagnait peut-être un client pour boire un verre. C'était le dernier bar qui restait ouvert. Il a été là comme ça sans savoir. Du matin, je sais pas qui peut rencontrer. Bah tu sais pas, un Américain qui était venu, décalage horaire, il arrivait pas à dormir, non. Il a été boire un verre. Non, c'est pas possible ça. Mon père il fait le marché. Bah voilà, bah, justement, il a vendu des légumes. Voilà, des carottes, des légumes, de la papaye. Non, je pense pas, je pense plutôt qu'elle est venue passer la même soirée que moi. Merde. Ouais, mais déjà, qu'est-ce que tu fais dans un bar à pute, Mehdi ? Parce que c'est bien beau d'aller parler de papa, là, mais qu'est-ce que tu faisais là, toi ? Parce que moi, j'ai pas le temps de chercher des sex friends, en fait. Oh là là là là là là là là là. Bon, Mehdi, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes. On aura Aurélien aussi qui voulait réagir à Barangère, qu'on va récupérer dans quelques instants. T'es déjà là, Aurélien, de Sedan, dans les Ardennes ? Ouais, salut, Mickaël, je suis là. Ça va bien ? Ça va nickel, toi ? Bon, très bien. Tu voulais réagir à Bérangère, toi, au niveau des fuck friends ? Ouais, c'est ça. Très bien. Bah, bouge pas de là, Aurélien. On va faire ça juste après le son de Shakira, d'accord ? Ou t'as envie ça d'écouter autre chose, là ? T'as envie d'écouter quoi, là, Aurélien, là ? Bad, David Guetta. Bad avec David Guetta. Eh ben, très bien. Eh bien, on va bien foutre la merde avec Victor qui pousse les boutons. Écoutons maintenant David Guetta et Bad. Oh là là, quel talent ! Bravo. Qu'est-ce qu'il est talentueux, Victor, quand même, hein ? Ouais. Pas il mal. Il est moche, mais il est talentueux. Il mérite une augmentation. Ouais. Mickaël, ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, no limit. en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit. Exactement, en direct toujours de la friterie Alba à Charleroi. Oui. Il est 23h25 et on est là jusqu'à minuit. D'ailleurs toute la semaine on sera aussi le 20h minuit. Donc si vous voulez participer à l'émission, eh ben vous pouvez déjà d'ores et déjà appeler Sandro hein, si vous voulez parler demain éventuellement avec nous là 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Avant de faire le match d'impro avec Aude qui est de retour du coup hein, toujours là Aude en pleine forme. Attends, t'entends mal. Vas-y, vas-y. Bien sûr. Très bien, bien sûr. Parfait. Aude qui est là et qui va affronter Agostino. Agostino. Agostino. Alors ça, Aude, attention au gâteau, tu vas le tuer. Oui. Pardon. Mais pas tes coudes dans le ouais. gâteau. Ouais, poussons un peu. Voilà. On veut manger, parce que, on a faim. Parce que nous, on a, on a les crocs là. Encore plus loin. Va on a les crocs, voilà. Donc, on va se faire. On va se faire dans quelques instants un match d'impro. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer le thème maintenant, ainsi que la règle du jeu, comme ça au moins pour ceux qui viennent de débarquer, vous connaîtrez un petit peu le concept qu'on fait tous les dimanches soirs aux alentours de 23h30 à peu près. Et puis pendant que ça, je vous laisse une ou deux minutes de réflexion, pendant ce temps-là je reprendrai Bérangère et Aurélien. Le principe donc, nous sommes dans une... Oh putain, bah merci au bout là. Bon, dans une friterie, putain, il n'y a qu'un seul qui suit là. Bon, donc nous sommes dans une friterie, et dans une friterie on fait des... Voilà, voilà, c'est bien, c'est pas mal. Comme quoi tout arrive. Bon, le principe est simple. Toujours dans le match d'impro, il y a un petit thème là, bon, la friterie. Évidemment, donc on va imaginer que vous êtes un. Vous pouvez jouer le rôle que vous voulez, hein. Vous vous arrangez entre vous, client, je veux pas savoir. Vendeuse, serveuse. Client, voilà, c'est ça, vendeur, serveuse, deux clients, deux vendeurs. Réparateur. Le réparateur de de l'huile qui marche plus, enfin de la friteuse là. L'huile est en panne. Je vais réparer l'huile. Voilà, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, je veux pas le savoir. Le réparateur de n'importe quoi, le client, bref, comme vous voulez. Donc, petit match d'impro, au début vous faites connaissance et après faut que ça baise. Faut que ça, alors il faut que ça défouraille, voilà. Faut que ça donc soit. Donc on imagine. En vrai, hein, tu dois pas la baiser sur la table. Non, non, pas en vrai, hein, pas en vrai, pas en vrai. Mais fais attention au gâteau. Enfin, pas en vrai. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, non, il y a le mec pas... qui parle là. Ouais, bah, c'est ce que je dis. Vous faites comme vous voulez. Et donc la finalité doit effectivement être un film porno dans une friterie. Ça va, vous allez voilà. pouvoir jouer. Donc ouais. réfléchissez, je vous laisse, vous avez l'occasion de discuter même ensemble si vous voulez éventuellement. Les auditeurs derrière leur radio vont pouvoir voter donc soit pour Aude, soit pour Agostino. Il va falloir envoyer donc Agostino ou Aude au 64900 par SMS ou non, d'abord Mickaël et puis le prénom au 64900 ou au 6322 depuis la Belgique ou alors sur le Twitter de l'émission ou sur le Facebook, tapez Mickaël officiel. En attendant, retour avec Bérangère, retour ouais. avec Aurélien, ouais. vous êtes là tous ouais. les deux. Très bien. Ils sont en train de discuter en attendant là Aude et Agostino, ça va être bon à mon avis. Les double A. Bon alors Aurélien qui nous appelle de Sedan donc. Attends. T'es là, très bien. Et donc toi t'avais un conseil à donner à Bérangère. Bérangère qui nous disait qu'elle avait un mec, sauf que bah il couche avec elle uniquement. Enfin ils veulent être amis quoi. Donc c'est des sex friends ou des fuck friends. Et donc toi tu voulais ouais. dire quoi Aurélien par rapport à ça? Bah qu'elle lâche l'affaire tout de suite. Lâche l'affaire, pourquoi? Tu crois qu'il n'y a aucune chance qu'ils puissent devenir un vrai couple? Bah après, je sais pas, faut que je demande à Bérangère si le mec il donne ouais. des nouvelles ou pas. Bah il donne des nouvelles à peu près tous les combien de temps? Est-ce que c'est toi qui es derrière lui? Est-ce que c'est lui qui te donne des nouvelles volontairement? Comment ça marche? Alors moi je te explique un truc, on se voit tous les jours. D'accord. Ah. Ça fait un mois qu'on se voit tous les jours. D'accord, ok. Tous les soirs, après mon boulot, voilà. Et je vais chez lui tous les jours, donc il me ramène après. Et bon bah du coup il me dit on reste amis. Mais il veut juste amis, mais en socialité, en fait à l'amour quoi. Et, oui donc c'est un fuck friend, c'est ce que je dis depuis le début Bérangère. Hein. Depuis ouais, le début donc il veut juste uniquement coucher avec toi. Bah, oui, en fait mais... t'es un peu tombé sur un tof quoi. Mais au début, je pensais que c'était un plan cul, mais en fait, c'est pas un plan cul, quoi. Ouais, t'es tombé amoureux. Ouais, t'es tombé amoureux, sauf que lui, visiblement, ne l'est pas, ou en tout cas, il ne le montre pas. Donc, résultat, ça te met dans la merde, parce que toi, t'aimerais bien plus, et lui, visiblement, parce qu'il avait mon fils, et puis moi, mon fils est perturbé. Donc, lui, il a jamais vu un mec dans ma vie, quoi. Ça fait depuis... Ah, d'accord. Depuis 2013 que j'ai pas le mec. Donc, ouais, ben, je comprends. Maintenant, après, t'es pas obligé de lui présenter ton fils directement. Tu peux d'abord avoir une relation à peu près sérieuse et puis après, tu vois. Ouais, mais c'est l'hôpital, donc il m'a mis à l'hôpital. Ouais, je sais. Ouais, non, mais évidemment, c'est pas facile, c'est clair. Bah écoute, moi, ce que je te conseille, Béranger, de toute façon, c'est discuter avec lui. Et puis, si lui ne veut pas, ben voilà, libre à toi après de soit continuer, soit lui dire, écoute, moi, ça m'intéresse pas des fuck friends, et puis après, tu le vires s'il veut pas, tu vois, il faut respecter ça. Pareil dans l'autre sens. Essaye de faire ça, Béranger, et puis tiens-nous au courant, hein. Bah, j'ai essayé, mais c'est pas... Mais c'est pas quoi? Ouais, faut que je laisse la faire, en fait. Ça, tu me dis. Parce que là, je sais. Sérieusement, pour un pigeon, quoi, c'est un truc de fou. Ouais, je pense. Ouais. Mais pas forcément. Non, parce qu'elle a essayé, mais lui, il veut pas. Donc écoute, Bérangère, t'as qu'à lui dire. Moi, je veux pas d'une relation comme elle l'est actuellement. Soit, effectivement, le couple évolue et puis on se met ensemble, etc. et on construit un truc. Soit, ça t'intéresse pas et bah tant pis, à ce moment-là, bah tu trouveras une autre copine, quoi, tout simplement. Il y a personne à ma vie après. Bah écoute, ouais, mais bon, attends, si tu pars comme ça, tu vas pas te taper le premier connard venu juste parce que t'es persuadé qu'il y aura personne d'autre derrière. Hein. Ah, mais si tu pars négatif, Bérangère, t'y arriveras pas. Hein. Et puis comme le dit ce bon vieux dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Voilà, tout à fait. Ah ouais, bon, Bérangère, tiens-nous au courant, en tout cas, tiens-nous au courant, on te rappellera, tu nous rappelles dès que tu l'as vu, comme d'habitude, je vais te repasser Sandro pour qu'on prenne des nouvelles. Et Aurélien, merci d'avoir appelé en tout cas. Je peux passer une dédie, les gars. Bien sûr. Vas-y, il y a une seule personne et choisis la bonne, surtout. Hein, choisis la bonne, vas-y. Bah déjà, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous passez sur la radio, c'est excellent. Oh, c'est gentil, Aurélien, merci beaucoup. Votre gentillesse, votre sympathie, tout ce que vous voulez. Oh, merci Aurélien. Est-ce que t'as vu la photo de Toff qui se fait caresser par Steph ici? Non, là je suis couché. Ah dommage, tu iras la voir demain matin. Elle est magnifique. J'ai mal, je souffre. Mais non, elle t'a caressé, arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Bah merci beaucoup en tout cas Aurélien, c'est gentil. Ah bah non rien les gars. Et tu reviens quand tu veux Aurélien, d'accord? Ah bah ça va. Okay. Salut, à bientôt Aurélien, ciao à toi. Allez, à bientôt, bye. Retour avec Mehdi aussi dans quelques minutes. Et sa maison close, il a vu son père dans un bar à pute. Forcément, lui était aussi, hein. On va faire les appels de Toff dans quelques minutes. Et nous allons faire le... jeu de l'impro. Exactement, le match de l'impro pour être précis. Avec Aude et Agostino qui sont là. On va faire ça, vous voulez le faire maintenant ou vous préférez encore mettre une musique pour... Non, on va se mettre un son. Il faut chauffer. On va se mettre un son, pas de problème. On va se mettre maintenant le son de... Bah du coup, on va se mettre Shakira maintenant. Du coup, avec Dar, là. C'est maintenant sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio. En direct jusqu'à minuit, en direct de Charleroi. Ce soir, toute l'équipe de Mickaël No Limit sont en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Lego. Mickaël. Ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, no limit. En direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Toujours en direct de la friterie Alba à Charleroi. Toujours au taquet bien évidemment. Et Polo qui fait toujours chauffeur de salle. J'adore. Voilà, il adore, il est là. Il est avec son public et tout, ça va être magnifique. C'est le public. Ouais. Et je ferai chauffeur de salle tout à l'heure pendant Polo contre le reste du monde. Ça va être bon, ça va être bon. On va faire un petit essai. Polo contre le reste du monde. Ouais. Merde. Oh, parfait. Ça marche parfait. Ah c'est vrai, c'est pratique. Hein. Ah, c'est bah, ouais, lève c'est le main, beau. Tu lèves, descends la main. Oh, tout tu descends. Bon, avant de faire les appels de Toff comme on le fait tous les soirs entre 23h et 2h du mat. D'ailleurs, le dernier risque, si mes souvenirs sont bons, d'être assez lourd. Oui, oui, oui. Ah oui, assez lourd dans le sens où c'est en gros, c'est est-ce que votre mari a déjà simulé. Voilà. Voilà. Oh, t'as déjà simulé ou pas toi avec monsieur Tu peux dire oui, y a pas de problème. Attends, on t'entend mal. Parle dans le micro. Oui. Voilà, t'as déjà simulé. Oh, c'est bon ça. Ouais. Oh, il est vénère l'autre. Allez, tu me demandes, avant, faut qu'elle lui fasse plaisir, hein. Oh, c'est bon ça. On t'a ruiné ton couple, toi, en une soirée. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est oh, pour, c'est bon ça. T'as déjà simulé. Et tu le dis ouvertement. D'ailleurs, tu vas le montrer certainement avec brio quand on va faire le match d'impro dans quelques instants. Ça va lui rappeler des souvenirs. Ah bah, ça va lui rappeler de putain de souvenirs, je pense. Y a Agostino qui joue aussi. T'as déjà fait ou pas? Simulé. Dans le micro. Non. Jamais simulé. Non. Non. D'accord, ok, très bien. Non, mais lui, il a pas besoin. Oui, voilà. Oui, bien sûr, il a pas besoin. Attends, c'est quoi ton parfum? Le One Minion. One million. Ouais. Ok. Yeah, ils sont bons, Agostino. Ouais. Ah, c'est un bon gosse. Hein. On va donc faire ça maintenant. C'est parti. Vous avez 2-3 minutes à peu près. On va s'insérer dans la conversation. Dans la conversation. Au sens figuré. Hein. Non. Dans la conversation. Ah oui, c'est vrai. On va pas s'insérer. Et si ça n'est pas bon, notre directeur Polo. Hein, je peux intervenir à tout moment. À tout moment, peut arrêter la scène. Voilà. Exactement. Donc, alors attention. Et autre qui dit qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce que je suis? Où est-ce qu'on est? Je comprends pas. Qui êtes-vous? On n'était pas dans un restaurant italien? Hein? On n'était pas dans une pizzeria? Où est-ce que je suis? Parce que je me prends un kiff avec la femme de mon meilleur ami. C'est ouais, ça qui est bon. Mais c'est ça qui est bon. T'en as rêvé. Les gars, attends, c'est un jeu. Calmez-vous. Ils vont du calme. Je vais être obligé d'intervenir. Non. C'est non, ça. Mais donc ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vivre au grand jour votre passion et ça voilà, c'est beau. Et ça c'est beau. Et le film pornographique, c'est parfait. Bon, alors attention, je rappelle la règle, le match d'impro c'est tous les dimanches soirs vers 11h30. On est en plein dedans, on est dans une friterie, on est en direct de Charleroi donc en Belgique. Et bah il y a Aude, une auditrice qui va donc jouer. Alors vous avez défini vos rôles, tu vas jouer quel rôle Aude, tu sais ou pas? Tu dois pas enlever le casque, on part ensemble, on est la cool. Oui, je suis la femme, ouais, je suis la cliente. T'es la cliente et Agostino? Le serveur, d'accord, bien okay, fort, très bien. Bien fort. Voilà, c'est parfait. On y va donc, et ben on est dans la fratrie. Par contre, est-ce que cet enfant peut sortir quelques instants? Oui, est-ce que oui, le papa oui, parce ou que... la maman peut s'occuper de l'enfant et le sortir de là? Il va se passer des trucs. Si on récupère l'enfant. Il va se passer des trucs qui seront peut-être pas forcément catholiques. Donc émission interdite au moins de 18 ans, donc faites attention. Ni bouddhiste. Est-ce que quelqu'un peut sortir voilà, l'enfant quelques ça. Instants, oui. S'il vous plaît. Parce que ça, l'emmener faire un tour. Elle risque d'être un petit peu perturbée, la pauvre. Oui, il vaut mieux faire un tour. S'il te plaît. Ouais, il vaut mieux. Va jouer là. Allez, petit enfant. Match d'impro, on y va voilà. Avec la cliente, attendez, avec le vendeur. C'est ça la petite. C'est bon, voilà. Allez, 3, il y a une chasse aux odeurs. Et que ça baise. C'est parti. Je vous laisse l'antenne de Fun Radio. Ok. Bonsoir, mademoiselle. Je peux vous servir? J'aimerais bien. Je veux une fricandelle, moi. Une fricadelle et une boulette, s'il vous plaît. Pourquoi c'est les meufs qui passent en premier, pas là? Fricandelle, ça. Friterie de merde. Enculé, va. Et pourquoi elle prend qu'une boulette, d'abord? Ah, par contre, moi, j'en ai deux, mademoiselle. Deux boulettes. Ah, ben oui, c'est vrai. Et une fricadelle. Vous désirez la fricadelle XXL? Bien sûr. C'est toujours meilleur. Je peux vous proposer la mienne, alors? Pourquoi pas? Vous désirez une sauce avec ça? Bien sûr. Bon, il arrive le drôme là, putain, enculé, va. Sauce mayonnaise, s'il vous plaît. Oui, je vais vous faire ça tout de suite. La fait maison, pas de soucis. Eh, vous avez pas l'ail? La sauce à l'ail? C'est vrai que la mienne est meilleure. Mayonnaise? Allez, maintenant, faut que ça... Allez, on baise, maintenant. Je crois qu'elle veut que tu lui broutes les minous. Je vais vous préparer ma mayonnaise, fait maison. Ça va, pas de soucis, j'ai hâte de goûter. Pas de soucis. Hey, le pire c'est qu'elle parle comme si elle avait un scénario alors qu'en fait pas. C'est toi, on dirait un vieux doublage de film de cul. Ouais d'accord ouais. C'est vrai. Bon, allez, on continue, allez. C'est pour un jeu, c'est pas grave. Bon, ben, en tout cas, je voulais vous dire que vous êtes très charmant. Merci mademoiselle. Bon je ne sais plus. Est-ce que on ça propose vous passer derrière le comptoir et qu'on Est-ce y va ça vous non, non, on rendez-vous. Y va direct, on prend pas non, rendez-vous. Non, on prend rendez-vous. En fait, j'ai bien vu que vous voulez. N'est pas la poste. Pas plus que faire connaissance. Donc en fait, je suis quand même attirée vers vous. Donc, ah, vers fait, toi ouais. Tu es attirée vers moi. Mais en fait, ça serait pour te demander. Autant commencer tout de suite. Bon, moi, je vais aller vers les toilettes. Ouais. Vas-y, mets-la lui dans la bouche qu'on l'entende plus. Oh. Allez, Agostino, la sort ta bite, là. Non, sors ta cordelle, là. Les boulettes en main. Bon, on se donne rendez-vous aux toilettes, ça te va? Aux toilettes. Non, sur la friteuse. Sur la friteuse. Bah attention, je vais lui brûler le cul. C'est pas grave, elle a déjà au feu, elle a déjà le feu. Bon, allez, je vais quand même te déshabiller. Je t'enlève d'abord ton t-shirt. Ah oui, d'accord. Puis j'enlève le pantalon. Non, on s'en fout, là, on fait pas un striptease, là. Bon, gros but. Allez. Je vais te prendre sur la friteuse. Au taquet. Je vais t'exploser la nouvelle. Allez, on va. Vas-y. Je pense que c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs que l'on a eu l'occasion de faire de match d'impro. Vous avez donc maintenant l'obligation de voter. Eh oui. Évidemment. Bah oui, parce qu'en France, c'est pas obligatoire. En Belgique, oui. Oui. Il faut voter. Donc, vous avez l'obligation de voter maintenant. Alors, vous envoyez Mickaël suivi de Aude ou Agostino, fonction de pour qui vous votez. Tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour Aude parce qu'Agostino, c'est trop dur à écrire. Bah, vous mettez Ago, voilà, Ago, Agio, Agostino, Aude. Voilà, c'est ça. Vous mettez, comme ça, il n'y a pas de problème de caractère. Vous mettez ODE pour Aude et Ago, Agio. Voilà, comme hop, ça. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Vous envoyez Mickaël suivi d'un des deux prénoms. Vous envoyez ça au 64-900 ou au 30-44 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi voter sur le Facebook ou le Twitter de l'émission. Vous y allez maintenant, facebook.com/Mickaël officiel. Alors, ici dans le public, lequel des deux vous avez préféré? La fille? Ouais. Le garçon? Ouais. Oh, c'est mitigé. C'est mitigé. Bon, bah, allez-y. Toff, t'as préféré lequel, toi? Moi, je pense qu'Agostino était quand même plus dedans. D'accord. Oui, ouais. C'est le fan. Enfin, au sens figuré. J'étais bien dedans. J'avais envie de dire au propre aussi, mais c'était très sale. C'était bien d'ailleurs, Agostino, de te taper la meuf de ton meilleur pote. Ah, terrible. C'était un kiff. Hein. Ouais. C'était un kiff. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer cette petite tache dans ton pantalon? Non. Voilà. Polo, tu voudrais pour qui? Pour Aude. Moi, j'ai bien aimé les. Ah ouais. C'est vrai. Par contre, j'ai juste un truc, tu simules comme ça avec lui, ouais, parce qu'il est vraiment sympa d'y croire. Ouais, parce que si tu as rien vu, mec, c'est qu'il y a un moment. Bah oui, non mais je m'excuse, mais quand même. Bon, allez, à vous de voter, on fera les relevés dans quelques minutes. Tiens, Mehdi est avec nous là. Mehdi, tu voterais pour qui toi, dis-moi? Ah, je sais pas, je peux écouter là. Ah bah bravo, Mehdi, voyons, t'inquiète toi. Ah bah il a été pissé, c'est pas la pub, faut les pisser pendant la pub, Mehdi, pendant qu'on fait ça. Attends, c'est le meilleur moment de l'émission que t'as raté. Mais oui, t'as tout raté. C'était là, Mehdi, l'apogée là. Oh là là, je te jure. Pas grave, j'ai réécouté sur internet. Bah voilà, bah tu feras ça effectivement. Je sais pas où, mais. Bah oui. Bon, Mehdi. Bon, ouais. Avant de terminer avec les votes, on fera ça d'ici un petit quart d'heure. On fera Polo contre le reste du monde également. Ouais. Et puis il y aura une spéciale de Radio New York aussi, hein, dans un quart d'heure sur Fun Radio, un peu plus d'un quart d'heure même, avec Dario qui sera là jusqu'à 6h du mat, ça va être la folie totale. Bon, Mehdi. Alors, oui. Toi tu... Ouais, Mehdi, t'es là? Ouais, je suis là. Ah voilà. Donc toi tu nous avais dit que t'avais été dans une maison close et que t'as vu ton père. Maison close, donc ouais, ce n'est pas ça. Une maison qui est fermée, c'est une maison bar à pute. Oui, c'est voilà, l'ancien ça. Local où on fait de la radio maintenant. Pas maintenant, mais quand on est à Fun, ah, effectivement, oui. Dans les vrais studios, il fut un temps, il y a très très longtemps, c'était un parapute. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis, ça fait longtemps que je me disais bien senti. C'était un bordel. Voilà. C'est et ça. Là, je me suis dit, c'était écrit que je devais travailler là. Ouais. C'est une réincarnation. On devait venir à Fun, exactement. T'as fait des putes. Voilà, c'est ça. Une autre époque. C'est ça. C'est une belle salope. Et donc, Mehdi, ton problème, c'est que t'as vu ton père et que tu l'as pas dit, t'oses pas lui dire. C'est chaud. Ouais, ben non. Eh, moi, Mehdi, j'ai une question importante. Est-ce que la meuf était bonne avec celle qui l'a prise? Oh, il y en avait pas qu'une autour de lui, tu sais. C'est un beau gosse ton père là, il s'est mis bien. Non, on parle d'un barapute, il est juste blindé, hein. C'est tout marche à l'argent là-dedans, hein, le beau gosse. Oui, c'est vrai, mais enfin bon, il s'est quand même fait plaisir quoi. Ah oui, mais non, il pourrait être très très moche du moment qu'il paye, elles sont d'accord. Oui. Ah, oui, il est jaloux. C'est vrai. Non, oui, c'est... il est un peu jaloux parce qu'il a pas un rond lui. Bah c'est ça, c'est-à-dire que moi je peux payer l'entrée et puis je me branle. Voilà, c'est ça. Bon, Mehdi. Ouais. En même temps, il est encore marié avec ta mère ou il est avec ta mère en fait, tout simplement? Ouais, mais c'est très compliqué. Moi, ça me surprend pas trop parce que c'est un peu la guerre entre eux, donc voilà. D'accord. Ah, oui. Écoute, parce que j'allais te dire, hein, simplement, sincèrement, dans l'absolu, il fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais, c'est sûr, mais bon. Bah oui. Mais pourquoi tu vas là-dedans, Mehdi, quoi? Parce qu'il a dit qu'il a pas le temps de chercher des autres meufs. Mais il a raison. Moi, si j'avais les moyens, je ferais que ça. Hein. Parce que moi, c'est pas des meufs qui prennent la tête après. Ah, tous les jeunes de la région y vont. Putain, on a été à Montpellier, personne nous a rien dit. Ouais, c'est ça, on nous a caché des trucs. Oh, je vous jure. Ah, c'est en Espagne, d'accord. Okay. Ah putain, le mec fait Montpellier-Espagne quand même, hein. Il est en chien. Mais ça fait combien de kilomètres? C'est pas vrai, on se cotise pour l'essence et ça va vite. Oui, on se cotise, enfin, il y a quand même quoi, il y a 300 bornes quand même. Mais genre, vous y allez en groupe et tout, vous avez un car? Ah, des fois on y va à plusieurs voitures, hein. Non mais t'imagines, c'est les vrais crevards quoi, ils se cotisent pour y aller, pour avoir encore de la thune, pour pouvoir se payer. Ouais, c'est clair. Bon, attends, Mehdi, reste avec nous, on va se faire Polo contre le reste du monde dans quelques minutes, et puis bah restez là, il est 23h45, dans un instant, Dario avec Radio New York, une nuit spéciale sur Fun Radio jusqu'à 6h du mat, et puis on va revenir aussi avec le son, bah je l'ai promis depuis tout à l'heure là, c'est parti, le son de DJ Cassidy avec Calling All Hearts. Et puis les résultats également de ce match d'impro avec Aude et Agostino. On fait ça dans un instant sur Fun Radio. Et on va également tirer au sort pour savoir lequel d'entre vous va repartir avec 200 euros. Si vous voulez encore gagner, vous vous reste un quart d'heure pour venir sur le Facebook de l'émission. Tapez M-I-K-L officiel sur Facebook. À tout de suite. Toute l'équipe de Mickaël No Limit en direct de la friterie Alba à Charleroi. Vassou, ça part ou sur les frites? Sur les boulettes. Et tu mets 6-7 fricadelles aussi. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël. Ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël No Limit. En direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio. Et attention, il vous reste 10 minutes pour tenter de gagner les 200 euros. Il va exploser. Ouais, grave. Il vous reste 10 minutes pour gagner les 200 euros sur le Facebook de l'émission. Il faut simplement aller sur le Facebook donc de l'émission, taper M.I.K.L. officiel. Et là, je vous ai mis une photo avec des billets, 50 euros, 10 euros, 20 euros, etc. Faut faire un like et un partage et surtout répondez à Toff qui est en train de vous envoyer des messages maintenant pour avoir votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler en direct en direct dans l'émission et vous offrir justement ces 200 euros. Donc si vous avez envie de gagner, regardez bien dans votre boîte à messages Facebook et surtout dans autres, parce que parfois quand on n'est pas ami ou comme Toff est un peu un spammeur avec les demoiselles, parfois le message ou en tout cas ces messages arrivent dans autres. Donc vérifiez bien de manière à ne pas passer à côté des 200 euros, ce serait con. Donc voilà, que vous recevez un message de Toff qui vous demande votre numéro de téléphone, vous lui répondez et on vous appelle en direct avant minuit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc vous tapez M-I-K-L officiel sur le Facebook de l'émission. Il y a plein de messages également qui sont arrivés. Il y a Loïs qui dit j'attends tous les soirs, tous les jours le soir avec impatience pour vous écouter. Merci Loïs, je te fais des bisous. Salma aussi, joyeuse putain de Pâques à toute l'équipe. Oh ben merci beaucoup, là, il reste 8 minutes en même temps. Hein. Et Nadia qui dit il y a l'air d'avoir une super ambiance du côté de la friterie Alba grâce à Mickaël. Ouais. Bah, ils sont chauds à la fin. Bah, c'est surtout grâce aux auditeurs pour le coup. On n'a pas fait grand chose, nous. Bah, oui. Et Camille qui dit coucou tout le monde, désolé je suis en retard. Ah oui, je confirme, oui, ça c'est oui, c'est même quasiment trop tard du tout. Bah, oui. Moi je voulais te souhaiter un feliz anniversario. Merci beaucoup Camille, je te fais des gros bisous aussi. Et puis un message de Mallory qui dit pouvoir vous réécouter, c'est le kiff, toujours pas de vacances, préparation du bac. Mais là ça remonte le moral, bah, c'est le principal, continuez avec vos messages. Et puis on va également faire un tour du côté des votes pour l'instant, sachant qu'il reste encore quelques minutes. Toff, est-ce que tu as déjà une petite tendance en termes de d'Agostino ou de Aude pour rapport à ce match d'impro? Il semblerait que ce soit Aude, mais je l'avais dit, hein, c'est plus facile à écrire. C'est pas fait encore. Non, c'est pas fait, mais on donne le résultat juste après Polo contre le reste du monde. Ouais. Voilà, donc restez bien là. Juste après Polo contre le reste du monde, il y aura le résultat, à savoir si est-ce que Aude va gagner ce match d'impro ou est-ce que Agostino va gagner ce match d'impro. On a fait le match d'impro il y a quelques minutes. À vous donc de voter. Vous envoyez M-I-K-L suivi de Aude ou de Agostino. Enfin, vous mettez Ago si vous voulez. Ou au 3044 depuis la Belgique. Et vous pouvez le faire aussi sur le Twitter avec le hashtag M-I-K-L. Je compte évidemment sur vous. Polo contre le reste du monde va arriver dans quelques minutes. Et puis on va terminer maintenant avec Mehdi, toujours là dans les roues. Mehdi à Montpellier. Ouais, toujours là. Bon, très bien. Bon, alors Mehdi, écoute. Pour résumer, pour terminer le problème, donc pour rappel pour ceux qui viennent de débarquer maintenant, donc Mehdi a grillé son père dans une maison close, dans un bar à pute quoi, ouais, en gros, c'est ça. Et du coup, toi t'y étais aussi, et tu sais pas trop comment réagir. Bah ouais, c'est ça, je sais pas si je dois lui dire, si non, non. Ou alors tu sais quoi, à la limite tu lui dis écoute t'es venu comment, parce que moi je fais d'habitude je fais covoiturage, donc si on peut faire covoiturage à deux en famille. Ouais, voilà. Est-ce que je peux venir avec Watt? Non mais oui, c'est ça, hein, tu fais covoiturage, c'est plus sympa si c'est toi qui paye l'essence quoi. Voilà, en plus c'est ça, tu verrais pas te faire payer l'essence, pas un crevard quand même. Ouais, ouais, imagine, c'est chaud. Non mais j'ai un peu peur d'y retourner parce que j'ai peur de le recroiser quoi. Mais pourquoi tu changes pas? Ah, j'ai peur qu'il change aussi. Peut-être qu'il en fait plusieurs dans la soirée. Oui, arrête. C'est vrai. Il a quel âge de ton daron? Ah, il a la cinquantaine. Bah oui, il peut pas faire plusieurs boîtes, c'est pas possible. Bah pourquoi pas? Déjà, il fait une demi-minute. Je l'ai vu assez tard dans la soirée, quoi. Ah, tu crois qu'il a limé toute la nuit? Ah, je sais pas, après, j'étais pas avec lui. Ah, bah juste la famille beau gosse, hein. Et bon, ils se sont mis bien tous les deux. Bah ouais, les non, mecs, écoute, Mehdi, sincèrement, moi je pense que c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Ouais. Tu dois pas spécialement lui en parler. Le jour par contre, demande-lui s'il peut pas payer l'essence pour t'emmener, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, tu dis tiens, je dois aller en Espagne chez des potes. Ça se trouve, c'est où, c'est dans quelle ville le bar à but? À Jonquera. Ah oui, c'est la frontière. La fameuse Jonquera. Ouais, bah tu dis, voilà, tiens, je dois aller. Ouais, je dois aller voir des potes à la frontière, à la Jonquera. Et tu dis, tu peux me déposer à l'occasion. Tu sais, moi, ce que je ferais à ta place, moi, si c'était mon daron, je le ferais chanter. Je lui dirais, écoute-moi bien, espèce de petit con, tu as voulu. Écoute-moi bien, petit vieux. Et bah, tu vas me payer l'essence dorénavant. Et bah, tu vas tout payer. Voilà. Et les putes. Et les putes. Ouais, tant qu'à faire. Et ça te coûte combien, Mehdi, d'ailleurs, en fait? Bah, faut compter 70-80 euros la soirée. Il y a des gens qui sont intéressés là. Qui est intéressé? Des connaisseurs. On paye combien à Charleroi? 50 euros à Bruxelles. Oui, c'est... Ouais, dit mieux. Attends, on a quoi pour 50? On a la pipe et l'amour ou juste l'amour? La totale. Ah, c'est pas mal. 50, mais c'est solde pour l'instant. Je passe te voir après. C'est la promotion. 80 euros tout compris. Ah, c'est 80 euros tout compris, Mehdi. Bah, c'est à Bruxelles, c'est 50 euros. Ah, tout est compris. Ah bon, oui, mais voilà. T'as l'entrée du bar aussi qu'il faut payer. L'avantage à Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas de bar. Donc moi t'es tranquille. Enfin, s'il y a un bar, mais tu le vois pas longtemps, quoi. Oui, bah c'est ça, voilà. Non, écoute, Mehdi, sincèrement, chacun sa vie, fait ce qu'il veut, et puis toi tu fais ta live de ton côté. Le jour où tu vas le croiser, bah t'improviseras, et puis en attendant, bah tu fais comme si c'était rien passé, tu te sors ça de la tête. Ah bah j'espère bien, Mehdi. Surtout si jamais ça se fait quand on est encore en direct à l'antenne, surtout tu nous appelles en live, Mehdi. En direct de la Jonquera, mec. Ah oui, nous on s'en fout, y'a pas de problème. Si vous voulez, vous balancez. Ah bah oui. Ah bah voilà, y'a pas de problème. En visio, pas de problème, c'est ça, on fait un petit FaceTime et tout, pépère. Bon, ça roule, merci Mehdi en tout cas. Est-ce que je peux passer une dédicace, voilà? Eh bah vas-y, profites-en, ouais. Donc une dédicace à Biko, Théo, Big Fumé, Walid, Trey, Rudy, Anto, très bien. Et tous ceux que j'ai oubliés. Et ben voilà, t'as la chance, j'ai pas fait gaffe, hein, parce que normalement c'est limité à une, mais bon. Bon, salut Mehdi, à bientôt en tout cas, tu reviens quand tu veux sur Fun. Salut. Allez, ciao les gars. Ciao Mehdi. Ciao. On aura Polo contre le reste du monde, oui, dans quelques minutes. Effectivement, je suis là, c'est une émission d'amour, de paix, d'amour et générosité. D'amitié. Voilà, exactement. Je vous aime tous. Voilà, si vous voulez participer, ben inscrivez-vous, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Alors avant de donner les résultats, parce qu'il y a Aude, il y a Gostino, ils sont panique, savoir lequel des deux va repartir avec le cadeau, c'est une catastrophe là, c'est le stress, on sent les gouttes couler, oh là là là. Oh, elle est énervée, oh là là, t'arrives Aude. Pourquoi t'es énervé comme ça? Elle est en speed là, je sais pas, dans le micro, parce qu'on n'entend pas là. Ouais, là ça s'appelle un micro. Voilà, dans le mic. Je suis pas énervé, de toute façon ce sera soit lui ou soit moi, vu qu'on s'entend bien. Oui. Non. Ah donc quand on choisit l'un ou l'autre, c'est d'office l'un ou l'autre. Une nuit à l'hôtel pour les deux peut-être. Ah peut-être, une petite nuit à l'hôtel, c'est pas mal. Non, on va y réfléchir un peu plus longuement. Bon, avant de faire Polo contre le reste du monde et donner les résultats justement, et également donner le résultat pour le gagnant ou la gagnante des 200 euros, je vous l'avais promis, on s'écoute maintenant le son de DJ Cassidy, c'est Calling on Earth sur Fun Radio. Dernière ligne droite de Mickaël No Limit en direct de Charleroi. Mickaël, ce soir, Toff fait la cuisine. Mickaël est à la caisse et Polo fait le service. Mickaël, en direct de la friterie Alba à Charleroi jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Et c'est la dernière ligne droite. J'ai été agressé. Dernière ligne droite de l'émission donc ce soir en direct de la friterie à Charleroi. Merci en tout cas Friterie Alba de nous avoir accueillis. On va reprendre Patricio dans quelques minutes. Et avant ça, on va donner les résultats. Surtout les résultats. Alors, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. And the winner is entre Aude et Agostino. Ils ont fait le match d'impro il y a une bonne vingtaine de minutes maintenant. Hein. Vous avez été nombreux à voter sur le Facebook, sur le Twitter, par SMS également. Et là, verdict donc, puisque c'est Toff qui vérifie bien tout sûr. Ça. Bien sûr, je. Quel est le nom du gagnant ou de la gagnante? C'est pas comme Nico, c'est avec l'huissier et tout qui arrive. Non, il n'y a pas d'huissier, on n'a pas les moyens. Pas le temps, Toff. Bah c'est Aude. Ouais, ouais. Quoi, finalement, il simule pas si mal que ça. Hein, bah, tu peux nous faire un dernier cri de jouissance, oui, s'il te plaît. Allez, un petit dernier. Tiens, vas-y, ici, allez, vas-y. Imagine, regarde ce gros micro là. Allez, montre-nous comment tu simules. Oh, quelle horreur, elle m'a tué les oreilles là. Ça y est, putain, ça y est, on est mort là. Bah maintenant, tu sais que quand elle fait ça, elle se fout de ta gueule. Ouais, maintenant, comme ça, il le saura en tout cas, ça c'est sûr. Bon, on va également appeler le gagnant là, maintenant, le gagnant des 200 euros, celui qui s'est inscrit par SMS, gagnant ou gagnante, hein, celui qui s'est inscrit ou inscrite par SMS, sur le Facebook de l'émission avec Mickaël officiel, en faisant un like et un partage de la photo avec les billets. On y va, si il ou elle décroche, 200 euros dans la poche. putain, alors la rime et tout. Allô ouais, on est bon ou pas? Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Élise. Élise, ça va Élise, t'es dans quelle ville? Léonien, près de Bordeaux. Près de Bordeaux, d'accord, ok. Élise, tu t'es inscrite pour sur le Facebook de l'émission, t'as fait un like et un partage de la photo où il y a les 200 euros gagnés? Oui, tout à fait. Eh ben tu repars avec tout 200 euros, Élise. Ah ben super, ouais. Eh ben voilà Élise. Bah, merci beaucoup, c'est super. Eh ben avec plaisir Élise. Dis donc, les 200 euros partent à Bordeaux donc. Mais surtout, ouais, grande question, tu vas faire quoi avec les 200 boules? Oh bah je vais venir vous voir à Paris. Eh ben ça c'est beau. Ça c'est beau. Eh ben ça c'est beau. Eh ben ça c'est beau. Écoute, j'ai envie de dire, parce que vous savez, il y a le sous-chef qui est en vacances. D'ailleurs c'est pour ça que c'est un peu la fête, hein, on s'est mis bien. Je me demande dans quelle mesure on pourrait pas t'inviter du coup. Eh ben pas chanter. C'est vrai. Moi je suis d'accord. Bah voilà, oui, mais est-ce que ce n'est pas sous-chef par intérim? Non, il est sous-chef lui. On peut l'inviter. C'est pas mon argent. Ouais. Non, Fonfils s'est engagé. Tu t'engages. Non. Si tu t'engages. Bravo Fonf. Au pire, on tape dans le budget du matin. On s'en fout. Ouais. Hein, tout, vous êtes au pire. On verra pas les différences. Au pire, un auditeur, ça va. Voilà, on verra pas. Tu montes toute seule, Élise. Ah oui, tu montes toute seule, Élise, ou avec une copine? Oh, avec Camille qui écoute l'émission peut-être. Bah voilà, non, bien, non, pas Camille. Pourquoi? Quel connard. C'est l'envoi. Quel connard. Ouais. Eh ben très bien. Tu peux noter dans ton cahier, Fonf, hein, on doit deux billets de train pour aller-retour. Élise Bordeaux, et Camille. Paris. Voilà, on va s'arranger en tout cas. Je te fais des gros quoi, bisous. C'est merci Bordeaux. Beaucoup. Il y a pire comme bled. Hein. Hein non, mais non, elle a dit qu'elle avait à côté. T'es où? C'est dans quelle ville exactement, Élise? Léonien. Voilà, donc tu notes Léonien Paris. Voilà. Tu prendras le bus jusqu'à Bordeaux. Oui, on voilà, t'inquiète pas, on n'est pas dans le détail. À tes frais. Bon, Élise, on va te reprendre au standard en tout cas. C'est Sandro d'accord, qui va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidement. Et puis, bah, j'espère que tu passeras réellement nous voir, Élise. Ah, mais oui, je passerai, il n'y a pas de souci, c'est prévu. Bon, super, impeccable. Je te fais des bisous, Élise. Bisous, bye. Salut. Allez, ciao à toi, Élise. Bon, et puis avant de partir, évidemment, et normal, j'ai envie de dire, c'est Polo against the rest of the world. Eh oui, on y va. Musique, bienvenue dans Polo. Je suis en train de... Y'a rien, c'est désagréable. Ça suffit. Stop. Merci, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. On commence tout avec Marvin. Marvin, excuse-moi pour ce boucan là, je suis un peu perturbé là, pour une fois que je suis applaudi. Ouais. Je t'écoute Marvin. Ouais, j'ai des blagues belges. Non, bah pas ici. Gagik. Polo. Ouais, Gagik. Je suis ton père. Ah bon? Oui. Et alors? Gagik, t'es moins drôle là, tu fais moins le malin là. Ouais. Un espèce de bouffon, va aller dégage. Hugo, bienvenue. Oui, bonjour au grand maître. Oui, bonjour. Polo, respecté de tous les deux. Mettez-vous à genoux, espèce de chien. C'est fait. Bon, je t'écoute, Hugo, qu'est-ce que tu veux? J'ai deux blagues de merde à vous soumettre, plus une colle. Vas-y, rien que pour faire chier Marvin, tu peux en faire une, vas-y. Cool. Deux mouettes sont sur une plage. Attends, et ils ont une frite Hugo, à se partager. Calme-toi, Marvin. Marvin. Bon, oui, ça marche pas, vas-y Hugo. Deux mouettes sont sur une plage et ils ont une frite à se partager. Comment font-ils? Ouais. Je sais pas. Ils font mouette-mouette. Super. C'est nul. C'est pour ça que j'aime pas les blagues. Daniel. Ouais, allez, Polo. Attendez, Teuf est en train de jouir parce qu'il fait chauffeur de salle. C'est bon, arrêtez de me... Oui, vas-y, Daniel. Ouais, Polo, je voulais savoir, est-ce que t'as sorti ton Zécanel? Je t'entends pas. Est-ce que t'as sorti ton Zécanel? Je comprends rien. Je comprends rien. Daniel. Ouais. Bah, essaye de te rincer un peu la bouche parce qu'il y a quelque chose qui colle au fond. Marvin. Oui. T'es un peu dégoûté que tu vas pas faire ta blague ce soir non plus? Bah si, j'ai envie de faire. Bah non, tu la feras pas, c'est moi qui décide. Gagik. Ouais, le retour de l'homme le moins drôle du monde. Attention, hein, Van, allez. Merci. Attendez, je pourrais faire une annonce pour mon site internet? Non, tu peux pas. Hugo, le retour, oui. La deuxième blague, on y va. Deuxième blague. Vas-y. Pourquoi Julien Lepers n'a jamais-t-il pas de ballon sur son émission? C'est français pas. Ça ou pas, Hugo? Hugo, pas. Tu vas la réécrire et tu vas le mettre dans l'ordre. D'accord. Je vais rectifier ça. Tu vois, tu es houspillé par le public ici, espèce de bouffon. Récris-moi cette merde. Et Daniel. Ouais, bon, je on t'écoute. On te comprend rien, on comprend pas, Daniel. Eh, Daniel. Allez, fous le camp, je te raccroche au nez, tu m'as saoulé. Marvin. Oui, je peux rectifier Julien pour sa blague? Non, dégage. Gagik. Ouais. Le retour. Et Polo, qu'est-ce qui est plus lourd? Un kilo de plomb ou un kilo de plume? On s'en fout. Et Hugo. Pourquoi Julien Lepers n'a pas de ballon chez lui? On sait pas. Parce que Julien Lepers. Le retour de Gagik, on va terminer maintenant. Gagik, conclusion. Pourquoi t'es con? Parce que. Mais Gagik? Ouais. Raccroche-toi au nez, s'il te plaît, vite. Avec plaisir, j'y vais. C'est drôle, non? Hugo! Oui. Dernière vanne, vas-y, la colle, vite. Qu'est-ce qu'une tête de bite avec des poils partout et son fils se prénomme l'enculé junior? On sait pas. Sauf. Ah, le public est d'accord ou pas? Hugo, fous-moi le camp d'ici. Marvin, pour conclure. Oui, alors je peux la demain, faire. Marvin, tu reviens demain pour ta blague, d'accord? Ça fait deux semaines, mais j'ai... Tu m'as appelé Toff? Non, il a dit tant. Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai une blague sur les Belges. Non, dégage d'ici, hop, je te raccroche au nez. Ainsi se termine ce polo contre le reste du monde en direct de Charleroi. Merci à ceux qui m'écoutent et merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas. Car grâce à vous tous les soirs, je suis numéro 1 dans le monde. Et ça, c'est beau. Oui, et avec, je le rappelle, 150 millions de fans sur ta page Facebook. Voilà. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau et ça se fait. Et merci à tous. Merci de m'avoir écouté. Surtout du Népal. C'est ça, ouais. Beaucoup de fans du Pakistan et puis du Ghana aussi. Exactement. Et ça, c'était important, effectivement. Bon, et bien, on va également, avant de se faire le générique de fin, bien entendu, remercier le grand patron de la friterie, Alba. Bravo! Et on merci aujourd'hui. Qui nous a quand même, accueillis, qui nous a mis bien. Ouais, il nous a mis très bien. Ouais, on s'est bien marré. J'espère que vous aussi derrière votre radio. En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait pour. En tout cas, on espère. Et puis surtout, on a mis toutes les photos, notamment. Est-ce que t'as vu du coup, Patricio, la petite caresse de Steph sur le dos? Attends, oh là t'entends là. Mal. C'est ma faute. Ouais, j'y vais. Alors, est-ce que tu aussi tu veux une petite caresse ou pas? Ah non, j'ai pas. En fait, j'ai pas attendu. Non, parce que sinon, elle a des ongles sympas. Non, mais montre ton dos. Montre-lui, voilà. Et maintenant, enfin, regarde ce qui s'est passé dans ton établissement. Non, attends, on voit mal. Lève encore. Voilà. Il était griffé. Je suis un peu gros, hein, donc ça tire. Voilà. Donc, bien sûr pour ta gueule. T'es sûr, Patricio, que tu veux pas la même, hein? Oh putain, c'est dommage. T'es sûr, hein, parce que sinon, elle peut le faire. Elle s'est offert, c'est gratuit, hein. Merci de ton accueil. Ouais, on remercie de l'accueil. Vraiment, merci, on a été reçus. C'était magnifique. Merci, voilà. Charleroi. C'était super bien. Merci aussi d'ailleurs à tous les auditeurs qui sont venus. Bon, là, évidemment, qu'ils sont repartis depuis. Mais merci en tout cas d'avoir été là ce soir, d'avoir fait l'émission avec nous. Vous avez bien déchiré. Merci et à puis, fond d'avoir tout porté. Exactement. Ouais, merci, oui. Parce que sans fond, on n'y serait pas arrivé. Exactement. Et puis on a également un DJ qui est venu d'Épinal avec nous. Il y a des gens qui ont fait la route. Hey, enfin, il y en a qui ont fait la route, effectivement. Quel talent. Voilà. Et chez qui on va aller d'ailleurs au temple bientôt. Ah, mais c'est pour ça. Voilà. On va aller négocier sa réduction. Ben oui. Comment ça va? Salut les gars, salut. Eh ben ça nous a fait de la route là, dis donc, hein. Ah ouais. Même pour te voir, on fait beaucoup de route. Eh oui, t'as vu la preuve. Bah, j'espère qu'ils viendront aussi à Épinal du coup. Bah, écoute, on te voit le 14 juin avec toute ton équipe. Exactement, ouais, tout à fait. Bon, ils sont pas encore au courant, maintenant ils sont au courant. Ah, parce que j'étais à New York le 14 juin. Ouais, arrête ton cinéma. Même à York, tu n'aurais pas le moyen d'y aller. Arrête ton cinéma. Tu vas annuler, Toff. Voilà, ouais, c'est ça. Okay, tu seras à New Épinal. Voilà, New Épinal. C'est pas mal, ça a l'air bien. Crois-moi que les Vosgiens, ça fait la fête. Ah bah, je n'en doute pas. Tu vas voir ça. Bah voilà, alors c'est vous parfait. On tous et toutes. Et bah, cool, c'est gentil, attends, j'espère en tout cas que ça va être la teuf. À mon avis, oui, on aura l'occasion d'en reparler. Pour tous ceux qui sont du côté d'Épinal, on passera vous voir évidemment le 14 juin, donc juste avant l'été. Ok. Parfait. Bah, écoute, rentrez bien déjà. Et bah, vous t'inquiète pas, on habite pas loin, donc c'est surtout vous, hein. Il va falloir taper Épinal, hein. Bah, voilà. Merci en tout cas. Ciao les gars, merci de votre accueil. Merci. Très bien. Alors, Patricio, vite, on reprend le micro. Donc, normalement, t'es déjà fermé là, ça ferme à 23h, normalement. Bon, c'est rien. Ouais, bah oui. C'est rien, aujourd'hui, tu peux rester un peu plus longtemps ouvert. Voilà. Hein, c'est pas non, comme si le chiffre d'affaires était mauvais. C'est le nettoyage maintenant. Nettoyage, bah oui. Mais t'inquiète pas, Toff nettoie également. Avec ses cheveux. Avec les cheveux, exactement, ouais. Bon, je rappelle que t'es ouvert tous les jours ou... Mais normalement, demain, c'est fermé, mais je vais ouvrir. Ah bah oui, il va profiter de la promotion. Voilà, si vous voulez venir, d'ailleurs, dès demain, c'est ouvert à part... Bah, c'est ouvert non-stop jusqu'à demain soir, je crois, voilà. C'est ça. D'ailleurs, demain, il fait une frite, acheter une frite offerte. Mais une frite, hein, pas le paquet. Hein. Pas le paquet, une frite, acheter une frite à unité. Exactement. Voilà, c'est 34 rue Caillauderie. Tu vois, j'ai failli. Hein, Caillauderie. C'est à Charleroi Nord. Et de toute façon, vous pouvez pas le rater maintenant, puisqu'il y a un logo de l'émission de Mickaël No Limite. Alors, pour info, parce qu'on a mis la première version, donc notre auditeur Eric qui avait fait le tag avait oublié le i, donc ça faisait Mickaël No Limite. Dans le micro, on a Charleroi aussi, hein. Donc non, ça passe. Mais, il a rebroussé chemin, il a rajouté le petit i. Ah bon, ça va alors. Donc, je vais vous la mettre sur le Facebook, comme ça vous verrez la version corrigée. Donc, ouais. Il y a marqué Mickaël No Limit, vous pouvez pas la rater. C'est 34 rue Caillaudry. Donc, ne ratez pas le coche, puisque à Charleroi, ils ont décidé d'appeler deux rues avec le même nom à 3 km d'écart. Mais c'est celle qui fait le croisement avec la grande rue. Voilà. Donc, n'allez pas à Ransard, où là, effectivement, il y a la rue Caillaudry, mais où vous allez voir au 34, il y a rien. Il y a un champ. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, attends, c'est une blague. Elle est où cette friterie là, en plein milieu du champ là, il s'est passé quoi là, je comprends pas. Donc voilà, 34 rue Caillaudry à Charleroi en Belgique, donc si vous êtes dans le coin, passez voir. Et puis merci beaucoup à tous ceux d'avoir été là. Merci à Steph, merci à Aude, merci à celui qui file les caca aussi, non, les garçons s'en fout. Agostino, non, les garçons s'en fout, les garçons comme des porcs là. Voilà, exactement, qui ont bien mangé d'ailleurs, qui ont fait tous les jeux. Qui est pas loin, exactement, également. Et merci au papa également de Tarzio qui nous a bien accueillis. Qui a construit la friterie. Virgile, merci à Virgile. Voilà, qui a construit la friterie, effectivement. C'était magnifique. Bon, générique de fin avant de se faire Dario. Excuse-moi Dario. Avant de t'accueillir Dario. Fourré Dario. Non. Est-ce que vous connaissez le générique de fin? Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Il y a un enfant. Est-ce qu'on peut sortir l'enfant, s'il vous plaît? Oui, parce que ça risque d'être un peu tendu. C'est dur 5 minutes, hein. Voilà, on termine avec ça. Je compte sur vous. Attention, c'est Polo qui chante. Vous pouvez le suivre, bien sûr. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu es groupe des mythes, fais suis, c'est toi, l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Allez. Là, du coup ils osent plus là. Fais-moi les malins. Ah ça simule en direct mais ça n'ose pas chanter hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Les carolos sont sortis. Eh oui. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Allez. Tu vois, c'est dommage. C'est dommage, on aurait pu avoir... Oh là là, par pitié qu'on l'achève. On aurait pu avoir une autre, mais malheureusement non. Bon, comment va Dario? Il va très très bien. Il va très très bien. Je vous ai écouté, je me suis dit s'il y avait encore un mec en France qui avait envie de partir en vacances à Charleroi, là il est dégoûté, ça y est, hein. c'est réglé, le problème. Attends, hein. Bonne ambiance et tout, friterie Alba et tout, mec, faut que tu viennes Dario. Et parce que demain il y a une frite achetée et une frite vendue, donc c'est... Oui, c'est ça, exactement. C'est à l'unité. Hein. Ah oui, c'est l'unité, évidemment. Ah tu m'étonnes. Je suis un peu déçu de pas vous voir. Oh, tu nous manques Dario. Mais oui, mais on se reverra. Bah, j'espère bien oui. Les gars, vous êtes qu'en Belgique, vous n'êtes pas non plus au bout du monde. Ouais, hein. c'est vrai. Qui est très rigolo, je sais pas, on peut en parler. Tout à l'heure j'arrive et j'écoute Polo contre le reste du monde et je demande comme vraiment la question conne, hein, tu vois. Je demande comme ça à l'équipe, je dis mais c'est quoi le concept de Polo contre le reste du monde? J'ai fait l'erreur de demander à Victor pour commencer. Victor qui pousse les boutons ce soir. Grosse connerie. Très grosse connerie. Ouais, il faut jamais rien demander à Victor. Bon Victor, t'imagines la réponse, mais alors j'ai demandé à Sandro. Ouais, et là. Elle a dit qu'elle savait pas. Bah bizarrement quoi, c'est pareil quoi. Donc t'es bien entouré quoi, écoute. Hein, t'es bien dans le truc là. Non, on s'est mis bien. Écoute, on prend les réacs qu'on nous donne, hein. Je te le laisse d'ailleurs Dario. Bon, et bah Radio New York jusqu'à 6h, t'as prévu quoi là? Eh bah écoute, t'as qu'à attendre 2 minutes et après le générique je donnerai le programme. Tu m'en perds si tu veux, hein, pas mal. Hein. Non mais il y a plein de gens, il y a Joachim Garraud, il y a Clean Bandit, il y a Maeva Carter, il y a plein de trucs. Très bien, lourd, parfait. Et ben, Polo contre le reste du monde vers 4h. Les meilleurs moments. Ce sera la pause. Le best-of. Le best-of. Allez, c'est parti. Dario maintenant. Radio New York, c'est jusqu'à 6h du mat. Bah, bonne nuit, Dario. Allez, déjà parti, on se retrouve nous demain à partir de 20h sur Fun Radio, parce qu'il change de studio pour vous expliquer. Et bisous à Sandro Victor. Bonne soirée. Allez, salut à tous, on se retrouve demain à partir de 20h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde et merci à Charleroi de nous avoir accueillis. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux.